pas bienvenue dans les mondes de l'inattendu, hein? Et bien le bonjour ou bien le bonsoir ou même la bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bref, salut à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes le 10 mai. Donc bon anniversaire à vous qui êtes nés le 10 mai et donc souhaitons un bon anniversaire à Bono, célèbre chanteur du groupe U2 qui fête donc ses 58 ans. U2 qui d'ailleurs, et on le sait moins, a participé à une campagne de pub pour un dessert du McDo. Et c'est également un 10 mai, le 10 mai 1963, que les Rolling Stones ont enregistré leur premier 45 tours au studio Olympique. Et ça swing, ça groove dans les chaumières, on s'enjaille à fond. D'ailleurs, petite anecdote, c'est en se rendant à leur concert à l'hippodrome d'Auteuil en juin 1982 que le convoi des Stones a croisé, sans le savoir, un jeune autostoppeur franco-sénégalais qui se fera connaître quelques années après en tant qu'acteur, puisqu'il s'agissait de Mousse Diouf, qui a notamment joué dans la série Julie Lescaut et Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Mousse Diouf se rendait aussi à l'hippodrome en stop. Mais les Stones sont passés à côté de lui sans le remarquer. Et oui, Pierre qui roule, namaste pas Mousse. Cette blague était vraiment marrante. Je suis Valentin de la chaîne YouTube V pour Valentin et je suis absolument pas honteux de toutes les vannes que je viens de faire. Je suis comme d'habitude accompagné de mes trois camarades qui sentent bon la menthe. À ma gauche, bien entendu, Jackie. Bonjour à tous. La réalisatrice de l'émission avec qui vous pouvez interagir en direct sur le chat et qui relaiera vos paroles, chers auditeurs. On a aussi des petites jingles pour vous, donc n'hésitez pas à interagir, c'est important. À faire des belagues. À faire des belagues, absolument. Avec nous également la barbe la plus sexy de tous les internets, mais ce n'est pas qu'une barbe, il y a un homme autour. Vianney est avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Et est-il besoin de présenter le dernier larron ? Eh bien oui, puisque c'est un tour de table. Donc veuillez accueillir le sublime, le vigoureux, le viril Armel. Bravo, bravo ! Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien. Eh bien oui, et toi ? Eh bien, formidablement bien, formidablement bien. Au programme ce soir, plein de choses. Qu'on va donc faire ce soir, dis-nous ? On va faire forcément... Le kiff. Du moment. Ça va être bien. Bah ouais, il y en aura plein des kiffs. Il y aura moi, Jackie, toi, Armel, je crois. Oui. Et pas toi, Vianney. Je sais pas, j'y réfléchis, mais je pense pas. D'accord, très bien. On aura aussi un petit jeu de mon cru, un dossier d'Armel. J'aurais dû terminer par le dossier parce qu'on va, lancer ça, tu vas voir. Il y aura aussi une nouvelle rubrique, Retour vers le film. Oui. Rubrique d'Armel. Tu laisses ça en suspens. Oui. Ouais, d'accord. D'accord. On saura comme après. Ça, ils vont rester jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que c'est que cette rubrique ? C'est ça que tout le monde est en train de se dire. Retour vers le film. Donc des kiffs, un dossier, un jeu. Oui, donc le dossier. Ah si, attends. Avant le dossier, toi aussi, Vianney, tu arrives avec un petit quelque chose. Oui. Moi, je vous fais aussi une nouvelle rubrique. Du coup, et on a Retour vers le film de Armel et on a une rubrique qui n'a pas encore de nom. De moi-même. On verra tout à l'heure. Ça va être une rubrique assez courte. Ça devrait durer moins de 5 minutes. Très bien. Et eh ben, j'ai hâte de t'entendre parler porno. Ça va être formidable. Je parlerai de jeux de société. Ah, super. Formidable. Ça a l'air mieux l'autre. Ouais, moi, j'aurais préféré l'autre aussi. Et donc, le dossier ce soir d'Armel, pardon, j'ai un petit rototo là qui est pas loin, mais il est pas là. Donc, allez, fais-le. Mais à un moment donné, je ne sais pas roter. Donc, voilà. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Eh bien, je vais essayer de vous parler de la place des femmes dans la fantasy, et plus précisément de la place des lectrices, en fait. D'accord, donc ça peut déraper de mille façons. Oh là là, comme ouais, à mille feuilles, mais... Mille, même 2000. Ouais, ok. Mais voilà. Dédicace à toutes les femmes ce soir qui nous écoutent. Très bien, merci. Très bien. Eh bien, on enchaîne. Maintenant qu'on est prêt, j'ai envie de dire... Le kiff. Du moment. Et oui, parce qu'on a décidé de distiller un peu les kiffs tout au long de l'émission, comme ça c'est plus agréable. Et du coup, c'est Jackie qui ouvre le bal avec son petit kiff du moment. Le kiff du moment. Oui, merci Valentin. De quoi vas-tu donc nous... C'est quoi ton kiff en ce moment, Jackie ? Eh bien, en ce moment, je me suis remise à jouer à Peggle. un petit jeu édité et développé par PopCap Games, qui ont notamment fait Plants vs Zombies, pour, entre autres, hein, pour ceux qui se demandaient ce qu'ils ont fait. Qui, ouais, très connu, mais moi je jamais joué. Ouais, moi j'ai jamais joué non plus pour. Moi, Plants vs Zombies, je l'ai saigné. C'est bien. Ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Bah pour du jeu en petit comme ça, en petit jeu à la con, oui, c'est très très bien. Donc des gens qui savent. Ça va assez loin, je trouve, dans le trip, parce que souvent ces petits jeux-là, je ne connais pas Peggle, mais voilà, ces petits jeux en flash ou machin sur des tablettes, souvent c'est pas très développé, pas très poussé, c'est juste des concepts hyper épurés. Et Plants vs Zombies avait un concept épuré, mais avec pas mal de choses supplémentaires où tu progresses entre les niveaux, tu gagnes de l'expérience, machin. C'était pas mal. Voilà, le moment Plants vs Zombies. Et donc, l'avantage de Peggle, c'est qu'il est édité sur absolument tout, donc autant pour Mac, autant pour Windows, que pour Xbox, que pour PlayStation, que pour DS, que pour téléphone. Il est sur DS aussi ? Il est sur DS aussi, j'ai vu qu'il avait été développé sur DS. Et c'est payant, gratuit ? Alors, sur toutes les autres plateformes, à part le téléphone, c'est payant. D'accord, PC, Mac, c'est payant aussi. Oui, sur. Alors personnellement, je l'ai sur Steam, c'était payant. Et, okay. Pour les autres plateformes, je ne m'avance pas trop en disant que c'est payant. Alors je vais pas faire le faux surpris parce que j'ai été surpris il y a une heure quand tu m'as montré ça, mais maintenant je le sais, donc voilà. Mais je ne savais pas donc qu'il y avait une version sur tablette et smartphone, et ça c'est trop trop bien. En plus, si elle est gratuite, c'est vraiment mortel parce que c'est un super jeu que j'ai pu jouer sur PC, mais sur tablette, qui est ça, c'est un format qui s'y prête bien, donc c'est super cool. Mais donc, du coup, qu'est-ce que c'est-il de ce jeu ? Exactement. Alors, c'est un jeu de genre arcade. Le principe, c'est simple, c'est un niveau en 2D avec des, ce qu'on appelle des taquets disposés sur une image en fond d'écran. Et Oui, donc c'est des espèces de petits jetons en fait qui sont ouais, voilà, disposés sur en fait sur une image qui une image décorer, plate, voilà, quoi. Une image plate, exactement. Et le but du jeu, c'est qu'avec des billes que tu vas lancer depuis en haut du niveau, elles vont tomber avec la gravité et elles vont faire des points, et voilà. Et le but du jeu, c'est d'éliminer tous les taquets orange de l'image. Et si t'es stylé, d'éliminer tous les taquets tout court. Oui, parce qu'il y en a des bleus et des oranges. Je vais expliquer tout ça. Ouais, ok. Donc le principe, c'est ça. C'est similaire à un casse-brique et un flipper, mais du coup inversé, quoi. Tu pars d'en haut au lieu d'en bas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Donc, ce que je peux vous parler, c'est les types de taquets. Il y a des taquets bleus, c'est les taquets ordinaires. Ils ont deux formes, ceux qui ressemblent à des briques ou des pastilles. Des pastilles ? Bah, ouais, d'accord, des ronds ou des rectangles. Voilà, des ronds ou des rectangles, exactement. Il y a les taquets orange, donc ça, c'est les taquets qu'il faut obligatoirement éliminer pour remporter le niveau. Et il y a des taquets verts, et ça, c'est des taquets de pouvoir qui, selon le personnage que tu vas avoir dans le niveau, va par exemple, pour le premier, il s'appelle, c'est une licorne, et elle s'appelle Bjorn, ouais. Je sais pas trop comment on prononce. Et lui, son super pouvoir, si tu tapes un taquet vert, c'est de t'offrir une trajectoire avec un rebond. Voilà. De t'offrir une... Ah oui, de te tracer la trajectoire précise que rebond. Tu vas faire, c'est ça. Parce qu'en fait, tu dois viser avec un canon, mais tu as une certaine portée de la flèche qui te dit à peu près où tu vas tirer, mais ça s'arrête assez tôt. En fait, elle va te donner le premier impact, mais pas le rebond. Voilà. Et la licorne te donne la direction où elle va rebondir pour calculer un peu mieux ta trajectoire. Quoi. Exactement. Et le deuxième... Enfin, si tu tapes deux taquets verts, et ben c'est deux rebonds. Ah oui, si tu n'utilises pas ton pouvoir tout de suite et que tu as donc les deux taquets verts d'un coup, tu as un pouvoir plus, quoi, du coup. Exactement, okay. Voilà. Et donc, il y a un dernier type de taquets, c'est les taquets violets, qui sont tout simplement des multiplicateurs de points quand on les touche. Mmh. Okay. Ah oui, c'est du principe de high score à la Candy Crush et compagnie. Exactement, voilà, c'est de la pure arcade, voilà. Tu fais le but du jeu, c'est de faire un plus gros score. Et t'as d'autres pouvoirs aussi, du coup, en fonction des... Exactement. Pour pas gâcher la surprise, et étant donné que les personnages sont différents selon les jeux, selon les plateformes où on va jouer... Ah, tu veux dire que le personnage que tu joues dépend de la plateforme sur laquelle tu joues ? Bah, en fait, le premier personnage, c'est-à-dire Bjorn... Il y est surtout. Ouais, il y c'est un de base. C'est le premier animal. Même les autres, j'ai vu le deuxième, je sais que c'est un peu partout pareil aussi. Et par contre, les autres animaux, c'est pas forcément pareil selon l'endroit où tu joues. D'accord. Voilà. Et okay, selon la version du jeu, selon... Ouais. Voilà, exactement. Excellent. Donc du coup, alors par contre, je pense que les pouvoirs sont à peu près similaires, même si les personnages sont différents. Mais c'est toujours le même principe, le taquet vert donne le pouvoir à ton personnage et il sera différent selon le personnage. Il y a quoi, une dizaine de persos, c'est ça, une dizaine de pouvoirs à peu près? Dans la version que j'ai joué, moi, Peggle et Peggle Knight, c'était ça, moi. Alors, j'ai pas regardé, mais effectivement, il y en a pas mal. Ouais, une dizaine, je pense. Ouais. Et c'est bien parce que c'est des pouvoirs vraiment variés qui changent vraiment la partie, en fait. Et c'est super intéressant. Après, il y en a qui sont... Alors, si, il y a des niveaux qui sont vachement bien pensés pour les pouvoirs, mais parfois, c'est un peu... je pense notamment à un des pouvoirs qui est... en fait, à 3 canons au lieu d'un seul. Et les 2 autres canons sont sur les côtés. Mais c'est pas forcément pratique à utiliser. Parce que du coup, le taquet, tu vas tirer ton canon du côté, ça va toucher un taquet, ça va tomber, mais ça va servir à rien d'autre, quoi. Bref. Ensuite, comme je disais, les scores, il y a... Alors, quand vous lancez votre taquet, le but du jeu, c'est qu'il tape un maximum de billes avant de tomber en bas du niveau. Et tu peux rattraper ta balle. C'est-à-dire que quand elle tombe en bas du niveau, c'est perdu. Tu perds ta balle, mais tu as un petit panier qui circule de gauche à droite et qui te permet de rattraper ta bille elle tombe. Alors par contre, dans la version mobile, tu as des niveaux où il y a un personnage qui va t'enlever ce panier et tu vas devoir faire avec que les billes que tu as. Mais, c'est cool ça. Comme je disais, plus ton taquet reste longtemps dans le terrain et il tape un maximum de taquets, plus ta bille plutôt. Bref, ça va augmenter le high score. Ça va augmenter ton multiplicateur de points, ça va augmenter. Et une fois que ta barre de points est pleine, tu gagnes une bille. Du coup, c'est un peu moins méchant. Voilà, du coup, oui, parce que parfois c'est très très limité en termes de billes. Donc voilà. Il y avait aussi. Tu peux avoir des points de style. Si par exemple tu tapes un taquet orange qui est à l'extrême droite et ta bille rebondit, elle fait tout le terrain et elle va taper un autre taquet orange qui est à l'extrême gauche, et c'est un point de style par exemple qui s'appelle c'est pas le long shot. Oui, long shot, voilà, exactement. Ouais, long shot, voilà. Et il y en a plusieurs dans ce style. Par exemple, celui que je préfère, c'est essayer de faire une glissade. Quand tes taquets sont bien bien alignés et que tu balances ta bille et qu'elle le fait toute la ligne sans décoller, ça s'appelle ça s'appelle une glissade extrême, pardon. Oui, c'est ça. Et donc voilà, les taquets sont disposés de manière anarchique parfois, mais il y a aussi parfois ils font des formes. Genre t'as des spirales de taquets, donc du coup si tu places bien ta bille, elle peut faire tout le tour et voilà. T'as un max de points et puis t'as des animations sympas, des trucs comme ça, enfin, c'est chouette. Voilà, et du coup, c'est pourquoi j'aime bien ce jeu, parce que en fait, il surjoue la victoire, c'est abusé, c'est juste la fête au village quand tu as gagné un niveau. Ouais, il faisait pareil sur Candy Crush et compagnie. Voilà, en gros tu t'as des feux d'artifice, des arcs-en-ciel dans tous les sens, c'est écrit Extreme Fever quand t'as eu le dernier taquet, et tout d'un coup t'as l'ode à la joie de Beethoven avec des chœurs qui chantent à fond. C'est d'aval. Franchement trop fun. C'est une explosion de victoire tout d'un coup. La première partie que tu gagnes, tu t'en souviens en fait, parce que ça, voilà, ça explose en fait, et t'as juste touché une bille, mais t'as l'impression que t'as sauvé le monde, c'est trop drôle, l'ambiance est vraiment mortelle. D'ailleurs, petit truc sympa aussi, c'est que au dernier taquet orange que tu touches, il y a un petit ralenti et un zoom sur ton taquet orange que tu vas peut-être toucher. C'est ça, parce que t'es même pas sûr. Quand le ralenti se déclenche, t'es pas sûr de gagner, parce que parfois elle passe juste à côté pour que le ralenti se déclenche, mais elle va dépasser le taquet. Donc t'as un espèce de suspense avec un roulement de tambour ralenti, et parfois t'entends un oh, et puis t'as ta bille qui continue son chemin. C'est super drôle, c'est vraiment marrant. Et ce qui est cool, c'est que dans la version mobile, celle que j'ai essayée dernièrement, ils ont amélioré ce concept-là. Moins t'as de billes, moins la musique a d'instruments. Ah, excellent. Voilà, donc à ta dernière bille, c'est le suspense total. Et la musique s'arrête complètement si tu es proche du dernier taquet. Ça fait un espèce de roulement de tamboule avec de tamboule. Un roulement de taboulé. Un roulement de semoule. Avec un cœur qui est en suspense et qui attend impatiemment que ta bille touche. Excellent. Donc, alors, petit détail qui a son importance, le Peggle du mobile s'appelle Peggle Blast, vous pouvez le trouver, donc voilà. Mm-hmm. Ça s'écrit P-E-2-G-L-E, c'est ça ? Exactement. Peggle. Voilà, et le truc, c'est qu'il est buggé. quand vous le téléchargez et que vous y jouez avec Internet, vous avez tout débloqué. Les scores à fond, les vies à fond, les bonus à fond, tous les niveaux au maximum score, tout est à fond. En fait, quand tu le télécharges, t'as fini le jeu. Okay. Voilà. T'as mangé le jeu et t'as payé toutes tes thunes pour avoir plein de bonus. Et voilà. Ok. Et en fait, pour pouvoir y jouer correctement, et ben une fois que vous l'avez téléchargé, vous vous rendez compte qu'il est bugué. Ouais. Tu brides toi-même le jeu, en fait, du coup. Pour... Ben, en fait, ce que tu fais, c'est que tu éteins Internet de ta plateforme, ouais. Tu coupes la mémoire du jeu. Ouais. En gros, tu vas dans les paramètres et tu effaces la mémoire du jeu. Ouais. Et quand tu rallumes le jeu sans Internet, et ben ton jeu est reparti de zéro. Et si tu... Donc, en fait, quand tu joues au jeu, il faut toujours que tu joues sans Internet ? Exactement. Par contre, une fois que tu arrives au niveau 20 et que tu rallumes Internet, il va trop finir ton jeu. Ah ouais, c'est chiant ça. Mais ils vont peut-être. Ça fait longtemps qu'il est sorti sur tablette ou. Aucune idée, ça, je sais. J'ai ouais, pas ils regardé. Vont corriger ça. Le truc, c'est que si tu veux, j'ai trois amis qui jouent. Le premier qui l'a téléchargé, lui, il fait le jeu correctement. Le deuxième qui l'a téléchargé, il a tout. Il a tout débloqué. Tout débloqué. Mmh. Et moi, je l'ai téléchargé aujourd'hui et j'ai tout débloqué aussi. Mmh. Ok. Donc, du coup, voilà. Je conseille aux gens, si jamais le jeu est bugué et qu'ils ont pas envie de. Enfin, qu'ils ont envie de challenge. D'aller dans les ouais. paramètres et d'enlever Internet, tout ça. Ouais, non, puis ouais, c'est vraiment un jeu super fun. Et puis l'ambiance est toute guimauve, toute mignonne. C'est très dessin pour enfants et tout, mais c'est volontairement comme ça. Et c'est super drôle et super attractif en fait. Comme, Ça donne envie. Ouais, c'est chouette, ouais. Il y a Randall Flagg qui fait en tout cas Pegelstein, c'est pas mauvais. Pegelstein, c'est pas mauvais. Pegelstein, voilà. Pegelstein, c'était un des opus sur une console, non? Je sais pas. Je sais pas. En fait, s'il a fait une blague, je veux bien mettre le jingle, mais comme j'ai pas compris la blague. Est-ce qu'il peut expliquer ça? Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être un opus du jeu. Moi, c'était Peggle Knight que j'avais joué qui était cool. Et c'est celui voilà. qu'on a sur Steam, nous. Ouais. On a Peggle Knight. Ce serait bien qu'il sorte sur Switch, je suis en train de me dire. Ce serait... Bref, je dis vague. Bah, vague. Parfait. Vague. Oh. C'était la blague. Merci beaucoup. Merci, Jackie. C'est... De rien. Mais c'est formidable. Parfait. Et ben, on va pouvoir enchaîner. Après Attends, oui. on vient de terminer quoi comme rubrique, là On vient de terminer... Le kiff du moment. De Jackie. J'adore ce jeu. Ce ouais. Il y en aura d'autres. Hein. Il y aura d'autres... Le kiff du moment. Ah oui. Il y aura, par exemple... Le kiff. Du moment de d'Armel, il y aura le kiff du moment de moi. C'est chiant. Et j'en aurai même deux. Bon, pour pas que Jackie fasse une syncope, je vais arrêter de passer le kiff du moment. Et bah même, on va tout de suite passer un autre jingle ou presque, puisque ce soir. Armel nous parle donc des personnages. Ah, il a expliqué sa vanne. Vas-y, alors, vas-y. Randall Flagg, c'était quoi ta blague? Alors, donc, je répète la phrase d'origine. En tout cas, Pegelstein, c'est pas mauvais. Bagelstein, c'était une blague. Mais faut connaître Bagelstein qui vend des bagels. Voilà. La blague du Teuchat. Merci, Randall Flagg, pour cette blague du Teuchat. Donc. On peut se recentrer maintenant, s'il vous plaît. Ce soir, Armel nous parle donc des personnages féminins dans la fantasy. Alors, fantasy, Final Fantasy, jeux vidéo virtuel informatique, robot, voix digitale. Voici le Synthetic Quiz. Avec le jingle. C'est le jingle du jeu, le Synthetic Quiz. Le Synthetic Quiz. Est-ce que vous voulez jouer à un petit jeu intelligent ? Dommage. Et voilà, le Synthetic Quiz. Alors, lors de la première émission, je vous ai fait une démonstration de ma machine à miniaturiser que je garde chez moi. Si vous vous en rappelez, il se trouve que j'ai également sous ma télé un décodeur que j'ai récupéré auprès d'un savant fou qui l'aurait, paraît-il, bricolé à partir d'une voiture de collection. Ce décodeur me permet de regarder des programmes télé qui ne sont pas encore sortis. Hier, par exemple, j'ai pu regarder le JT de 2043 présenté par Kev Adams, qui apparemment va se reconvertir en présentateur un peu après son troisième one-man show. Bref, je vais pas vous raconter ma soirée, hein, mais j'ai zappé quelques ça, chaînes. Ça avait l'air très triste, du coup. Oui, c'était tout à fait déprimant. J'ai zappé donc sur quelques chaînes et sur quelques époques, et il se trouve que je suis tombé sur des programmes assez particuliers. Sachez que dans un futur pas si lointain, les robots qui auront acquis un mode de pensée transversal feront des remakes de films bien connus. Je vous ai donc sélectionné plusieurs extraits de ces films pour en faire un blind test. Alors comme d'habitude, tout le monde joue, il s'agit de retrouver le film remaké par les robots. À chaque fois, je vous ferai 4 propositions. Donc je rappelle que vous pouvez également jouer sur le chat. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, formidable. Wesh. Eh ben, écoutez, c'est parti. On va passer le premier, le temps que je retrouve ma feuille. Oui, parfait. On va passer la première question. C'est parti. Viens ici. Ta mauvaise mine, je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Alors, est-ce que vous avez le film remaké Alors, dites-moi, ouais, je vais faire les propositions. La Land. C'est ta proposition? Je suis pas sûr. Alors, réponse A, Le Parrain. Réponse B, Scarface. Réponse C, Trumbo. Ou réponse D, Deadpool. Qu'est-ce que c'était le film? C'est quoi le C? Trumbo. C'est un biopic sur Dalton Trumbo avec Bryan Cranston. C'est super. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on repasse l'extrait? Pourquoi pas. Allons-y. Viens ici. Ta mauvaise mine, je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Donc, est-ce que c'est réponse A, Le Parrain, réponse B, Scarface, Trumbo, réponse C, ou Deadpool, réponse D? Il y a des gens sur le Toshak qui... Ah, c'est marrant, je pensais que vous l'auriez eu tout de suite, c'est pour ça que je l'avais mise en première. J'aurais dit Deadpool, du coup. C'est Deadpool, ouais. Deadpool, tu sais pas, et dans le chat, ils savent pas non plus? Non. Ok. Ah, ils disent A, pardon. Ils disent Le Parrain? Ok, donc j'ai un Le Parrain et un Deadpool. Ok, bah réponse, hein. Gagé. T'as mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Ok, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'était Le Parrain, absolument. En VF. En VF. Alors oui, alors j'ai partagé entre des films français et des films américains ou étrangers, forcément en français. En VF, ouais. Eh ben, bravo. Bravo Randall Flagg. Bravo Randall Flagg. Nous pouvons passer à l'extrait suivant. C'est pas meublé. Ah bah l'ancien directeur, il est parti avec, hein? Bah pourquoi il est parti avec les meubles? Bah parce que, c'est peut-être les chiens. Quels chiens? Les meubles. Attendez, je comprends pas là. Les meubles c'est les chiens. Les meubles c'est les chiens, mais qu'est-ce que les chiens foutent avec des meubles? Pourquoi donner ces meubles à des chiens? Mais non, les chiens, pas les chiens. Il les a pas donnés à des chiens, ces meubles il est parti avec. Mais pourquoi vous dites qu'il les a donnés? Mais j'ai jamais dit ça. Pourquoi les chats? Vous m'avez dit des chiens. Bah non. Ah si. Vous m'avez dit les meubles ils sont chez des chiens. Ah d'accord. Ah non, j'ai dit les meubles chez les chiens. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. Les chiens, à lui. C'est trop long, c'est ce que j'étais en train de me dire. On va pas le repasser celui-là. C'est Bienvenue chez les Ch'tis. Et alors oui, alors les propositions, nous avons Bienvenue chez les Ch'tis, Trois Hommes et un Couffin, Snatch mort, ou Deadpool. Oui, c'est Snatch. Snatch, toi tu dis? C'est Bienvenue chez les Ch'tis. Et Armel il dit Bienvenue chez les Ch'tis. C'est et bah, Bienvenue chez les Ch'tis. Réponse alors? Non, c'est pas Bienvenue chez les Ch'tis. C'est pas meublé? Ah bah, l'ancien directeur, il est parti avec, hein. Pourquoi il est parti avec les meubles? Parce que j'ai peut-être les chiens. Quels chiens? Les meubles. On la met vraiment en entier. Les meubles, les chiens. Les meubles chez les chiens, mais qu'est-ce que les chiens foutent avec des meubles? Grand pourquoi donner des ces meubles à des chiens? Mais non, les chiens, pour les chiens. Ils ont pas donné à des chiens, ces meubles, il est parti avec. Mais pourquoi vous dites qu'il les a donnés? Mais j'ai jamais dit ça. Pourquoi des chats? Vous avez dit des chiens. Ah non. Ah si, il m'a dit les meubles sont chez les chiens. Ah d'accord. Ah non, j'ai dit les meubles chez les chiens. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. Les chiens à lui. Voilà, superbe moment de cinéma français. On peut passer... Oui, si vas-y. Si vous me cherchez, je serai en train de me planter des écus dans les yeux. D'accord. Alors, cela dit, j'ai pas le jingle anecdote personnelle et intime de Valentin, mais moi j'ai rigolé moi devant Bienvenue chez Ch'ti. Bref. D'accord. Voilà, on peut passer à l'extrait suivant. Qui êtes-vous ? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Waouh ! Alors, est-ce qu'il s'agit de Donnie Brasco ? Réponse A. De Doom ? Réponse B. De Die Hard ? Réponse C. Ou de Deadpool ? Réponse D. Deadpool. Moi, je dirais Die Hard. J'en suis certain. Ok. À 100%. 100%. Parce que tu as vu le film. Parce que je le sais. Ok. Très bien. Ok. Est-ce que sur le chat, ils ont éventuellement des avis ? Ça pourrait être Deadpool, carrément. Mais je pense que c'est Die Hard. Moi, je suis sûr que c'est pas Die Hard. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, balançons la réponse. Qui êtes-vous ? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Waouh. Alors, voilà. Le mec, la voix synthétique, tout à l'heure, elle a dit waouh. Ouais. Okay, waouh, elle a fait. Ok. Ok, go, extrait suivant. Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout simple. Vous êtes producteur, ok ? Ok, ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Ok. Américain ? Allemand ? Belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. Pourquoi belge ? Parce que c'est très bien, belge. Alors, tu as oublié de dire que la réponse d'avant, c'était Die Hard, du coup. Ah oui, pardon. Ah oui, j'ai oublié, voilà, de le dire, effectivement. C'était Die Hard, absolument. Voilà, avant. Mais maintenant... C'est exactement ce que j'avais dit. Armel prétendait que c'était Deadpool. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, là, je vais prétendre que c'est un film avec Thierry Lhermitte hyper connu. Ah, moi aussi. Je peux du dire coup. Avant les propositions ? Oui, vas-y, vas-y. Un indien dans la ville. Des dîners de cons. Alors... C'est un indien dans la ville. Donc, réponse A, le boulet. Réponse B, le dîner de con. Réponse C, tais-toi. Ou réponse D, Deadpool. Non, c'est un indien dans la ville. C'est un indien dans la ville, absolument. Tu peux passer là. Mais quoi, c'est pas simple. C'est tout simple. Vous êtes producteur, ok ? Ok, ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Ok. Américain, allemand ? Belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. Pourquoi belge ? Parce que c'est très bien, belge. Voilà, donc c'était le dîner de con, absolument. La réponse B. GG Audren. Alors pour la... Ah bravo. Oui, bien joué, bien joué. Bravo. Pour la prochaine, il y aura une double réponse. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Bref, extrait suivant. Le passé, c'est le passé. Tu as changé les choses. À jamais. Alors pourquoi vouloir me tuer ? Ah ouais. Je ne veux pas te tuer. Et qu'est-ce que je deviendrai sans toi ? Oh mon dieu! Ouais, alors je pense que les robots ils sont pas tout à fait mis à jour dans le futur, j'aurais dû aller à une époque plus lointaine. Bref, est-ce qu'il s'agit de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Réponse A. De The Dark Knight ? Réponse B. De Rambo 2 ? Réponse C. Ou de Deadpool ? Réponse D. Je dis Deadpool, je suis sûr que c'est Deadpool. T'es sûr que c'est Deadpool ? 100% sûr que c'est Deadpool. Dark Knight, mais je. Alors, 100% sûr. The Dark Knight, Deadpool, donc on est dans du super héros a priori. J'aurais dit Rambo là. Rambo 2. Aucune chance que vous ayez raison. Une idée dans le chat. C'est. Ils disent Rambo 2. Très bien. Deadpool. Et ben alors donc il y a une double réponse. On va passer la première d'abord. C'est première réponse. T'as qu'une seule réponse. Le passé c'est le passé. Tu as changé les choses. À jamais. Alors pourquoi vouloir me tuer ? Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi ? Eh ben bravo, c'était The Dark Knight, bravo. Oh non, bravo Dieu, Armel. C'est The Dark Knight ça. Ouais, c'est The Dark Knight. Oh là là, heureusement oui. Que j'ai jamais vu en VF. Oh l'horreur. Oh le doublage à chier. Moi j'aime bien. Non, c'est bien. C'est bien. C'est alors je sais plus son prénom, mais c'est, mais j'ai peur de décorcher son nom, mais c'est Ronchemski, je sais plus qui est un super doubleur et qui a fait un super travail sur. Mais c'est pas mal doublé hein. C'est juste que il y a quand même un mec qui joue super bien à la base, c'est quand même vachement dommage de lui changer sa voix. Bref, je croyais que j'avais mis deux réponses mais non, okay. C'est pour la question 7 que tu as deux réponses. Eh ben, j'ai oublié pour la question 5. C'est pas grave, on enchaîne avec l'extrait suivant. Comment vous sentez-vous ? Comment ? Comment vous sentez-vous ? Foutez-moi le camp, vous. Foutez-moi le camp ou je te tape. Comment vous sentez-vous ? Bien. D'attaque. Allez, on y va. Bon allez fait. Hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non. La ferme. Vous vous croyez en 1901 ? Eh bien non. Vous êtes en 1970. Paf. Alors, est-ce qu'il s'agit de réponse A, Austin Powers 2 ? De réponse B, la machine à voyager dans le temps. De réponse C, Hibernatus. Ou de réponse D, Deadpool. Deadpool. Ah, je crois que c'est Hibernatus. C'est Deadpool. Deadpool, Hibernatus, est-ce qu'ils ont une petite idée dans le... Je suis absolument certain que c'est Deadpool, ouais, à 100%. C'est vrai. Ils sont morts dans le chat. Ils sont partis. C'est pour Randall Flagg. D'accord, Hibernatus du coup. Eh ben, c'est pour Audren. Bon bah, je pense qu'ils ont... balançons la réponse alors. Randall Flagg dit Hibernatus. C'est Deadpool. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Foutez-moi le cadre. Foutez-moi le con, je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien. T'attaques. Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non, la ferme. Vous croyez en 1900, hein? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf. Et bah bravo, ah, c'était Deadpool, là. Absolument bravo, bien. Merci. Non, forcément Hibernatus. Forcément. Non. Et avant-dernier extrait, donc pour ce fabuleux jeu que vous aimez tous, très très oui, fort. Oui, il est très bien. Parfait. K. E. A. Vrio. Qui c'est? Will you look ou... Oh non. Oui, oui, tu es jolie, faut que j'y aille. Et alors, nous avons donc quatre propositions. Réponse A, Jurassic Park. Réponse B, Batman v Superman, la parodie porno. Réponse C, Marie à tout prix. Ou réponse D, Deadpool. Eh bien, ça va vous surprendre, mais je répondrai Deadpool. C'est étonnant. Est-ce que vous voulez qu'on repasse l'extrait? Ah oui, parce que j'ai pas besoin, c'est Deadpool. Je suis pas sûr. Ah si, moi j'ai pas tout entendu. Okay. Il s'agit de alors, Deadpool. On se tait, c'est parti. K. E. A. Vrio. Qui c'est? Will you look ou... Oh non. Oui. Oui, oui, tu es jolie. Faut que j'y aille. Et. Voilà, alors... Donc, est-ce que c'est Jurassic Park, Batman v Superman, la parodie porno, Marie à tout prix ou Deadpool? Est-ce qu'ils ont une idée sur le chat? J'espère que c'est Batman. Ils disent la c'est... Ouais, moi aussi, j'espère que c'est ça. Ils disent Marie oui, à tout prix. Jolie, faut que j'y aille. Ok, j'ai deux réponses, donc vous, deux fichiers de réponses. Vous allez voir, on va mettre c'est Deadpool. La première Jurassic réponse. Park, vas-y. Okay. Qui fait? Voilà, donc c'était Jurassic Park, absolument. Tu peux passer la deuxième réponse? Qui c'est? Oh non. Oui, oui, tu es jolie, faut que j'y aille. Voilà, donc je trouve que les robots s'en sortent très bien pour faire des remakes de films. Oui, n'est-ce pas? Donc c'était Jurassic Park et c'était le plus dur. Hein. On va passer au dernier qui n'est pas à piquer des hannetons non plus, le dernier extrait. Voilà, alors est-ce qu'il s'agit de réponse A, la cambrioleuse, réponse B, Terminator, réponse C, Matrix ou réponse D, Deadpool? Non, j'espère que c'est la cambrioleuse. J'ai confondu. Alors, ça va vous surprendre, mais c'est un de mes films préférés, c'est la cambrioleuse. Alors, réponse. Eh oui, c'était Terminator, bravo. Alors, je précise pour ceux qui n'ont jamais vu ce film-là qu'il bénéficie de la plus grande introduction de l'histoire du cinéma. Je vous invite tous à regarder les 5 premières minutes de La Cambrioleuse, c'est un grand moment. Eh ben, du coup, c'est marrant que tu en parles, parce que pour prendre l'extrait, moi qui n'avais jamais vu La Cambrioleuse, je suis allé chercher, c'est facilement trouvable sur Internet, malheureusement ou heureusement, enfin bref. Et donc j'ai effectivement regardé l'intro, en fait je me suis dit je vais mettre dans la vidéo, je vais prendre un extrait, et en fait ça m'a tellement happé, oui, c'est cette intro, oui, que j'ai fait oui. Oh la vache, ah oui d'accord, et c'est super marrant, c'est et c'est ça. Absolument pas porno en fait. Enfin bah, il y a 2-3 photos de cul à la rigueur, mais c'est tout en fait. J'ai pas souvenir de ça, mais on parle bien du truc sur fond noir, et ils sont avec leur lampe torche et tout ça machin. C'est ça, ouais. Et après elle se fait attraper du coup. Voilà, et du coup elle se fait interviewer, comment on dit, j'ai pas été jusqu'à là, il y a un interrogatoire, j'avais quoi, fini avant, où elle a cambriolé une maison, donc il y a les flics qui l'interrogent et elle raconte sa life, et en fait ça se voit quoi, c'est trop drôle. D'accord, c'est juste, ils ont vraiment, pour moi c'est drôle, ils ont joué le jeu à 100% d'être drôle. Ah oui, bah trop de porno quoi. Bah, c'était juste après Amélie Poulain je crois, et en fait ils se sont fait non vraiment ah oui putain ok Oui, mais si, il y a un truc comme ça au début des Amélie Poulain. Merci beaucoup Armel. Et ben, on mettra le lien pour la vidéo dans le. Oui, on mettra le torrent pour le film. Oui. J'espère que ce jeu vous a plu. En tout cas, que c'était amusant et truculent. On a tellement rigolé. Est-ce que Armel, tu es prêt pour ton dossier? Non, je vais faire de la merde, mais on va dire que ça passe. Non. D'accord. Donc c'est ta curiosité. Ah bah du coup, je vais faire quelque chose de bien. Oui. Donc c'est ta curiosité qui te perdra. C'est ça. C'est ça. Eh bien, jingle alors. Ma curiosité vous perdra. Eh oui. Alors, d'avant tout, je tiens à m'excuser parce que j'ai un poil menti. Comme j'ai dit que j'allais parler de la place des femmes dans la fantasy. C'est pas exactement ça. J'ai plus parlé en effet de la place des lectrices et de quelques archétypes de femmes dans la fantasy. Parce que il y en a beaucoup et que je vais essayer donc de me restreindre pour que ça ne dure pas 8000 ans. Tu vas nous parler de toutes les lectrices de fantasy, une à une. Tu vas nous parler de Charlotte Lambert. Et c'est parti. Allez. Et de Roland McLaveau. C'est ça. Et de Michel Justine. Ah, et Michel de Justine Michel. Elle est. Ouais, ouais. Elles sont marrantes, celles-là. Ben oui, elles fonctionnent bien. Voilà. Oh, non, je vais donc vous parler surtout de deux œuvres. En fait, je vais essayer de vous parler des archétypes à travers deux œuvres, ma foi, à la fois très proches et très différentes. Un manga, tout d'abord. The Ancient Magus Bride ou The Ancient Magus Bride, comme vous voulez. Magnifique. Qui pourrait se traduire donc par la femme de l'ancien magicien. D'accord. Ou du magicien ancestral. Ah oui, okay. Voilà. Oui, tu as une question, vas-y. Ouais, j'allais te demander, c'est quoi la fantasy? Ah, très bien. Ok, ça a l'air passionnant. Non, mais tu fais bien de poser la question. La fantasy n'est pas le fantastique et n'est pas la science-fiction. Merci, Armel. Voilà, au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. La fantasy, c'est des histoires où la magie va être extrêmement présente, mais où elle est acceptée par une grande partie des personnages. Mais tout à fait, on pourra avoir ce débat un jour, mais pas aujourd'hui, parce que nous n'avons pas 8000 ans. Il n'y a pas de débat à avoir. Prout. Bah, surtout qu'on est tous d'accord, je crois. Donc, mais oui, on est après tous Star Wars, d'accord. C'est de la fantasy. Voilà, bref. Voilà. Merci. Non, mais c'est, tu vois, donc de fait, la magie, oui, voilà. Socialement acceptée. Et exactement. Voilà. Contrairement au fantastique, où la plupart du temps, la magie, l'étrange, le surnaturel vient perturber la vie. C'est bien ça vient après, donc, mais on exactement. Est censément dans un monde réaliste au début pour le fantastique. Donc, par exemple, l'univers Marvel, est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la fantasy? Avengers Infinity War, c'est de la fantasy, oui. Oui, oui, oui. Par contre, Iron Man, c'est de la SF. D'accord. C'est pas du fantastique. Il n'y a pas de fantastique. Non, il n'y a pas de fantastique dans les Marvel en fait. Parce qu'il n'y a pas trop de. Si, Doctor Strange à la limite. Oui, encore Spider-Man, au début, il y a une espèce d'explication scientifique. Enfin, là, on va rentrer dans. Bref, oui, on s'en fout. Non, mais c'était plus pour. Mais voilà, la fantasy, maintenant, on a tous compris ce que c'était, quoi. Je dirais, qu'est-ce qu'en fait. Voilà, pour faire très très simple, 2001, c'est de la SF. Le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantasy. Et Dracula, c'est du fantastique. Je sais parfait. Pas si c'est ça. Parfait. Ah bah moi ça me parle très très bien. Cool. Ouais. Parfait. Ouais. Alors, ce qui est chiant, c'est que The Ancient Magus Bride pourrait presque passer pour du fantastique. Presque. Oh là là. Presque. Donc c'est un manga, comme je disais, qui sort chez nous aux éditions Akata. Akata. Voilà, je vérifierai. Oui, je vérifie. Oh, on va dire que j'ai raison. Je vérifie. Édition en tout Akata. Cas, il y a 9 tomes pour l'instant de sortie. Il y a également une série animée qui est disponible sur Crunchyroll gratuitement 2 semaines après la sortie. J'aime beaucoup Crunchyroll, alors je fais de la pub pour eux. C'est quoi, c'est un site C'est une plateforme où en fait on peut tout regarder gratuitement à partir de 2 semaines après que l'épisode soit balancé. Et si on paye, on y a accès tout de suite. Cool. Donc, je trouve ça super cool. Comme système, et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animés, et ça coûte que 6 euros par mois. Je fais de la pub et honte, mais vraiment, enfin, je me suis battu des années pour qu'il y ait à parler avec des clients, des choses comme ça, pour qu'il y ait, comment dire, vraiment une plateforme légale d'animés qui existe et qui soit bien. Et je trouve que celle-ci, elle est bien, très bien. Voilà, donc vous pouvez regarder la série légalement sur Crunchyroll et très bien. Gratuitement. Donc, elle a été écrite par Kore Yamazaki, qui est une autre. Une mangaka japonaise. Voilà. Ouais, je connais, c'est ma voisine. Et, oui, sûrement. Je vais également vous parler des fiancés de l'hiver, du tome 1, La Passe Miroir, qui a été écrit par Christelle Dabos. Tu connais? Non, mais ma femme, oui. Ah, très bien. Ça marche. Je vais dire beaucoup de E. Et pour l'instant, il y a 3 tomes de sortie, le 4e ne devrait point tarder. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, je vais essayer de vous parler des prismes, des caractères, des façons de narrer à travers ces deux œuvres. Voilà, vous savez tout. Eh bien, go, c'est parti. C'est parti. Alors, tout d'abord... C'était l'instant résumé. Alors, merci. Quand vous voyez des jingles qui sont mal placés pendant l'émission, c'est que c'est Vianney qui appuie sur les touches, c'est pas parce moi. Il est juste à côté. Enfoiré. Je vais commencer par un petit résumé très rapide. Donc, The Unshot Magus Bride. L'histoire commence comme quand un étrange sorcier qui a un crâne de cerf à la place de la tête, enfin du moins sa tête est une espèce de crâne de cerf, va acheter dans une étrange enchère une jeune adolescente. Tintintin. Mm-hmm. En fait, il l'emmène dans son petit cottage en Angleterre et il l'a achetée pour en faire d'elle son apprenti, mais également sa femme. Moi, quand elle sera majeure, parce que là, elle a 15 ans. Ah, c'est... Ça commence bizarrement. Ah oui, effectivement. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. La place des femmes dans la fantasy. Alors. Et du coup, je pense que la fin va vous surprendre. Ah. Restez jusqu'au bout. La cinquième va vous étonner. Ah bah là. Donc, l'héroïne, cette jeune fille Shizée, en fait, on va la suivre à travers son apprentissage de la magie et sa recherche, en fait, de sa liberté personnelle et surtout de son pardon, parce que on va apprendre très très rapidement, genre à la première page, qu'elle s'est volontairement vendue, à cette enchère. Mm-hmm. Pourquoi ? Comment ? Que va-t-il se passer ? Je vais pas tout vous spoiler, minimum tout plus tard. Très bien. Les fiancés de l'hiver, quant à l'autre roman. Donc dans un futur très très lointain, la terre s'est brisée, on sait pas trop pourquoi. En gros, il y a des morceaux de terre qui flottent dans une mer de nuages. Mmh. Ces morceaux de terre sont donc devenus des arches sur lesquelles les humains survivent et ont développé une nouvelle civilisation. On dirait, petite parenthèse, la série d'animation française là, qu'il y avait eu il y a quelques années, c'était pas Sky... Skylanders ou... Non, c'est Skylanders, pas Skylanders, c'est le truc de Spyro, ça. Ouais. Mais bref, tu vois, c'est si on retrouve le titre à un moment donné, ouais, mais je vois ce que Sky tu... Sky machin, ça me rappelle fortement quelque chose. Mmh. Voilà, c'est vraiment plusieurs siècles après, et en gros, sur chaque arche, les humains ont commencé à développer diverses capacités, divers pouvoirs. Et on va suivre Ophélie. Ophélie, qui a la capacité de lire le passé des objets. À chaque fois qu'elle le touche, en fait, elle peut remonter très loin dans le passé des objets, en apprendre plus sur l'histoire. Et donc, elle a créé en fait, un musée sur l'arche où elle est. Et elle a également la capacité de passer à travers un miroir. Elle rentre dans un miroir, durant qu'il a une taille suffisante, et elle peut en ressortir via un autre. Vianney allait dire une blague salace, mais nous allons passer. Et donc, a priori, ces deux pouvoirs sont très rares, et donc le fait qu'elle ait les deux, eh ben, c'est super chouette, ma gueule. Voilà. Et tout le monde a des pouvoirs dans ce royaume-là ? Non, pas tout le monde, mais c'est suffisamment admis pour que ça ne choque pas, en tout cas. D'accord. Il y a quand même pas mal de personnes. Oui, mais voilà, élément perturbateur, Ophélie a été fiancée par les doyennes de l'Arche, parce qu'en gros, comme ils sont pas des masses, c'est les doyennes qui gèrent. De toute façon, est-ce qu'ils ne soient pas tous consanguins? c'est vraiment ça. Hein, Oui, non, mais ça me paraît sensé. Sur son île, par exemple, ils s'appellent tous cousins-cousines. Tu vois, donc déjà, ça tient un peu le truc. Et cousin. Voilà. Elle a été fiancée à un homme d'une autre arche, ce qui arrive parfois, mais assez rarement. Et en plus, là, c'est une arche qui est au nord, dans le Schnorr. Dans le Schnorr. C'est, voilà. Ils ont des quiens. Ils ont des quiens, ils ont des gros quiens. Voilà. Non, c'est le pire accent du Nord que j'ai jamais entendu. C'est dégueulasse, je suis vraiment désolé pour tous nos amis, les Normands. Comment ils se déplacent Aéronef. Aéronef, il y a une espèce de technologie, surtout à base de vapeur et des divers pouvoirs en fait, qui s'est plus ou moins développé. Ouais. Alors, petite parenthèse, j'ai lu le premier tome. Je n'ai pas lu le 2 et le 3. Donc il y a peut-être plus d'explications à cette technologie plus tard, mais pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Mais ce n'est pas très important. Donc elle est fiancée à un autre homme. Le problème, c'est que cette arche lointaine a une sale réputation. Déjà, il fait a priori extrêmement froid, et on les considère tous plus ou moins comme des espèces de vikings, arriérés du bulbe, bourrins, sans aucune délicatesse. Mmh. Autrement dit, elle n'est pas très très jouasse. C'est plutôt quelqu'un qui voue un culte à comment dire, l'intelligence humaine, surtout le savoir, la recherche, ce genre de choses. Mm-hmm. Mais bon, elle n'a pas le choix. Il s'avère qu'en effet, c'est un rustre, une espèce de gros ours mal léché, bien que très intelligent, parce que c'est le comptable de toute son arche. Ah oui. Donc autrement dit, il est vraiment détesté par tout le monde. Et donc ils vont partir sur cette arche, mais là-bas, ah là là, il va se passer des choses, parce qu'il y a des secrets de famille, des trucs, tout ça. Mais on en parlera un petit peu plus tard. C'était l'instant résumé. Putain, ce jingle était super bien placé, hein. Ouais. N'est-ce pas, hein, mmh. Voilà. Tu vois, quand j'appuie sur la touche, ça marche plus. Alors, avant de partir un peu plus en détail, je voudrais faire, si vous le permettez, une petite digression sur comment créer, comment rendre, ouais, pardon, un rendre, comment rendre un personnage intéressant. Ah oui. Eh bien, donc déjà, pas faire comme dans Suicide Squad. Oui, oui, très bien. Bah, c'est mais globalement, ça va s'adapter à, comme réponse à beaucoup de, oui, de, oui, de c'est choses. Ça. Comment faire un bon film ? Bah, pas faire comme Suicide Squad. Non, je suis bien. Non. Donc, il y a beaucoup de choses. Et comme tu nous l'as fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, comme tu nous l'as fait remarquer au tout premier épisode. Non, pas le premier. Je sais plus ce que je dis. Le tout premier épisode officiel, mais pas le tout premier. D'accord. Donc, si le tout premier épisode. Voilà. Ok. D'accord. De cet épisode, il faut que le personnage principal soit le personnage le plus important tout à fait. De l'histoire. Je m'explique. Si nous prenons la saga Harry Potter, Harry Potter est le survivant. Oui. C'est une chose qu'il a. Il est le seul à l'avoir. Oui. Il a survécu à celui dont on ne doit pas prononcer le mot. Je suis désolé pour ceux qui éventuellement ne seraient pas au courant de ça. J'ai envie de dire, soit vous avez 5 ans, soit il serait peut-être temps de vous bouger un peu le fion. Voilà. Ouais. Bon, sinon, oui, on l'apprend dans les premières pages et puis au début du film, donc remarque. Oui, ce sera. Voilà. C'est pas, comme si on, c'est pas comme si on disait qu'à la fin on découvre que Voldemort est la mère d'Harry Potter. C'est ça, voilà, ça par exemple, faudrait pas le dire. Ouais, effectivement. Vraiment pas le dire. Il y a Trinor aussi qui dit au lieu de faire pas comme Suicide Squad, il y a aussi ou de pas faire comme Justice League. Oui, eh ben, j'y ai pensé aussi, mais ça me faisait trop mal, alors du coup je l'ai pas dit. Je trouve que ça marche moins bien. C'est pas pareil. Ouais, c'est vrai qu'il y a des personnages très bien construits dans Justice League. Ah bah oui, vraiment admirablement bien fait. Ouais. Donc Harry Potter est le survivant et chaque volume va nous le rappeler vu qu'il va, comment dire, survivre à diverses épreuves. Ouais. Voilà, à chaque fois il va s'en sortir alors que bon, quand même, c'est vachement dur. Etc, etc. C'est un fait qui est rappelé jusqu'à, voilà, jusqu'à cette révélation dans le 7ème tome où en fait il meurt mais il ne meurt pas, et voilà, je vous ai tout spoilé, tout vous fait enculer. Mais du coup, d'accord, mais moi j'aurais préféré que ça s'appelle Ronald Weasley, les bouquins. J'aurais préféré, mais je trouvais ça plus intéressant. Parce que tu trouves, toi personnellement, que Ronald Weasley est le personnage le plus important. Ah bah ouais, il est roux. Oui, mais il est roux dans une famille de roux. Ouais. Ce qui n'en fait pas, pas quelqu'un de particulièrement quelqu'un intéressant dans sa famille, vu qu'il y a plusieurs personnes c'est qui vrai. Sont comme lui. Tandis que dans sa famille, c'est le seul survivant, Harry Potter. Exactement, déjà c'est le seul survivant. Et surtout, son exceptionnalité va être montrée petit à petit. Le premier chapitre, ce n'est pas lui le personnage. Non, c'est vrai. Ce sont deux autres personnages qui sont les personnes les plus extraordinaires sur le moment. Sur le moment, Dumbledore et Hagrid. Exactement. Et ensuite, on va le présenter à travers sa famille. C'est le personnage le plus intéressant parce qu'il est dans une famille dite de moldus, donc des gens qui n'ont pas de pouvoir. Absolument. Et lui en a. C'est d'autant plus important que les autres membres de sa famille d'adoption sont des gros cons et des gens un peu dégueux, et que lui, c'est la seule personne à peu près normale. Mm-hmm. Donc là, la normalité devient exception. Devient tout autre, et voilà, tout à fait. Il y a plein d'autres exemples, très rapidement. Par exemple, la série Les Chroniques de Crondor, qui donc se passe dans un monde fantastique. Au début, on suit Pug, qui est un apprenti magicien. On sait que les magiciens existent dans ce monde, mais au début, on ne suit qu'un petit pays, même une seule ville. Et il n'y a qu'un seul magicien, il n'y a qu'un seul adolescent, apprenti de magicien, c'est Pug. Ce qui en fait quand même quelqu'un de particulièrement intéressant, alors qu'il y a plein de chevaliers, plein de chasseurs, plein de nobles, plein de prostituées. Ça, on ne sait pas, mais on imagine. Voilà. Et au fur et à mesure de l'histoire, les gens vont partir dans d'autres contrées, voir d'autres personnages, et au fur et à mesure, on va de moins en moins suivre Pug, et on va passer à d'autres personnages qui, à chaque fois, seront le personnage le plus intéressant. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que cette série est assez chouette. Oui, tout à fait. Sur l'évolution des différents personnages principaux. Exactement. Et où du coup, quand ils reviennent après 5 tomes que tu les as pas vus, t'es trop content. T'es trop content, et ils sont très importants parce que ça fait 5 tomes. Et parce qu'ils sont devenus beaucoup trop forts, faut le dire. Ils ont fait de la pompe, quoi, voilà. Ils ont soulevé de la fonte. En termes de trip, de niveau de personnage, c'est assez excellent cette série-là. C'est assez rigolo. Voilà, je vous ai présenté mes deux petits exemples. Je vérifie, Naménère, sur son fou. Il y a Tinum qui a dit, on l'a déjà vu à l'écran, ils veulent faire croire que les roues, c'est normal, quoi. Je profite. C'est ça. Armel ne relève pas. Non, parce que ça m'a permis de me retrouver sur ma fiche. Pourquoi, attends, pardon. Pourquoi tu nous parlais du fait que les personnages, que le personnage, le protagoniste principal soit le plus important de l'histoire. Pourquoi tu as fait cette digression? Parce que je vais y revenir du coup quand je vais parler des œuvres. Tout à fait. C'est pour rappeler des choses et vérifier que nous soyons tous, comment dire, à la même... À niveau. Voilà, exactement, au niveau. L'autre chose très importante, c'est que le lecteur / spectateur comprenne très vite l'enjeu qui va motiver le personnage. Il est même important que lecteur, hein, même si à chaque fois c'est sous-entendu spectateur, parce que ça marche quel que soit le support, en fait, même si souvent il est plus important que le lecteur le sache, même si le personnage ne le sait pas. Oui. Le but pour le personnage, parfois, c'est pas clair du tout. Harry, il ne sait pas trop quel est son but au final, alors que pour nous, ça va être très clair. On va le suivre pour qu'il devienne sorcier, et particulièrement qu'il aille à Poudlard, comment il va s'en sortir, et comment le fait qu'il soit survivant va jouer dans son parcours. Pour le lecteur, c'est très clair. Pour lui, les besoins du héros. De façon, un autre exemple, Luke doit maîtriser la force et vaincre Dark Vador. C'est ancré, c'est plus ou moins présenté dès le début. C'est comme ça. Dans One Piece, le héros principal, Luffy, doit devenir le roi des pirates. C'est ancré. Tac. Bon, même si là, en l'occurrence, là, pour le coup, il est au courant. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste dire que ce dont tu parles là, c'est les besoins psychologiques et moraux du personnage. Et donc, quand j'avais parlé dans la première émission du fait que le personnage principal, il faut que ce soit le personnage le plus important de l'univers, tout ça, vous pouvez le retrouver dans ce superbe bouquin dont je refais la pub parce que c'est mortel. C'est L'anatomie du scénario de John Truby. Alors, il parle de scénario, mais même la moitié du temps, il parle de bouquin simplement. Donc, c'est comment écrire une bonne histoire. Il parle de narration, voilà. Et donc, il développe tout ça aussi, tous les besoins du héros, ce dont il n'a pas forcément conscience effectivement et dont il saura à un moment du récit. Reste à savoir à celui qui écrit l'histoire à quel moment le héros doit s'en apercevoir pour que son histoire pète le feu. Donc voilà, c'est hyper intéressant comme bouquin, c'est très accessible c'est mortel. Je suis à 4000%, j'invite vraiment tout le monde à lire. Je pense qu'on perçoit l'œuvre, les œuvres narratives différemment après ça. Absolument. Donc pour continuer, voilà, cette fameuse route qui est plus claire pour le lecteur, au début très simple, va évidemment se complexifier, amener des embûches. Et c'est cette promesse qui invite le lecteur à continuer. Il va se demander qu'est-ce qui va se passer, quelles difficultés va-t-il rencontrer et donc comment va-t-il s'en sortir. La difficulté et la résolution font ici, en fait, c'est un système d'épreuve / récompense. Voilà, nous sommes contents que notre héros passe l'épreuve. Voilà, tout ça pour dire quoi? Eh bien, pour parler un petit peu de ces deux œuvres. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui un petit peu particulier, je veux dire, comparé à il y a quelques temps. La place de la femme dans les œuvres est en train de changer, je pense, à la fois dans la société et dans les œuvres narratives. Je pense que c'est pas la peine de s'attarder sur MeToo. Je vous invite à suivre. Balance son porc. Voilà, exactement. Tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se faire. Et donc, on va parler des œuvres et comment elles perçoivent ça un petit peu, si vous le voulez bien. On va commencer par The Ancient Magus Bright, qui donc est une œuvre japonaise. Le Japon n'est pas particulièrement considéré comme un pays très avancé sur le droit des femmes. Et pourtant, la fin va vous étonner. Donc, tout à l'heure, on pouvait en effet s'étonner que ce fameux sorcier achète, l'héroïne aux enchères, surtout pour en faire sa femme. Il faut savoir que très, très rapidement, dans les premiers chapitres, le sorcier est présenté comme un personnage non humain. C'est-à-dire qu'il a des codes moraux qui lui sont propres. On comprend très, très vite qu'il n'a pas les codes sociaux. Que par exemple la nudité, tout ça, ce sont des choses qu'il ne perçoit absolument pas, qu'il a même une certaine difficulté à communiquer avec les êtres humains en général. et que Shizé, l'héroïne, va entre autres lui servir de, comment dire, de professeur à lui, pour lui apprendre à communiquer avec les humains. Donc déjà, on est dans une double relation. C'est-à-dire qu'à la fois, le sorcier se place en tant que mentor par rapport à l'héroïne, dans le sens où il va lui apprendre la magie, mais elle, en fait, renvoie quelque chose directement au mentor, vu qu'elle va lui apprendre en fait, à communiquer, à se sociabiliser. Donc on est déjà dans un personnage qui sert à quelque chose, qui va avoir une utilité profonde. Ensuite, le personnage de Shizé est très très complexe. On comprend assez très rapidement que si elle s'est portée volontaire pour être vendue aux enchères, c'est parce qu'elle a un passif très très compliqué. Elle voit les esprits, les autres ne le voient pas, mais elle, donc elle peut, et ce qui l'a amené à beaucoup beaucoup de problèmes, rejet des autres, et a priori on comprend très rapidement que, que ses parents l'ont abandonné. Du moins, au début, c'est ce qu'on comprend. Le reste, à vous de dire. Donc, il va évidemment y avoir son apprentissage magique, mais également toute sa recherche personnelle. Exactement. The Ancient Magus Bright. Sa recherche personnelle, en fait, sa thérapie personnelle, le fait qu'elle va essayer de dépasser ses peurs, de se pardonner, comme je disais, et surtout d'accepter qu'elle est capable en fait de vivre sa vie, parce que tous les premiers tomes en fait elle est purement spectatrice, en fait elle se laisse porter par ce magicien, elle est simplement contente d'avoir un foyer où quelqu'un ne la rejette pas, et ça lui suffit. Et vraiment quasiment les 6 premiers tomes vont être centrés autour de ce fait où tous les personnages qu'elle va rencontrer lui dire mais te laisse pas faire meuf, vas-y assume quoi, pose tes bollocks sur la table. Bah non, du coup, en l'occurrence. Voilà. C'était la blague. Ah, elle va se lier avec plein de personnages qui vont lui permettre d'évoluer. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à donc le fameux sorcier a des petites choses à faire. En fait, a priori, il a des missions qui lui sont données par l'Église. Au début, c'est pas très clair. Il doit aller résoudre des petits problèmes quand la magie fait des siennes. Au début, c'est mignon, et puis ça va l'être de moins en moins. Et à chaque fois, en fait, il laisse Shizé résoudre le truc final. Lui, en fait, va mettre les choses en place, et puis il va dire, vas-y, maintenant, c'est toi qui finis. Donc là, ça permet en fait au personnage de voir l'évolution, comment dire, du personnage de Shizé, donc aussi de la mettre au premier plan, vu que c'est à chaque fois elle qui finit de résoudre, ça se passe par chapitre au début, le problème. Voilà, toutes ces choses en fait vont amener, enfin déjà je trouve ça extrêmement malin dans une représentation de la femme forte qui a priori ne l'est pas du tout en fait au début, c'est quelqu'un qui se laisse faire et qui va au fur et à mesure en fait retrouver sa propre liberté, sa propre acceptation de son corps. Au début elle a 15 ans, on lui balance très rapidement, bah un jour je vais t'épouser, d'accord, ok, c'est une japonaise. Donc ça veut dire que la découverte de la sexualité par les japonaises en général, ça correspond à ils vont parler mariage, les deux vont rougir, point. Voilà. Mais on dit pas rougir d'où. Rougir d'où. On dit pas d'où est-ce qu'ils vont rougir. Non, c'est, si on les voit quand même, ils vont rougir des joues. Ah oui, des joues. D'ailleurs, c'est très drôle de voir un crâne de cerf rougir. Ça fait un peu bizarre. Oui, c'est surtout dans l'animé. Voilà, juste pour dire que c'est quand même quelque chose de très amené. La sexualité va, c'est dessiné par une femme. Donc, vous n'aurez absolument pas tous les problèmes de nichons partant dans tous les sens. Protubérant. Voilà, protubérant. Sauf auprès de certaines créatures fantastiques, comme il y a une succube, évidemment, qui du coup a des proportions, mais des proportions irréalistes. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit tout de suite, que ses proportions sont totales. Elle a des gros nibères. Oui, oui, mais comment dire. En fait, il y a deux créatures surnaturelles qui ont des proportions abusées, mais on a eu tellement de personnages féminins en fait avant. Normés. Que du coup, on comprend en fait. C'est parce que ce sont des créatures fantastiques qu'elles ont des nibères qui partent dans tous les sens et tout ça. Et j'ai trouvé ça très malin dans le dessin. L'utilisation des gros nibards était maline. C'est intéressant. Jamais j'aurais cru entendre cette phrase un jour. Moi j'aime bien l'utilisation des gros nibards. Moi de toute manière j'aime bien l'utilisation des gros nibards. Point. J'aime bien les gros nibards. Moi j'aime les gros nibards aussi. Absolument. Après, bon, j'aime les gros nibards. Voilà. Tous ces éléments vont nous amener, en fait, sans spoiler, à une scène absolument magnifique où Shizé va prendre une décision par rapport à sa décision, par rapport à sa situation, excusez-moi, comment dire, assez définitive. Elle la prend seule. Là, donc là, je l'ai lu, mais je l'ai vu aussi, et c'est vraiment cette scène dans, c'est la scène dans l'animé qui m'a fait rendre compte à quel point c'était puissant. Ça dure juste une minute de chanson, c'est énorme. J'ai eu beaucoup de ressentis, il me dit waouh, c'est fort en fait ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà, donc comme quoi il est possible de créer ce genre de personnage, comme je disais, qui a priori pourrait sembler très faible, un peu trop cliché. Et... C'est ça, parce que j'allais dire que. Je trouvais ça marrant. Oui, c'était compliqué là. Je trouve ça marrant que tu aies choisi une œuvre japonaise pour parler de la fantasy. Sachant que dans beaucoup de shonen, j'ai l'impression, même si tu nous as démontré le contraire lors de la dernière émission, mais que beaucoup de shonen, en tout cas ceux qu'on connaît le plus, font partie de cet univers-là, de ce genre-là, tout à fait, la fantasy. Et du coup, je m'interrogeais de pourquoi cette œuvre-là en particulier. Et donc, c'est parce que c'est une œuvre de fantasy, mais qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Exactement. Dans les mangas, dans les shonen. Dans les mangas, et même, je trouve, en fait, globalement, dans la fantasy mondiale. Mmh. Et ça vient du Japon, ouais. C'est dingue. Et ça vient du Japon, je trouve ça très intéressant. Et vraiment, c'est ce fait. Puis en plus, j'ai lu les deux œuvres, en fait. J'avais déjà lu. Mmh. J'ai vu l'animé en même temps que je lisais Les Fiancés. Tu louchais du coup. Exactement, je louchais. Non, pas exactement. Mais ça a été écrit par une femme. C'est pas péjorativement, mais c'est juste que pour qu'il y ait genre de personnage dans une histoire, Au Japon, je pense que malheureusement, il n'y a pas le choix. Mais c'est cool qu'elle ait été éditée du coup. Parce que je sais pas, ils auraient. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment en train de se passer. Il y a plusieurs œuvres qui ont des personnages un petit peu ressemblant à ça. Je trouve juste que The Unshot Marcus Bride est celui qui réussit à nous retourner la tête le mieux. Mmh. À ma première lecture, j'avais pas perçu ça en fait. À quel point, sous couvert d'écrire un personnage très effacé, très faible a priori, en fait, elle crée un personnage tellement plus intéressant que. Même, je dirais, une Lara Croft qui est pourtant... nos nouvelles montures qui pourraient... un peu l'image de l'héroïne badass, tout ça. Là, ça va faire juste autre chose. En faire un personnage hyper profond. À aucun moment, on peut... En fait, on peut parler de sexisme dans cette œuvre. C'est totalement subjectif. À aucun moment, j'ai eu l'impression à 0,1% peut-être. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas trouvé de moment. Non, mais toi, t'es un mec. Ouais. Tu peux pas parler. Exactement. C'est pour ça que j'ai adoré le moment où il y avait les gros nibards. Absolument. Voilà. Les gros nibards, ouais. Le kiff du moment. Absolument. Bien joué. Donc on passe à mon kiff du moment, c'est les gros nibards. t'as trouvé. Et donc. Tout ça pour mener à quoi ? Eh bien, pour mener à... Jackie est un peu désespérée quand même. Oui, j'imagine. Jackie est très fière de nous montrer une blague qu'elle a faite. Ouais. Alors peut-être pour les auditeurs, juste, on peut décrire, parce que moi, je ne vois pas non plus, donc j'aimerais bien rire avec vous. En fait, sur le magnifique écran que le live peut voir, il y a le titre du bouquin dont tu parles. Ouais. On est d'accord, c'est le bon, voilà. Oui, oui, oui. Et quand vous parlez de gros nichons, j'ai mis un gif d'un doigt qui plotte un gros nichon japonais. Alors, moi, ce qui me terrifie, c'est que je crois avoir vu ce gif, donc j'ai dû voir cet animé. Ah, très bien. Ça devient bizarre, là, d'un coup. Bref, je pense qu'il est important de parler du passe-miroir, maintenant. Oui. Et le passe-miroir, c'est quoi ? Le passe-miroir, donc, comme je disais, c'est un roman. Enfin, c'est le Tu as pitché tout à l'heure. Là. Voilà. C'est la trilogie Les Fiancés de l'hiver. Tome 1, c'est la trilogie les Fiancés de l'hiver, qui représente donc Ophélie et son âme. Les Fiancés de l'hiver, qui est Ophélie dedans, ça me paraît plutôt pas mal, du coup. L'hiver, Winter, Ophélie, Winter, ouais. C'était la blague. Voilà. C'est du génie. Absolument, on est d'accord. La blague du Tocha. Oui, c'était pas vraiment une blague, mais c'est vrai que c'était marrant. Ah bon, moi j'ai cru que c'était une blague. Est-ce que je peux parler, bande de... Bref, oui, absolument. Je vais juste très rapidement parler un petit peu de pourquoi j'ai commencé ce livre. La passe-miroir. Déjà parce qu'on me l'a bien. Déjà parce que je l'avais acheté. C'est pas mal. Oui. Voilà. Mais pourquoi l'ai-je acheté ? Eh bien parce que j'avais entendu beaucoup de bien sur ce livre. Principalement sur son univers déjà. Que les gens trouvaient très malin, très intelligent, très riche. Et énormément sur l'héroïne. Quand je dis énormément, c'est. Je ne pense pas. Déliré en disant que j'ai lu facilement une soixantaine de critiques où à chaque fois c'était personnage très attachant, femme intelligente, qu'est-ce qu'on l'aime ce personnage, etc. etc. Oui, donc... est-ce qu'elle a des gros seins du coup ? Non. Ah, en plus. Ah non, moi j'allais demander, j'allais dire elle est intelligente, du coup oui, on est bien dans de la fantasy du coup. Oui. Voilà. C'était sexiste. Hein. C'était tout à fait sexiste. Vous pouvez me taper. Et surtout, surtout la plupart de ces, la plupart, comment dire, de ces commentaires venaient de femmes. Et du coup, je dis bah c'est super. Enfin, une femme qui écrit de la fantasy, qui l'écrit intelligemment, ça va être génial. Je vais passer un super moment. Tout à fait. Bah, j'ai pas passé un super moment. C'est vrai ? Non. Parce que c'est marrant, c'est un superbe plot twist là que tu nous fais. Parce que tout à l'heure, quand tu l'as pitché, j'avais l'impression que t'avais aimé ça, et tout. Ça, je me suis dit, ça a l'air bien, hein. Ouais, voilà, ouais. Dis donc. Waouh. Ouais. Wow. Mais c'est parce que c'est pas Alors, mauvais. Là, mon attention, elle est à son maximum là. Avant toute chose, ce n'est pas du tout mauvais. Ah, d'accord. Je confirme pour l'univers, et en effet, très intéressant, très riche. Il y a plein de choses très. Vraiment chouettes. Des idées de magie, de réflexion que je trouve souvent aussi malin que ce qu'on avait dans Harry Potter. Je dirais les objets les plus abracadabrants. Oh, c'est marrant, abracadabrant. Bah, oui. Magie. Voilà. C'était la blague. Par contre, pour le personnage, là, ça pose problème. Ah, et merde. C'est de là que je vais vous parler. Voilà. Très bien. Des personnages et de ce qui me gêne en ce moment. Fait péter. Surtout par des œuvres écrites par des femmes. Donc, je vous ai présenté quelques petites choses qui me semblaient importantes pour écrire un personnage. Donc, le titre, c'est La passe-miroir. Mm-hmm. Ok. On apprend très très vite que l'héroïne... est une passe-miroir. Est une passe-miroir. On pourrait se dire, a priori, c'est un pouvoir vraiment très très rare, genre très très rare. Oui. On pourrait se dire, ça pourrait être important. Oui. Hein ? Non. A priori, non, on sent pas les couilles. Tellement les couilles que je crois qu'elle utilise en tout et pour tout 4 fois dans le roman, dont 3 fois où c'est pour aller aux toilettes. Tu, par contre, tu n'as lu que le tome 1, c'est ça? C'est ce que j'allais dire. Je n'ai lu que le tome 1. Okay. J'ai demandé à plusieurs personnes derrière. Qu'est-ce qui se passait ? En fait, j'ai expliqué mes problèmes. Je suis allé les voir. T'es allé voir des psys, donc. Non, mais j'ai parlé avec, j'ai parlé avec Xavier de Critique et puis avec d'autres personnes. Je suis allé voir 3 personnes qui avaient lu les 3 volumes et qui l'ont aimé. Mm. Et je leur ai à chaque fois dit, bah voilà, moi, il y a ça qui me gêne, il y a ça qui me gêne. Comment ça se passe dans la suite ? Mm. Et ils m'ont confirmé que... ça se passait pas. Qu'il n'y avait aucun changement. okay. Qu'il n'y avait aucun changement. Je suis allé lire les résumés derrière et en effet, manifestement, il n'y a aucun changement. Bref. Voilà. Mais peut-être qu'il n'y a pas trop de miroirs dans son monde aussi. C'est possible, mais du coup, pourquoi est-ce que tu appelles ça le passe-miroir ? Eh bah, ben, je ne sais pas. Non, ce n'est qu'un détail. C'est un livre français ? Oui, c'est un livre français. Et c'est d'accord. Encore une fois, je vais. Là, tu je vais l'avoir, en. Hein. Non, mais je me demandais du coup si ça avait oui, une traduction. Oui, bien sûr. Si ça... Je vais en dire du mal, mais. Ce n'est pas un mauvais roman, non. D'accord ? C'est ton juste... avis subjectif. Exactement. Sur non, et puis surtout, je vais appuyer sur un point qui est celui du personnage principal. Oui. Le livre a plein d'autres qualités à côté. Je pense qu'il vaut le coup d'être lu. Tout simplement parce que, parce que c'est français et que la fantasy française, il faut la défendre. On est clair. Que surtout défendu par une femme. Écrit par une femme. Je ne veux pas voir dans les commentaires « Oh là là, il n'a pas aimé le livre, il dit que tout est de la merde. » Ok ? Exactement. Il a bien précisé sa pensée. D'accord ? On peut c'est y bon, aller. C'est bon le chat, okay. On peut y aller. C'est allez, bon, on est bien. On va y aller. Go. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a des. Cette œuvre a vraiment mis le doigt en fait sur des choses qui me gênent aujourd'hui dans l'écriture des personnages féminins. Sur les nichons, du coup. Sur les nichons, exactement. Oh. Sur les nichons, me gêne. Oh là là. Je vais jamais pouvoir aller au bout. Oh là là là là là. Terrible. non, mais déjà, je vais commencer par parler des 2 points que j'ai présentés, donc la personnage le plus intéressant et les objectifs clairs, et ensuite on va parler d'autres petites choses. Donc, est-ce qu'Ophélie est le personnage le plus intéressant de l'œuvre ? À mon avis, non. Elle pourrait l'être, parce que tout simplement, elle a 2 pouvoirs extraordinaires, 2 pouvoirs dont elle ne se sert quasiment pas du tout. Ouais, même le pouvoir des objets, de voir passer des objets. 3 fois, je crois. 4. Mais vraiment 4 fois, je crois, si je pense pas mentir en disant que c'est 4 fois dans tout le roman. Mmh. Et deux fois, ça sert à rien. Enfin, non mais vraiment. Oh là là, j'ai touché cette assiette. Il a mangé des bolognaises ce midi. Bah, c'est quasiment ça. D'accord. Donc, a priori, il faudrait qu'elle soit intéressante par autre chose. Mais le problème, c'est que l'autre chose, il n'y en a pas vraiment. Elle est fiancée à cet homme. On va attendre les trois quarts du roman pour comprendre pourquoi. On comprend au bout d'un moment que ce n'est pas elle qui est important, mais sa capacité, qui au final n'est pas utilisée pour la raison dont elle aurait dû être utilisée, si vous me suivez. T'essayes de pas spoiler, je trouve ça admirable. Je vais essayer. Ouais, non, tu t'en sors bien. Et il faut vraiment attendre les trois quarts. C'est-à-dire que pendant tous les trois quarts du roman, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Et donc là, on retombe sur le deuxième chose. On n'a aucune idée de l'objectif du personnage. On ne sait pas pourquoi elle est là. On est en attente pendant les trois quarts du volume, savoir qu'est-ce qu'elle fait là, qui est-elle, pourquoi on la suit elle. Surtout qu'à côté, je me rappelle que ma femme qui l'a lu m'avait dit exactement la même chose sur le tome 1, où elle comprenait pas, ça lui plaisait, mais elle comprenait pas trop où ça allait quoi. Je corrobore tes propos. Très bien. Alors en effet, peut-être qu'après ce point-là. Change, mais il y a un autre point derrière que je reviendrai. Je sais pas du tout, je sais qu'elle a beaucoup aimé. A priori, au vu des résumés que j'ai lus, c'est-à-dire que le résumé du tome 2, c'est elle acquiert une position par hasard. Mm-hmm. Et a priori, on va attendre tout le premier volume de savoir pourquoi elle a acquis cette position. Une position sociale. D'accord, sociale. Pardon. Oui, non. Non, parce que. Des... Alors, qui la. Bon, voilà, je vais pas terminer cette. Des femmes qui prennent des positions par hasard. Ah, non, bon. Allez. Voilà. On donc, est entre couilles. Pardon. Pas, pourquoi elle est là. Je m'étouffe avec ma propre salive, je suis désolé. Okay. Elle n'a, semblerait-il, aucun point particulier. Je dirais, elle n'est pas intéressante, en tout cas elle ne se définit pas par ses capacités, alors que il y aurait carrément moyen. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui semblent plus intéressants? Voilà, exactement. D'accord. Et en plus, à côté, il y a plein de personnages qui semblent beaucoup, beaucoup plus intéressants. Déjà, chaque... On nous l'explique très, très peu dans le premier volume, chaque arche a un ancêtre. En gros, la première personne qui aurait été sur ce morceau de terre, qui aurait des pouvoirs extraordinaires et qui serait immortelle. Ils sont vraiment surhumains, c'est-à-dire qu'en général, ils font tous plus de 4 mètres, alors que c'est censé être des humains comme nous. Bon, déjà, voilà, il y a ce genre de personnage-là. Au début, donc, on est sur l'arche d'Ophélie, mais très vite, on va aller sur l'autre arche. Et là, on va découvrir là-bas qu'il y a plusieurs familles de nobles qui se font la guéguerre, la guéguerre de nobles, vous savez, genre comment va votre fille et tout ça, parce qu'on l'a vu quand même, cette petite dépravée et tout. Quoi, vous avez parlé de ma fille, je vous défie en duel, tout ça, nanana. Et comme ça, je ruine ton clan et je te vole ton château, mais tout ça avec le sourire. Donc les nobles se font une petite guerre psychologique autour du trône. C'est chouettos. Mais du coup, on découvre plein de personnages beaucoup plus intéressants que Ophélie. Un petit peu mystérieux, un petit peu séducteur et tout. Ah oui, ouais, ça, on y reviendra aussi. Ça, sur d'autres clichés. Sur les séducteurs. Voilà. Bon, tout ça font que on suit un personnage et on ne sait pas très bien pourquoi. D'accord. Et ça va amener à notre gros problème. Là où Shizé était active, c'est marrant, la position des femmes, active. Ah ! Voilà. C'était la blague. Ouais. Là où Shizé est totalement active dans ses actions, même par rapport à son mentor, Ophélie ne fait rien. Elle passe le livre à ne rien faire. Elle suit, quoi. Elle suit. Ce sont les autres qui lui disent, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle vient d'une famille riche sur l'île, qui une famille aisée, quand même, qui ont de la place. Elle se fait embarquer là-bas. On lui promet donc d'être mariée à l'héritier d'une famille un peu costaud. On apprend sur place que c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, a priori, sa vie est menacée. Pendant tout le premier volume, on ne sait pas vraiment pourquoi. On dit juste qu'a priori, elle pourrait mourir à tout moment assassinée. Mais c'est pas plus expliqué que parce que comme ça, ils vont t'assassiner et ils vont nous atteindre. Je sais pas pourquoi. Bon, d'accord, ok, très bien. Donc, okay. C'est pas grave, limite. vous en prenez une autre, quoi. Enfin... oui. Non, mais après, parce qu'a priori, tout le reste à côté semble dire que oui, bon, de toute façon, les femmes, voilà. Hein. D'accord. T'en as une, elle est morte, bah t'en prends une autre, quoi. Puis voilà. Pas très grave. Ouais, mais elle a pas de elles ont pas de pouvoir, les autres. Les autres n'ont pas de pouvoir, mais voilà, c'est pour dire que... Ouais. Et donc, bref, le personnage va se retrouver brinque-ballé, on va lui dire fais pas ci, fais pas ça, et elle le fait. Ah oui, donc en plus, elle est conne. Ouais. Enfin, s'il y a une fois, si à un moment donné, une fois, elle sort. Bon, bref, ça, okay. Évidemment, ça tourne très très mal. Ça se passe mal. Et elle va passer le reste du volume à se faire littéralement marcher dessus, manipuler. Par des personnes qui ont compris qu'elle était, alors que même qu'elle se cache. Et tout c'est ça, un peu ouais. Sansa Stark pendant les 4 ou 5 premières saisons de Game of Thrones, quoi, du coup. Ouais, et encore, Sansa Stark, ça se spoil. Non, je dis juste qu'elle fout rien. Moi, je dis juste spoil, et après, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, dans son tempérament, Sansa, c'est une princesse, elle se comporte en tant que telle. Alors, elle se fait. Voilà. Mais là, non, c'est même pas le cas. C'est même pas du tout le cas. C'est-à-dire que, comme. Enfin, je vais juste spoiler un tout petit truc. C'est chiant, mais c'est pour vous dire. Donc. T'es censé quand même être quelqu'un qui est un peu... Tout le monde dit que c'est quelqu'un qui a de la gueule, hein, Ophélie. Mmh. Et à un moment donné, on lui dit, bah maintenant, tu vas t'habiller en garçon et te faire passer pour un valet de chambre et tu vas faire le valet de chambre. Ok. Ah d'accord. Ah bah, ouh, passionnant ta vie. Et on la voit pendant plusieurs chapitres être valet de chambre. Ah ouais. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant, hein, c'est bien. Hein. Voilà. Mais peut-être elle fait des découvertes, des trucs. Non, l'auteur, le lecteur fait des découvertes. Ah oui. Parce qu'on parle des personnages, tu comprends vaguement que c'est des choses qu'elle comprend, mais en fait, l'auteur s'adresse directement au lecteur. C'est-à-dire que les. Comment dire ouais, ça a l'air hyper intéressant, ça, du coup. C'est un peu étrange, mais en gros, les conclusions qui sont faites sur les personnages, ouais. Tu sens clairement que c'est. L'auteur en fait qui parle, ouais. Donc qui s'adresse au lecteur. C'est Ophélie pas le personnage qui comprend, ouais. Voilà. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes parce que clairement Christelle Dabos a priori doit pas être très très loin d'une puribonderie. Alors je n'ai rien compris à ta phrase. C'est qui Christelle c'est l'autrice. L'auteur. Enfin un peu coincé du cul. D'accord. C'est un peu méchant. Je suis désolé, mais à un moment donné quand tu décrètes que une fête où a priori il y a des chambres où a priori il se passe des choses entre adultes. Mais que ce sont des chambres à côté. Ils jouent à la dinette. Voilà. Et que la fête est qualifiée d'orgie quasi démoniaque. Tu dis, ah, oh, d'accord. Bah, au lycée, j'étais dans des orgies démoniaques. Mais, ouais, mais peut-être que c'est vraiment. Peut-être qu'il se passe vraiment des trucs crado. Ils sont en mode. On sait pas, du coup. Non, a priori. Parce que Ophélie voit vite fait ce qui se passe dans la chambre. A priori, oui, bah, ils baisent, quoi. D'accord. Ah, oui, oui. Parce qu'ils ont mal fermé la porte. Voilà. Mais est-ce que c'est pas. Je me fais l'avocat du diable. Et fais-le, c'est bien. Mais peut-être que pour elle, pour le personnage, c'est une orgie démoniaque. Ou alors, encore une fois, là, l'auteur s'adresse à nous et elle qualifie comme tu, ça. Tu as raison. Le problème, c'est qu'on n'a jamais d'autres sons de cloche, en fait. C'est ça, moi, qui m'embête un petit peu plus. Tu as tout à fait raison que cette partie-là, c'est clairement le personnage, Ophélie, qui parle. Voilà. Mais on n'a jamais autre chose, en fait, qui est. Qui est là pour tempérer, contrebalancer, tempérer, sachant que l'organisateur est continuellement montré comme un personnage dont, a priori, le passe-temps est de déflorer les fiancées des autres. Sans que quelqu'un de. Ça n'a rien à voir avec le jardinage. D'accord. Ça va dépendre de la fiancée. S'il y a des orties dans la culotte. Oui, ça ne doit pas être agréable. Tout ça pour dire quoi ? C'était la blague. En fait, Ophélie fait partie de ces personnages qui pullulent dans énormément de romans de fantasy ou de post-apo. Je vais citer un petit peu au hasard Hunger Games, Divergente, qu'est-ce que j'avais d'autre Divergente. Ouais, Divergente. Voilà. Tout Twilight, en fait, on a exactement un personnage à la 50 nuances degrés. Ah oui, mais c'est pas de la fantasy. Katniss au début. Pardon, excuse-moi. Non, mais si, 50 nuances degrés, exactement. En fait, tous ces personnages-là, qui sont totalement passifs, du coup, vides de toute substance. Je reviendrai après sur ce qui m'a vraiment saoulé, mais là, je vais essayer de rester le plus objectif possible. Y a des gens, en fait, qui disent des trucs sur le chat ou pas ? Oui, mais ça va pas te plaire. J'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est un roux qui parle, personne ne prête d'importance. Ah, mais ça va. Ça va. Il y a des gens qui ont lu le bouquin ou pas sur le chat ? priori non. Je vous pose la question. Okay. Avez-vous lu le livre? Bref, pendant qu'ils répondent, je vais continuer. Où est-ce que Jean n'était? Oui, voilà. Bah, ça m'inquiète, en fait. Toutes ces femmes qui trouvent que ce sont des personnages attachants. Ah, mais tu peux être inintéressant et attachant. Tu peux. Vas-y, du coup, développe. Ton chat, par exemple. Exactement. Mais attachant. Bon, alors, c'est un chat, c'est pas une femme, du coup. Attention aux amalgames ta bizarres. Ta chatte. Mais ouais, non, on parle vraiment d'un personnage. Du coup, personnage. Je connais des gens autour de moi, dans le sens large du terme. Ouais. Des gens qui sont. Balance des noms. Ouais, c'est ça. Non, mais. Ouais, du coup, c'est super. Mais oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment cette question-là. C'est une vraie On connaît d'une manière générale tous des gens inintéressants mais attachants. Je sais pas si je suis vraiment attaché. Genre, il y a des gens qui me connaissent, tu vois. Voilà, c'est ça. Après, on te laissera terminer. Attends. Là, pour le coup, on parle d'être humain. Moi, je parle de personnage, justement, le rapport au personnage. Oui. Je trouve ça assez compliqué d'aimer un personnage inattachant, sachant que le rôle du personnage, c'est quand même de nous raconter quelque chose. À un moment donné, faut s'identifier à lui. Et donc, ça veut dire qu'il y a quantité de femmes, de jeunes femmes qui, aujourd'hui, s'identifient à un personnage totalement passif et le trouve intéressant. Pardon, je m'éloignais plus que je ne pensais. Tu voulais dire quelque chose, Yann ? Non, après, je vais juste te laisser terminer, mais ce que j'ai l'impression que tu pointes du doigt, c'est que toi, ça, c'est quelque chose qui ne te va pas et ne te plaît pas. Exactement, précisément. Hein. D'autant plus et que... Typiquement, moi, c'est ce que j'adore. Donc, c'est des trucs... J'aime beaucoup les personnages qui sont inintéressants et où, quand même, l'auteur arrive à te faire attacher à ça. Ouais, mais... Sauf que d'autant plus, là, il s'agit moins d'un personnage inintéressant mais attachant que de l'héroïne pour le coup, et ouais, ça c'est peut-être plus gênant. Le pitch me dit comme ça, ça me donne vachement envie. Ouais, c'est rigolo. Et est-ce qu'on peut être l'inverse? Après t'es bizarre. Mais... Est-ce qu'on peut être intéressant mais inattachant? Oui, oui. J'ai un exemple. Ah oui. Peut-être Jar Jar Binks. Non, oui. Est-ce que Jar Jar Binks est intéressant? C'est une bonne question. Non, mais on a en effet des exemples. L'anti-héros n'est pas particulièrement. De base, son but n'est pas d'être attachant, il peut le devenir après parce qu'on apprend à le connaître, mais on pourrait imaginer que c'est une sorte de connard et qui n'est donc pas particulièrement attachant mais intéressant. Comme la montagne dans Game of Thrones. Le limier là, le mec qui a une gueule dégueulasse et qui. Tout à fait. On finit par s'attacher, je pense, parce que. Qu'à un moment on connaît son histoire, voilà, et c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il est pas très attachant. Moi personnellement, je suis pas sûr de m'attacher énormément à Kratos, mais je trouve le personnage intéressant. Kratos, le héros de God of War. Très bien. Voilà. Qui est une série. Mais pour représenter une espèce de gros bourrin sanguinaire. Je suis pas très attaché à ce personnage, mais j'aime bien suivre son histoire que je trouve intéressante. Très bien. Voilà. Donc du coup, toi. Non, parce que moi, ça me fait quand tu fais ce pitch-là, ça me fait penser à beaucoup des séries que j'aime le plus, à savoir qui te font suivre plein de personnages qui sont pour le moins des personnages inintéressants, qui n'ont rien de spécial, qui n'ont rien de très passionnant, et où on, par la narration, par ce biais de personnages qui vont se rencontrer et ce qu'on filme, ça peut devenir passionnant. Mais du coup, c'est quoi l'exemple? The Wire par exemple. Mais ils ont tous quelque chose dans The Wire, ils ont tous un truc. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnages inintéressants. Mais après, attachants. Mais voilà, après c'est une question de perception. Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait. Et c'est les. Enfin, il n'y a pas vraiment. Il y a quand même un groupe qu'on suit un peu plus que. Mais pas que tant les autres, quand même. Au final. Ça dépend des saisons, mais dans chaque saison, t'as un noyau dur. Dans chaque saison, c'est un noyau différent, mais à chaque fois t'as un noyau dur. Tu suis vraiment les premiers épisodes de Jimmy McNulty. Et à partir de la deuxième saison, c'est impossible de dire qui est le personnage principal. Il n'y a pas de personnage principal. Ah si. Après. T'en as plusieurs à chaque fois, mais si, on se concentre vraiment sur des personnages plus que d'autres. D'accord. Genre Omar, il est toujours secondaire, par exemple. On va peut-être pas s'éterniser là-dessus, surtout pour ceux qui n'ont pas vu la série, ça risque d'être assez. Mais alors, du coup, on parle encore une fois de perception. C'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train de me dire, genre, il y a des personnages principaux, c'est une question de perception. Il y a des personnages principaux. Les scripts ont quand même été écrits par les auteurs. Sur le temps de passage à l'écran, sur tout un tas de choses, de faits factuels qui te montrent, qui sont plus mis en avant que d'autres. Genre les interviews des réalisateurs. Tu n'as pas ces chiffres-là, c'est une question de perception. Si ça se trouve, tu te trompes complètement, et si ça se trouve, je me trompe complètement. C'est une question de perception. Ouais, ok. Si on s'appuie que sur ça, sauf que pour le coup, dans les interviews des auteurs ou les bouquins que ensuite les réalisateurs ont mis, clairement, c'était leur idée. Chaque saison est un noyau dur de personnages. Après, d'accord. Toi, tu l'as peut-être perçu. Non, mais un noyau dur de personnages, oui, mais tu t'en as 10, quoi. C'est énorme. Non, à chaque fois, ils en font 5. Alors, j'ai plus les noms là, surtout que ça fait un moment. Ça me donne envie de la revoir pour savoir ça. Et tu auras un chronomètre et tu calculeras le temps d'apparition. Non, sachant que le temps d'apparition n'est pas. Non, mais c'était un exemple. Enfin, c'était une. Après, c'est un exemple The Wire parmi d'autres, mais après, c'est vraiment une question de perception. C'est-à-dire que le personnage dont tu parlais tout à l'heure, archétype Harry Potter, qui est le personnage principal, tout tourne autour de lui, c'est le centre du bouquin. Dans des séries comme The Wire, tu ne peux pas isoler un personnage, tu peux en isoler quelques-uns et tu peux en isoler beaucoup quand même. Comme dans la plupart des séries d'ailleurs. Ils ont tous quelque chose. Et plus tu multiplies le nombre de personnages, en fait, plus tu es obligé de réduire l'importance de leur background, surtout de leur particularité, parce que dans ce cas il y en aurait toujours un en effet qui sortirait du lot. How I Met Your Mother, bon, le gros est pas très grand, tu me diras, ils sont que 5, mais bon, au final le plus faible on pourrait dire c'est Ted, sauf qu'il est important parce que c'est celui qui raconte l'histoire, mais ils ont tous leur particularité, ils sont plus ou moins au même niveau, faudrait calculer d'ailleurs en temps, mais chacun a plus ou moins sa saison où il est fort et tout, et puis après il y a des personnages qui tournent autour, tu vois. Et après on parle, on est en train de digresser sur le côté personnage principal ou personnage secondaire, parlait de personnages intéressants ou inintéressants, je veux dire dans How I Met Your Mother, pour moi, les personnages sont pas très intéressants. Oui, peut-être parce que c'est par contre, ils sont attachants. Par contre, c'est peut-être quelque chose qui, toi, ne te touche pas. Parce que leur intérêt ne te touche pas. C'est ça que je veux dire. Là, pour le coup, la question de perception, elle se pose beaucoup plus sur le fait qu'ils sont intéressants que sur... C'est vrai, le terme, en effet, n'était pas très juste. Moi, je disais qu'elle n'était pas très intéressante parce que, déjà, c'est en effet... Je réécouterai l'émission et je me rendrai compte à quel point ce débat n'a aucun sens, en fait. Je pense. Mais je suis d'accord avec toi qu'évidemment, l'intéressant, c'est totalement subjectif. C'est pour ça qu'on lit ou qu'on regarde diverses choses. C'est ça, et présenté comme ça en disant un personnage est inintéressant, mais attachant, et malgré ce personnage inintéressant, il y a quand même des choses à voir et un univers cool, ça me donne envie, moi. Moi, je la trouve pas du tout attachante, Moi, je la. Non, toi, non. D'accord. Mais tu disais que plein de gens la trouvaient attachante. C'est ça que mais oui, du coup, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que pourquoi Bella est attachante? Pourquoi Ophélie est attachante? Pourquoi Katniss au début est attachante? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi la meuf dans Divergente? Bon, globalement, pourquoi Divergente? Mais ça, c'est totalement personnel. Vraiment, ce sont des choses que je ne perçois pas. Parce qu'il n'y a rien pour moi qui les met en valeur, alors qu'à côté, l'auteur met d'autres personnages en valeur. Ce sont des trucs qu'on retrouve dans d'autres œuvres. Par exemple, les derniers tomes d'Eragon, je vais pas spoiler, mais à un moment donné, faut que ça arrête de s'appeler Eragon, quoi. Parce que c'est plus Eragon le héros. Ça s'appelle pas Eragon. De quoi ? Ça s'appelle l'héritage, mais après. Si c'est Eragon l'héritage, et ensuite il y a un sous-titre à chaque fois. Ah non, moi j'ai jamais vu écrit ça. Mais après, c'est peut-être tes versions après. Mais De mémoire, c'est la tétralogie s'appelle l'héritage. C'est Eragon, tétralogie, héritage, parce qu'à la base, ils voulaient en faire 3 en fait. Moi, sur mes bouquins, il n'y a pas marqué ça en dessous. C'est possible. Et ensuite, chacun est. Mais du coup, effectivement, si ça s'appelle Eragon, la tétralogie, je suis d'accord avec toi que ça n'a aucun sens. Mais si, effectivement. Voilà. Mm-hmm. Où est-ce que j'en étais ? Patati patata, exactement. C'est ça. Eragon. C'est le tome premier, 1. Ouais. Mais les autres tomes. Taper Brisingre. Brisingr. Oui, moi j'ai toujours vu. Bref, j'ai pas lu, on s'en fout. Bref, vas-y. Oui. On s'en fiche. Mais en tout cas, ça reste. Bref. Attendez, juste. Blablabla, parce qu'on a mélangé plein de choses et du coup, c'est intéressant. Les intéressants, c'est subjectif. Donc la elle a réussi la prouesse d'être inintéressante avec des particularités. Ouais. Oui, en plus, alors ça c'est un autre truc qui m'embête, c'est que pendant tout le truc, il t'explique qu'elle a des capacités exceptionnelles, que c'est exceptionnel. Mais elle n'est pas exceptionnelle. Mais elle ne les utilise pas, et les rares fois où elle l'utilise sont toujours des moments un peu prout-prout. Et à côté de ça, il y a des problèmes d'écriture, à mon avis, enfin, parce que c'est assez personnel, mais je vais les expliquer. Déjà, donc, elle a 16 ans, si je ne dis pas de bêtises, au moment du premier. Et donc, c'est une personne qui aime beaucoup les livres et qui ne trouve pas les garçons intéressants. Mmh. Alors, c'est purement personnel, mais il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter avec ça. Il va falloir arrêter avec les héroïnes de 16 ans qui trouvent que les garçons, quand même, c'est pas très intéressant. Mmh. En 6e, normalement, vous avez fait un cours sur les hormones qui vous explique qu'en gros, quoi qu'il arrive, normalement, garçon ou fille, à l'adolescence, il y a quand même une grosse partie de votre cerveau qui est occupée sur un truc, la nique. Alors évidemment après il y a pas forcément avec les garçons. Pas forcément avec les garçons d'ailleurs, mais là en l'occurrence d'ailleurs, c'est intéressant de montrer que l'auteur clairement montre que le sexe c'est avec c'est hétérosexuel. Voilà, c'est hétérosexuel. Est-ce que c'est pas une particularité de son univers? Bah, vu qu'ils ne sont pas. Le mec essaye de. Ah oui, de tu veux dire, il serait. Tu veux dire qu'elle aurait fait que dans ce monde, il n'y a pas de gay. Voilà, que c'est ça. Que globalement. C'est pire que tout. Ouais, ce serait. C'est vrai qu'il n'y a pas de noir non plus. En fait, non, j'allais dire. Ça pourrait être intéressant s'il y avait une critique de ça derrière. Genre, c'est comme ça, mais parce que. Ils sont tous. L'homosexualité est très mal vue, par exemple, et c'est hyper tabou, et un truc comme ça. Là, elle n'en parle pas du tout. Mais ouais, voilà. On suppose, après on peut spéculer sur le fait par exemple comme ils sont assez peu, comme ils sont assez peu sur les arches, la reproduction est hyper, enfin c'est extrêmement important, il faut se reproduire pour la population. Ouais. Donc on peut imaginer en effet que ça peut être assez mal vu d'être gay, mais ce n'est jamais dit, oui, c'est jamais expliqué. C'est pas le propos. Et en tout du... cas, à tout moment, la sexualité n'est montrée que dans un sens. En tout cas, dans le premier volume. Après, c'est possible qu'il y a le. Dans un sens, tu sous-entends. Oui. Que ce qui passe par derrière. Hétérosexuel. Ou... bah non, du coup, il pourrait pas faire d'enfant. Mais d'accord. Et donc non, mais c'est vrai, c'est énormément de personnages qui sont comme ça. Genre, oh les garçons, c'est pas très intéressant. Je trouve ça extrêmement dommage, surtout que bah, c'est faux. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a tous été adolescents, même si on a tous été capables de se retenir à cet âge-là et qu'il y avait évidemment plein de blocages socioculturels et personnels. Tous non, mais que... oui, en effet. Mais en tout cas, nier l'émergence de la sexualité à cet âge-là, je trouve ça extrêmement dommage. Ou alors, dans ce cas, tu fais un personnage plus âgé ou moins âgé. En effet, tu dis qu'elle a 11 ans. Oui, bah en effet, oui. A priori, les garçons, c'est potentiellement pas très intéressant. Mm-hmm. D'autres choses qui sont vraiment purement personnelles, mais en fait, j'ai senti pendant tout le livre que l'auteur écrivait un personnage fantasme. Qu'elle écrivait, elle s'écrivait. Elle, j'ai l'impression. J'aurais voulu être comme ça. C'est ça, j'aurais voulu être comme ça et je voudrais qu'il y ait toutes les explications. Genre, l'héroïne est extrêmement gauche. Mais genre, un truc de fou. Elle a voté Benoît Hamon. Exactement. Mmh, mmh. Elle fait. C'était la blague. Elle fait tomber tout ce qu'elle touche. Elle est incapable de maintenir, enfin, de garder quoi que ce soit en main plus de quelques secondes sans le faire tomber, sans le faire casser. Et c'est expliqué par vraiment une ligne. Quand elle est gamine, elle a eu un accident de miroir, alors maintenant elle n'est pas douée de ses mains. Ah. Un accident de miroir. Ça ne sera jamais plus. Dans le premier volume, ça ne sera jamais expliqué plus loin. D'accord. D'accord, très bien. Donc, et en fait, ce point-là n'apporte rien. Surtout qu'après, le personnage. Devient habile. Devient valet de chambre. Eh oui. Et, c'est vrai. Du coup, ça devient irréaliste. Parfois, position il le dit si. Ah là là, elle fait tomber des trucs quand même. Ok, mais vous avez passé le reste du volume à dire qu'elle était un foutu de tenir deux pages sans les déchirer. Enfin, ce qui est marrant d'ailleurs pour une conservatrice de musée, mais bon, on va en parler aussi. Là, vraiment, j'ai eu le sentiment que l'auteur, en fait, créait juste un personnage, voilà, fantasme pour se déverser. J'aurais voulu être comme ça. J'aurais voulu que. Peut-être que Christelle Dabo, c'est un peu gauche et donc elle a trouvé une espèce d'explication au fait qu'elle était un peu gauche. Je ne sais pas. Et là, oui, ça là, pose tu, un autre. Tu, ou alors, c'est tu t'avances de, là. C'est purement de. Tu supposes. De la supposition. Ouais. Mais ça met en exergue un autre point. Mm-hmm. Faire en sorte que son personnage principal, à mon avis, ne doit pas être ce qu'on aimerait être. Je m'explique. Je ne suis pas sûr que J.K. Rowling voudrait être Harry Potter. Mm. Je pense qu'elle préférait largement être Hermione, qui est un personnage secondaire. Et il y a plein d'œuvres comme ça, je ne vais pas vous citer parce qu'il y en a plein, où au final, quantité de capacités, de fantasmes, en fait, sont déversés à des rôles secondaires. Déjà, c'est intelligent parce que ça donne de l'importance à ces rôles-là, ça leur donne une valeur et tout. Ça fait qu'on peut les apprécier pour quelque chose. Et ça rend le personnage principal ou les personnages principaux un peu plus humains. Principaux. Merci. Et ça fait deux fois les gens. Si en fait, c'est compliqué parce que du coup, c'est tellement le concept du personnage principal que j'ai du mal à le conjuguer. C'est très con, mais. D'accord. Ah oui. On parle de personnage principal et du coup, c'est bizarre. Ouais, principaux donc. Ouais. Parce que je me sens vraiment pas bien quand vous dites ça. Bref. Je peux comprendre. Comme j'ai l'impression, globalement, Oui, j'ai lu toutes mes fiches et que j'ai l'impression de commencer à tourner en rond. En gros, ce que tu veux dire... J'allais conclure exactement, et vas-y, vas-y, non. Je t'en prie. Non, non, mais non, je vais pas te niquer ta conclusion. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, mais en gros, ce que tu veux dire, c'est que l'émergence d'une certaine vision de la femme et d'une certaine vision progressive de la femme peut parfois émerger d'un continent dont on ne soupçonnerait pas qu'il puisse émerger de là, et qu'à l'inverse, exactement, chez nous, on fait des trucs un peu de la merde parfois, et toujours maintenant. C'est ça. C'est ça que tu voulais dire. La première partie, c'était exactement ça. D'accord. La deuxième se voulait un tout petit peu plus... plus nuancée. Merci, très nuancée. Bien. Dans le sens où je pense vraiment que les lectrices ont un rôle important à jouer dans la, comment dire, l'apparition de nouveaux personnages féminins. Aujourd'hui, il est possible de créer des tonnes de personnages féminins. Je dis qu'aujourd'hui parce que peut-être que ça l'était moins possible auprès des producteurs, auprès des éditeurs, ce genre de choses. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont même des choses qu'ils vont demander. Il faut sortir des carcans. Il faut sortir de ça. Il faut imaginer d'autres procédés, d'autres personnages. Je pense qu'il faut avant tout commencer par écrire des bons personnages. Et c'est un conseil un peu à la con parce que moi personnellement j'écris environ une page tous les deux ans, donc ça va pas avancer très beaucoup, mais vraiment si vous avez un concept de personnage et que ce personnage est intéressant et que vous voyez qu'il y a moyen que ça soit une femme ou un garçon ne change rien, faites-en une femme. Juste parce qu'on a besoin de plus en plus de personnages qui vont sortir de ces carcans de la fille qui a quelque chose de spécial, mais on va jamais dire quoi, mais elle a quelque chose de spécial. Il y a toujours deux garçons qui lui tournent autour, ce genre de choses, oui, parce que c'est aussi le cas dans... Le triangle amoureux. Voilà, c'est à un moment donné, bon. un peu rustre et un petit peu dragueur. Il y a le bon garçon et le mauvais, bad boy. Et le bad boy, voilà. Je suis dit, oh la vache, quoi, enfin... Et enfin bon bref voilà. Oui tu n'as pas apprécié. Non mais encore une fois le roman vaut le coup. Juste dites pas que le personnage. Ou alors expliquez-moi. Vraiment expliquez-moi pourquoi vous trouvez ce personnage intéressant et attachant, parce que j'ai vraiment lu les deux. Peut-être un jour on recevra quelqu'un dans cette émission qui a lu les bouquins et qui pourra nous en parler. Peut-être. Peut-être. Hein. Hashtag teasing. Voilà. Si évidemment il y a des réactions dans le Tocha. À un moment donné. Et non pas dans la Techa. Ouais. On peut avoir des réactions dans la Techa, mais pas en direct. On va pas montrer ça. Oui, si, il y avait juste un tout petit point que je voulais rajouter. Pardon. Je me suis dit personnellement que le fait que ce genre de personnage était autant apprécié venait peut-être aussi du fait que beaucoup de lectrices ne se retrouvaient pas dans les personnages fortes actuels, peut-être un peu. Badass, sportive, avec une sexualité qui nous paraît peut-être même un peu à l'excès, trop libérée. Trop débridée. Ouais. Ouais, genre, on veut absolument leur montrer qu'ils ont une sexualité épanouie, alors. Oui, genre atomique blonde en fait. Ouais, peut-être, voilà, c'est genre la meuf qui va avoir 20 000 orgasmes par jour et 8. Mais parce qu'elle l'a choisi. Parce qu'elle l'a choisi, voilà. Il y a peut-être en effet une demi-mesure. Et oui, une demi-molle. Oui, on a. Oh la vache. Oui, c'est vrai, on n'est pas obligé de. Pour faire une femme forte, on n'est pas obligé de faire une femme badass. Il y a d'autres moyens. Voilà. Et tu l'as démontré avec ton The Ancient Magus Bright. On peut être une femme intéressante sans être badass ou quoi que ce soit. Ni fragile, ni. Parce qu'au final, il y a un juste milieu. Les deux œuvres parlent quand même exactement de la même chose. Deux femmes qui sont fiancées. Contre leur gré et qui vont devoir essayer de trouver leur place dans une société avec ça, avec des capacités. Et je trouve que les deux en fait vont tellement dans des directions opposées de façon inattendue que voilà. Comme les mondes quelque part. Les mondes de l'inattendu. L'inattendu. Parfait. Et eh ben merci beaucoup Armel, c'était super intéressant, c'est cool. Et eh ben merci à vous. Merci pour, C'est chouette d'avoir mis ces deux œuvres en parallèle et. Jackie me fait des signes pour que je fasse un petit jingle hashtag invité hashtag hype. Très voilà, bien. Parce que c'est Trinom qui l'a dit sur le chat. Ah Trinom il a fait hashtag invité, ok. Et hashtag hype. Hashtag hype. Et le hashtag. C'est la propriété intellectuelle. Ah bah oui, mais bien sûr. Alors, je viens de me voir. qui a dit ça? Je viens de me voir dans la vidéo en train de me gratter férocement le... Le cul. Le front. Ah. Je suis vraiment désolé. C'est pour ça qu'il vaut mieux écouter cette émission en podcast. Voilà. Ok. Très bien. Bah, merci beaucoup encore une fois, c'était cool. C'était parfait. Impeccable. Et bah, je vous propose pour enchaîner et pour un peu rigoler ensemble, on va passer à la rubrique de Vianney avec un superbe jingle. La rubrique jingle. De Vianney. Jingle. Non. La rubrique. Non, parce que ça c'est ma rubrique à moi. La rubrique. Oh merde, pardon. Voilà. Et donc on parlait de la rubrique de Vianney. La rubrique de Vianney. De qui? De Vianney. C'est à toi. Donc c'est, okay, c'est celle-là qu'on attend depuis le début. C'est celui-là que j'attends de vous diffuser depuis des mois parce que c'est le meilleur jingle que Glitch Brain a créé pour cette émission. Et merci on Glitch et Brain. On le remercie. Et merci, on le remercie. Glitch Brain. Et voilà. Et j'espère que ta rubrique ne changera pas de nom parce que j'aimerais bien que ça reste la rubrique de Vianney. Si tu veux, on peut garder ce nom-là parce que c'est vrai que le jingle est bien. Donc, vu que ce jingle m'a un peu perturbé et que je comptais enchaîner direct, je vais en profiter pour une minute dire ce que l'idée de cette rubrique, la petite idée qu'on a eue en discutant avec les différentes personnes qui composent ce podcast, c'est qu'on manquait peut-être de rubriques un peu plus courtes, un peu plus dynamiques, et c'était aussi des retours qui nous ont été faits. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de faire un petit truc très court sur des jeux de société, puisque c'est un peu mon truc. Et du coup, là, je vais essayer de... Voilà, on va essayer d'inaugurer cette rubrique ensemble. Puisque tu es un professionnel du jeu de société. Ah oh oui, exactement. Dites-le encore. Tu es un professionnel du jeu de société. Ah oui. Alors, on va passer à la suite. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de The Mind. Donc, The Mind, c'est un jeu de Wolfgang Warsch. C'est un nom aux consonances si précises que je me passerai de vous préciser sa nationalité. Italienne, donc. Autrichienne. Et dont la majorité de ses précédents jeux n'ont pas eu la chance d'être traduits dans la langue de Molière. Pour les quelques jolies images qui parsèment The Mind, l'illustrateur se prénomme Oliver Freudenreich. Nom aux consonances si précises que je me passerai de vous préciser sa nationalité. Australienne. Allemande. Il s'agit là d'un illustrateur de renom ayant contribué au célèbre Bonanza, Goa, Quix ou encore The Game. Édité par Nürnberger Spielkarten Verlag, nom aux consonances si précises que je me passerai de vous préciser qu'on les surnomme NSV. NSV est également l'éditeur de Quinto, Quix ou encore The Game. Ouais, c'est pas faux. Mais au juste, qu'est-ce que c'est donc que ce jeu The Mind ? The Mind est un jeu coopératif, jouable entre 2 et 4 personnes, accessible dès 8 ans, ou plus précisément, dès qu'on sait ordonner des chiffres qui vont de 1 à 100. Le principe de jeu étant un peu plus bateau, on joue des cartes numérotées, donc de 1 à 100, dans un ordre croissant, jusqu'à réussir à passer le fameux niveau 12. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt. Servons-nous de superbes traits d'esprit pour ponctuer ma chronique et ainsi enchaîner sur une brève explication. Trop de balles. C'est très dur de rester concentré. Dans The Mind, les joueurs commencent donc au niveau 1 et vont petit à petit gravir les échelons de la gloire pour tenter de battre l'infâme niveau 12. Au début d'un niveau, les joueurs se retrouvent avec autant de cartes en main que la valeur du niveau où ils sont rendus et vont donc tenter de jouer leurs cartes dans le bon ordre, tout en sachant qu'il n'y a pas de tour de jeu et que chaque joueur peut donc jouer une carte quand il le souhaite. Le hic, vous allez me dire, c'est qu'il est absolument interdit de communiquer de quelque manière que ce soit. Pas un son, pas un geste ne doit être fait pour communiquer avec les autres joueurs. Je vous entends déjà rire sous cap et vous dire ceci. C'est totalement impossible ça l'ami, ou alors ça met grave les chocottes. Mais c'est bien là que The Mind frappe fort, avec un concept aussi simpliste, beaucoup auraient pu se contenter de se dire ce genre de choses. Ça ne marchera jamais là tu vois dit tabernacle hostie. Ah c'est con hein. Je ne pouvais pas enchaîner, je l'aime trop celui-ci. On est donc en droit de se poser la question suivante. S'agit-il de la grateuse escroquerie dans le milieu du game, ou alors c'est simplement le best game ever? Je ne répondrai pas à cette question que peut-être vous n'avez pas compris parce qu'elle est quand même très complexe. Mais sachez tout simplement que Wolfgang Warsch signe avec The Mind un bijou. Pourquoi ? Parce que ça marche. Les joueurs se regardent en s'attendant les uns les autres pour finalement éclater de rire. Enfin qu'on arrive à enchaîner les niveaux comme des dieux ou qu'on se plante lamentablement au niveau 2, il se passe quelque chose autour de la table. The Mind ne laisse tout simplement pas indifférent. Et si ça, c'est pas l'essentiel avec un jeu, moi je m'y connais plus. C'est tout pour moi pour cette chronique et vous l'aurez l'aurez compris, The Mind est donc à essayer de toute urgence, d'autant plus si vos prochaines vacances sont en Géorgie. Yes, an old sweet song keeps Georgia on my mind. Ah oui, c'était rythmé, c'était absolument oui, tout à fait. Est-ce qu'on a le droit de réagir là-dessus ou pas? Mais tout à fait, après on peut se dire qu'il peut y avoir un petit temps d'échange derrière. C'est parfait. Donc bah oui, parce que j'ai essayé The Mind également, par ton entremise. En l'agréable compagnie d'Armel et de sa douce femme. C'est ça, absolument. Et ben ouais, effectivement ça marche à fond. C'est pas cher en plus. C'est vrai. Il coûte une douzaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Je crois que le prix de vente conseillé doit être d'une douzaine d'euros. Ouais. Donc c'est vraiment pas cher. C'est un petit jeu sympa qu'on peut sortir un peu n'importe quand. Ça se joue rapidement et tout. Enfin, c'est vraiment chouette. Et effectivement, le principe même de ne pas pouvoir communiquer, enfin, c'est mortel. Et t'as pas parlé non plus de la synchronisation qui est super cool. Alors aussi. Je ne veux pas. Pour moi, un des gros plaisirs du jeu, c'est de découvrir et de ça. Découvrir. Ouais. Ok. Donc on va pas en parler. En général, quand j'explique aux gens comment ça se joue, je ne parle pas de ça d'ailleurs. T'as peut-être pas remarqué quand je te l'expliquais, mais je ne parle pas. Je dis pas comment faut jouer, je dis juste on va jouer, puis vous allez voir comment ça va se passer. Et le plaisir du jeu. Tu as présenté la synchronisation dès la première partie. Oui, alors quand on commence le jeu, oui, tu veux dire? Oui. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais oui, quand on commence le jeu, il y a une étape importante qui est de poser sa main au centre de la table pour, en gros, dire à tout le monde, bon bah moi je suis prêt à commencer la partie à partir du moment où j'enlève ma main. Et une fois que tous les joueurs ont enlevé leur main, on considère donc que la partie commence à ce moment-là. Voilà. C'est tout con, mais ça marche d'enfer. Ouais. C'est le truc qui permet d'avoir des parties mortelles et où tout le monde est, pour parodier Jean-Claude Van Damme, tout le monde est aware de la situation. Quoi. On est vraiment concentré et tout. Et puis dès qu'on se déconcentre, franchement, se resynchronise. Ce petit détail-là est assez énorme. Il y a d'autres détails parce que j'ai pas voulu rentrer dans l'explication des règles et puis je laisse ça aux gens le plaisir de découvrir. Mais pour moi, il y a très peu de choses. Et c'est extrêmement bien épuré, et le travail d'auteur de Wolfgang Wersch, de game design, comme diraient certains, c'est vraiment un travail incroyable. Avec un jeu aussi simple, d'avoir réussi à faire un jeu aussi prenant et aussi nouveau, parce que franchement, j'ai jamais joué à un jeu comme ça, où il y a des choses qui s'en rapprochent, parce que voilà, j'ai une certaine culture ludique, donc forcément, il y a des choses que je peux trouver, qui peuvent m'y faire penser, mais c'est vraiment unique comme genre de jeu, quoi. Et c'est, enfin, rien que pour ça, ça mérite juste les plus grands applaudissements. Ouais, moi je trouvais qu'il y avait un petit côté, alors de très loin à chaque fois, mais un petit côté poker, un petit côté jungle speed, un petit côté. Il y a plein d'influences, ouais, c'est clair. C'est ça ne réinvente, ça invente pas quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de culture de jeux de société. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais que ça me faisait penser à plein de trucs. Et c'est ça qui est assez marrant, en fait. Ça fait penser à des jeux, notamment un jeu que la femme d'Armel aime beaucoup, qui s'appelle Creus. Qui est un... Creus maintenant, mais du coup Creo l'ancien. Ouais, ils ont changé de nom. Donc pas Creus. Ça s'appelait Creo avant, K-R-E-O, et maintenant ça s'appelle Creus, K-R-E-U-S. Je crois que c'est un problème de marque. Ils ont dit, voilà. C'est bizarre. Je pense que c'est un problème de marque, je pense qu'aux États-Unis ça devait pas passer, et du coup ils ont changé le nom pour que ça passe aux États-Unis. D'accord. Je suppose que c'est ça. Chouette jeu. Et du coup, voilà, Creo se rapproche un peu de ça, parce que Creo est un des rares jeux de société coopératif où la communication est strictement et absolument interdite. C'est-à-dire, il n'y a pas de... comme dans Hanabi, de moments où tu vas pouvoir parler aux gens ou des instants où quand même tu vas communiquer. Dans The Mind et dans Creus, tu ne communiques pas du tout. Pas verbalement, en tout cas. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, parce qu'au final, on communique avec plein d'autres trucs. J'ai dû faire deux ou trois parties du coup, et je me forçais à ne vraiment pas communiquer et à la jouer en mode poker face, à pas transparaître d'émotions. C'est vrai que c'est un peu compliqué. En fait, c'est surtout les regards insistants par là où ça va se jouer, mais parce que tout le monde hésite à poser une carte parce que peut-être que lui il y en a une qui vient avant la mienne, donc il faut absolument pas que je puisse que je pose ma carte maintenant, et au final tout le monde se dit la même chose, donc personne ne pose de carte, et puis au bout d'un moment faut bien que mon collègue Jonathan mettait le doigt sur un truc qui est très juste. C'est la première fois que tu joues à un jeu où c'est coopératif, c'est-à-dire que le but c'est qu'on gagne, et où tu caches au maximum, comme dans un jeu de bluff, toutes les informations que tu veux, que tu as, alors que t'aimerais qu'une chose, c'est que l'autre sache ce que t'es. Et c'est vachement intéressant parce que ça inverse complètement le principe du bluff. Et c'est là où tu reconnais d'ailleurs les joueurs, les gens qui aiment vraiment jouer, et les gens qui sont, moi ce que j'aime, des gens qui aiment s'amuser, mais pas jouer le jeu. J'ai parlé un petit peu avec une collègue qui me disait qu'elle avait vachement de mal à ne pas parler à The Mind, que souvent les gens avec lesquels elle jouait trichaient spontanément, ce qui est normal sur ce genre de jeu. Mais avec The Mind, c'est étonnant parce que c'est vraiment là où tu vois les gens qui ont envie de jouer. Ma mère, pour ne rien, j'ai fait une partie avec ma mère, elle est incapable de fermer sa mouille sur un jeu. Elle est incapable. À Anabi, elle raconte toujours des trucs. Au tarot, elle parle toujours, elle est tout le temps en train de dire vas-y, joue trèfle, joue carreau. Normalement, t'as pas le droit. Bref, c'est très drôle de jouer avec elle du coup. Et sur The Mind, elle a compris dès le début de la partie, je lui ai expliqué, je lui ai dit si tu fais comme d'habitude, ça ne marchera pas, on va se faire chier parce que c'est pas drôle. Et elle a compris en 30 secondes et elle a pas ouvert sa bouche de toute la partie, c'était assez impressionnant, mais elle disait bah oui, mais je le fais pas parce que sinon effectivement ouais, l'intérêt pas... est plus je perdu, joue plus quoi. Du coup quoi. Et c'est vraiment intéressant d'avoir réussi à faire un jeu comme ça quoi, où tu es obligé de respecter cette règle là parce que sinon bah ouais, la difficulté et l'intérêt du jeu tombent complètement à plat quoi. Bref, je suis complètement fan. Je crois que c'est le deuxième jeu seulement dont on parle dans les mondes de l'inattendu, enfin dont j'ai déjà parlé. Le premier, c'était Decrypto qui m'a vraiment mis une claque. Ça, c'est The Mind. J'ai fait mes petits paris sur les réseaux sociaux. Si The Mind ne gagne pas le Spiel des Jahres, c'est-à-dire le jeu de l'année en Allemagne, je m'engage à vous faire une chanson a cappella du choix d'un de mes camarades. Oh putain, oh ouais. Ouais. N'achetez pas The Mind, ça, par c'est pitié. Pas, c'est pas lié à l'achat. C'est pas lié. Merde, bon bah achetez The Mind parce que c'est tu peux, vraiment. Tu peux en revanche. Acheter ou jouer ou enfin bref. En revanche, tu peux peut-être essayer de corrompre le jury. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai trop envie là. Mais ouais, non, franchement, testez The Mind parce que c'est vraiment. Il y a Trinum qui nous fait, ça a l'air plus poussé que The Game. J'ai bien envie d'essayer. Chronique réussie. C'est totalement différent en fait. Enfin, étonnamment, c'est la même chose puisque t'as des cartes numérotées de 1 à 100. The Game étant un autre jeu coopératif dont, si vous avez un peu suivi la chronique, j'ai parlé puisque c'est le même éditeur et le même illustrateur, pas le même auteur par contre, et c'est assez différent. Moi, The Game, j'aime beaucoup, mais The Mind, il y a un truc quoi. C'est... Enfin, en tout cas, The Mind mérite d'être essayé. Est-ce que c'est le jeu que tu vas jouer 50 fois? Je sais pas, mais ça mérite. L'expérience du test est incroyable. Surtout à ce prix-là. Oui, c'est mais même sûr. Sans ça, enfin, je veux dire, il y a plein d'endroits où on peut jouer gratuitement, dans les bibliothèques, etc. Enfin, ça mérite d'être essayé quoi. Mais oui. Quand même, 184 000 roupies babaliennes, ça fait pas beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'en plus, alors c'est très con comme comportement, je sais, mais apprendre les règles, ça me fait chier. C'est-à-dire, je suis bien content quand j'ai intégré les règles, par exemple des règles hyper complexes ouais, et tout, mais la phase d'apprentissage me pète toujours les couilles. C'est le cas pour tout le monde. Et voilà, mais si bien que je peux être très chiant en fait lors des premières parties, parce que ça me les brise, donc voilà. Mais ce qui est génial avec The Mind, c'est que tu apprends, tu m'as expliqué les règles en moins d'une minute, en moins d'une minute on commençait à jouer, on avait déjà tout compris, on a fait une partie, ça a fait office de tour de chauffe, et voilà, en 5 minutes, tu as tout compris, et t'es lancé pour en faire 2, 3, 10, bon là on a été bridé par le temps mais ouais, voilà, j'aurais bien, moi j'avais qu'une envie, c'était de refaire une partie quoi, ça fait cet effet là normalement, et il y a vraiment cette sensation qui est assez unique de te dire t'es en train de jouer à un jeu où effectivement on m'a expliqué les règles hyper vite, ça joue super vite. Moi c'est un des jeux, voilà, c'est ce que j'appelle les jeux à trimballer dans le sac. Moi là je l'ai avec moi, il est toujours avec moi depuis qu'il est sorti et que je l'ai acheté, je l'ai dans mon sac, je l'ai plastifié pour pouvoir y jouer dans les bars, et même si la table est dégueulasse c'est bon, je l'ai sorti je ne sais pas combien de fois en 15 jours quoi. J'ai dû faire une trentaine ou une quarantaine de parties, ça fait 5 ans que ça m'est pas arrivé de faire ça avec un jeu, enfin vraiment, non peut-être pas, j'exagère, il y a eu Time Bomb l'année dernière quand même, Time Bomb j'en ai enchaîné un paquet de parties, mais c'est très très rare quoi, c'est vraiment très rare. Et pour ça, faut que les jeux soient excessivement courts, très faciles, et que je puisse les jouer grosso modo avec n'importe qui, c'est-à-dire pas que des gens qui aiment jouer aux jeux de société et se prendre la tête, ou pas que voilà, des gens qui sont initiés quoi. Tout à fait. C'était donc The Mind. Ouais, moi je dirais que ça manque peut-être un petit peu de jetons en bois, quoi. Ouais, ouais. Ça manque un peu de. Ça manque d'un plateau. De ressources. De ressources. Ouais, et d'un plateau, c'est vrai. Ouais, et de thème aussi, parce qu'on n'a pas parlé du thème, parce que c'est quand même un grand moment. Les lapins ninja. C'est. Vous allez voir, c'est un. Oui. Un bijou. C'est vrai que oui, c'est sur les cartes, il y a des lapins ninja, absolument. Tout à fait. Et elles sont très jolies en plus les cartes. C'est vrai que les illustrations sont magnifiques, ouais. Même si on s'en branle complètement du thème. Oui, complètement, ça pourrait être n'importe quoi, ouais. Tout à fait. Et bah très bien, bah merci Vianney en tout cas pour cette fabuleuse chronique. Mais de rien. Et tout de suite, c'est parti pour... Le kiff du moment. Et c'est le kiff du moment de qui? Et bah c'est le kiff du moment de moi. Alors j'en ai deux ce soir, j'ai deux kiffs du moment, le premier c'est le plus court, ça va aller assez vite, Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai arrêté toutes mes séries, que j'ai plus le temps de regarder des séries, que c'est l'enfer pour rien que pour finir Luke Cage par exemple, ou pour regarder Peaky Blinders aussi. Peaky Blinders par exemple, j'ai arrêté au bout de deux épisodes alors que cette série est trop trop bien, que j'ai trop envie de continuer. Bref, je n'ai plus le temps, c'est catastrophique. Mais il se trouve que Est-ce que tu passes trop de temps sur YouPorn? Alors oui. Absolument. Éviter par contre de continuer la ASMR. Hein, Mais voilà, il se trouve que dernièrement, pour des raisons personnelles, qu'on s'en bat les steaks, franchement, j'ai eu le temps de regarder une série. Donc, je vais vous en parler maintenant parce que je triche un peu. C'est un kiff du moment de la semaine dernière, puisque j'ai fini la série. Mais ça m'a tellement fait plaisir que j'ai envie de vous en parler ce soir, de partager ça avec vous. Wesh. Et donc, ouais, je suis pas certain que si tu sors ça dans un dîner mondain, ça fasse toi si. Ah, moi si. Tu brilles. Demi le feu. Il s'agit donc De se faire d'une série Netflix. Alors, alors pas tout à fait une série Netflix. Il s'agit de Happy avec un point d'exclamation à la fin. HAPPY comme joyeux en anglais. Ouais. Donc c'est une série disponible sur Netflix, mais c'est une série sci-fi qui date donc de décembre 2017 et qui est disponible donc sur Netflix chez nous depuis le 26 avril donc 2018. Alors Happy, c'est quoi? C'est 8 épisodes de 3 quarts d'heure, donc ça s'enchaîne assez vite, c'est aussi pour ça que j'ai pu la regarder et la finir. C'est quand tu dis la finir, c'est fini, c'est-à-dire c'est une... Alors, no spoil, mais je vais en parler de ça justement. Ok, très bien, excuse-moi. Bref. Alors, c'est adapté du comic book éponyme scénarisé par Grant Morrison et dessiné par Darick Robertson. Oui, Grant Morrison qui, comme Armel, voilà, est un auteur que j'aime beaucoup, un auteur de comics que j'aime beaucoup, qui a notamment œuvré sur All-Star Superman, qui a écrit Batman Arkham Asylum, qui a écrit Flex Mentallo, Multiversity, voilà, qui bosse beaucoup pour DC Comics. DC Comics et Vertigo. Et qui fait... Alors, c'est toujours très alambiqué ce qu'il fait Grant Morrison. Je vous conseille une super vidéo d'un mec qui s'appelle V pour Valentin, qui a fait un truc mortel avec un autre mec qui s'appelle Armel, sur Grant Morrison. C'était vraiment mortel. Et c'est vraiment mortel. Mais en gros, voilà, je parle un peu du personnage dans cette vidéo. C'est voilà de quoi je te parle. Ça doit être le 11e épisode sur Grant Morrison. Et j'explique un peu. Enfin, on explique, puisque c'est même pas moi qui explique. C'est un libraire, un auteur de bande dessinée. Multiple orgasme de la part d'Armel. Et comment un blogueur qui explique qui est Grant Morrison. Donc hein, lescomics.fr d'ailleurs, petite parenthèse en passant, de petite pub perso. Allez sur ce site, c'est trop bien. Bref, donc Grant Morrison, superbe scénariste, et Darick Robertson au dessin, eh bien ce sont tous les deux les créateurs du comics, mais aussi les créateurs de la série, qui ont donc décidé de transposer leur comic book en série. Je n'ai malheureusement pas lu le comic book, et pour cause, cette série m'a donné envie de le lire. J'ai vu le premier épisode, j'ai fait « Ah, mais tiens, si je lisais le comic book, parce que moi j'aime bien être exhaustif dans mes propos, si je veux en parler, il faudrait que je lise le comics. » Sauf que Delcourt, qui publie Happy, n'a pas jugé... C'est pas Panini. Mais, non. Non, c'est Delcourt, il me semble. Mais Delcourt n'a pas jugé bon de republier le bouquin qui est en rupture de stock. Donc c'est assez triste. Mais en France, pour l'instant, vous ne pourrez le trouver qu'en bibliothèque ou d'occasion. Chose que je n'ai pas pu faire en une semaine. Bref. Moi, je l'avais en anglais, si tu voulais. Ou en anglais, oui. Par exemple. Donc tu l'as lu, du coup, Armel? Oui. Donc c'est bien? Oui. Justement, et c'est, ça va être un peu le fil rouge de cette chronique, il y a une fin ou pas dans le comic book? Oui. Ça appelle à une suite ou c'est non. Juste une... Voilà, c'est une fin peut-être alambiquée, mais ça appelle pas vraiment non, à une suite. Il n'y a pas de tome 2. D'accord. Bon, tu as vu la série ou pas? Non, pas encore, mais okay. C'est vraiment dans mes projets. Je vais pas spoiler, hein, de toute façon. C'est vraiment dans mes projets. Le mec fait une to-do list. Oui. Mais je sais. Je vais éviter de spoiler, mais voilà. Non, mais du coup, c'est cool, tu pourras peut-être nous parler du comic book. En tout cas, je vais commencer par le pitcher, parce que là, les gens doivent se demander mais de quoi qu'ils parlent donc. Bah après, c'est pas le pote de Natsu qui est bleu et qui vole? Le pote de Natsu? Ouais. C'est quoi le... si tellement. Mais c'est non, quoi c'est le pote de... Oula, alors, en fait, c'est parce que donc Fairy Tail est un manga. Le héros principal s'appelle Natsu et son meilleur ami est un chat bleu qui vole. Très bien. Et bien il là, s'appelle Happy. Il s'agit. C'est vrai. Putain, oui. Je vais zapper, mais oui. Bah, sinon, j'aurais pas dit ça. Ça date de quand, Fairy Tail? Ça date d'après Happy. Ça vérifie. Fort possible. Bref, Nick Sachs, ancien flic devenu tueur à gages, drogué et alcoolique, reçoit la visite d'une petite licorne bleue en mode nounours qui s'avère être l'ami imaginaire de Hailey, une petite fille qui vient de se faire kidnapper par un Père Noël. C'était l'instant résumé. Voilà, donc c'est le... Oui. C'est Fairy Tail avant Happy. Avant Happy. Donc peut-être que Grant Morrison s'est inspiré de ça pour créer son personnage, peut-être. C'est possible. Bref, vous avez entendu un pitch assez particulier et what the fuck, et ben c'est tout à fait l'esprit de la série. En tout cas, pour le premier épisode, quand on regarde le premier épisode, on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je pense que c'est le meilleur épisode de la série, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le reste. Tout est très bon, c'est juste que le premier épisode est au-dessus du lot, entre autres parce qu'il y a de la surprise, mais aussi parce qu'ils vont plus loin, je trouve, dans certains effets de style et dans l'humour, un peu vulgaire, un peu trash et aussi complètement what the fuck, notamment grâce à Nick Sachs, donc le héros qui est excellent, une sorte de Constantine en plus barré, donc c'est un mec complètement dépravé qui a un long manteau qui clope, qui boit, qui voilà, donc ça fait un peu penser à Constantine. Mais dans ses expressions, dans son comportement, donc c'est Christopher Meloni qui interprète ce rôle-là, qui fait vraiment des pures têtes de fou, des têtes très clownesques. C'est un acteur que vous avez pu voir dans Oz par exemple, la série New York Unité Spéciale aussi, c'est surtout de là que je le connais sans avoir vu un seul épisode de la série, mais c'est en zappant, on est forcément tombé sur sa gueule, et dans le domaine du comics et de l'adaptation du comics, il joue dans Man of Steel, il joue le gardien en fait, enfin il joue le guardian, enfin dans le comics c'est le guardian, mais en gros c'est un mec de l'armée, un pilote de l'armée de l'air qu'on voit dans Man of Steel. Qui a un petit rôle, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment Christopher Meloni qui m'a fait accrocher direct à la série, plus que le concept de la petite licorne bleue en synthèse, qui à la base, moi quand j'ai appuyé sur lecture, je voulais voir ça, je voulais voir cette petite licorne, ça avait l'air rigolo et tout, et en fait au final je suis beaucoup plus attaché et beaucoup plus attiré par ce que fait Christopher Meloni que par la petite licorne qui est très sympa, hein, cela dit, mais qui a moins, on va dire, de palette d'expression et de génie dans le jeu en fait. D'ailleurs, Christopher Meloni, donc je connaissais sa tête, mais j'ai mis longtemps avant de me rendre compte que c'était lui. Il est tellement maquillé et il se transforme tellement son visage que il m'a fallu deux ou trois épisodes avant de me dire ah oui, c'est vraiment lui, d'accord, très bien. En fait, c'est même plus que ça, c'est qu'on me l'a dit. On m'a dit bah ouais, c'est lui. Et j'ai fait ah putain, ok. Donc après, il y a des flashbacks, donc on le voit plus avec une tête assez. Plus naturel, on va dire, donc il se reconnaît plus, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de mal. Et d'ailleurs, en parlant de flashback, c'est ça qui est super. Enfin, c'est une des choses qui m'a fait accrocher aussi et qui est super intéressante, c'est qu'il y a vraiment une transformation du personnage. C'est un flashback qui date de plusieurs années, une dizaine d'années dans le passé. Et donc là, il a un comportement beaucoup plus normal, même si on sent le personnage borderline et compagnie, mais il n'est pas encore tombé dans la drogue et l'alcool à outrance. Et du coup, il a vraiment un jeu tout à fait différent, mais on reconnaît quand même le personnage et on sent vraiment l'évolution dans son comportement. Quoi. Ça, c'est des trucs super forts, je trouve. Ouais. Ça m'avait marqué, la fois où ça me l'a fait, moi, c'était avec True Detective, la saison 1. Exactement. Oui. Et c'est assez rare, je trouve. Enfin, moi, j'ai rarement vu ce genre de choses-là. Je pense que aussi c'est hyper casse-gueule. Ouais, c'est exactement. C'est pour ça que c'est rare, c'est casse-gueule. Exactement. Et là, c'est super bien. Ouais, c'est super bien fait dans cette série-là. C'est vraiment du génie, quoi. Donc on sent la différence du personnage et son évolution, donc c'est super cool. J'ai parlé des vannes aussi qui étaient surtout présentes au début de la série, mais vraiment il y a des passages où j'étais mort de rire, j'étais plié sur des trucs tout cons en fait, mais c'est tellement bien joué, bien dosé en termes de rythme et tout, que moi ça m'a fait exploser de rire. Donc je ne peux pas vous les dévoiler, mais à un moment il est dans un hôpital et en gros il doit s'échapper et là, il fait pipi. Le pipi, c'est trop gaulerie. C'est gênant. Oui. Et il y a un peu de ça, remarque, mais bref. Non, mais à un moment, il doit s'échapper et il se passe quelque chose et ça dure 2 secondes. C'est un gag, en fait. C'est purement pour faire du gag, mais ça, je trouve que ça marche trop bien. Bref, no spoil. Donc parlons peut-être de Happy, cette petite marionnette de synthèse qui est quand même l'élément central, on va dire, de la série. C'est le personnage principal. Mais non, justement, c'est Nick Sachs le personnage principal. Okay. Et c'est cool d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on veut. Mais la licorne en fait est là pour faire évoluer l'histoire, apporter un peu de gag. Il est là en soutien en fait, en tant que comic relief pour un personnage qui est un personnage comic relief. Donc c'est c'est un personnage le relief comique. Voilà, c'est ça en fait. C'est le personnage qui va apporter un peu de vanne et un peu de bonne humeur dans une série en fait, ou dans une œuvre. Mais ce qui est marrant, c'est que le personnage principal est déjà une sorte de comic relief en fait. Donc, mais ça en fait pas trop en fait. Ça fait pas un trop plein. Enfin, pour moi en tout cas, je trouve que ça fait pas un trop plein de vanne ou un trop plein de. Surtout que la Happy, donc cette petite licorne bleue, n'est pas là non plus que pour faire des vannes. Il y a des passages assez touchants sur qu'est-ce que c'est que d'être un ami imaginaire en fait. C'est con à dire comme ça fait bizarre, mais il y a plusieurs scènes où en fait il réfléchit à sa condition d'ami imaginaire. C'est assez touchant en fait, et c'est plutôt cool. Donc voilà, le fait que ce soit un ami imaginaire, du coup ça permet de légitimer le fait qu'il soit en synthèse, et en synthèse visible, on va dire. Je pense que c'est pas forcément un manque de moyens ou de la paresse. Je pense qu'ils ont volontairement accentué le côté cartoon du personnage, mais c'est vrai que sur certains plans, tu te dis que heureusement qu'ils ont pas essayé de faire un personnage réaliste. Je sais pas si je suis très clair, mais disons que la fusion des genres n'est pas aussi bien réussie que par exemple Qui veut la peau de Roger Rabbit ou des choses comme ça, c'est ça. Il y a peut-être un peu de ça, mais justement, comme il y a que le personnage principal qui peut voir la licorne, ça choque moins, on va dire. Voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que la licorne aurait été vraiment réelle et tangible pour tout le monde, ça aurait peut-être été plus dommageable pour moi. Hein. Là, c'est un avis purement personnel. Oui, genre les regards qui ne coïncident pas aux choses comme ça. Là, au final, il y a que le. Ça va encore, ça va encore. Non, je parle surtout de la texture du personnage en fait. La texture de Happy qui. Ouais, qui fait très synthèse, quoi, en fin de compte. Voilà. Mais, malheureusement, donc, alors, avec tout, donc, c'est vraiment une super série, hein. Enfin, c'est vraiment, surtout que, encore une fois, c'est 8 épisodes de 3 quarts d'heure, donc, il n'y a pas trop de ventre mou, on va dire, comme avec les séries Marvel, qui ont tendance, souvent, au milieu, à avoir 2-3 épisodes où c'est un peu long, ou enlever 2-3 épisodes, ça aurait pas été plus mal. Y a beaucoup de. C'est une critique qui revient souvent chez plein de gens à propos de plein de séries Marvel, Netflix. Mais... Ou plus de plein de séries en général. Oui, voilà. Souvent, il y a un ventre mou. Voilà. Et malheureusement, même si c'est pas le même type de ventre mou, Happy n'échappe pas non plus à cette règle-là. Notamment, et tu me posais la question, est-ce que ça se termine ? Oui, l'arc de la saison se termine. Mais. Comme beaucoup de séries, et parce qu'il faut appâter le spectateur, le client, et lui dire « Ok, c'est fini, mais attends, il y a la suite. » Eh bien, il y a un fil rouge en sous-intrigue qui s'installe, et la série se termine sur un suspense, avec une scène post-générique, on va dire. Un cliffhanger. Moi, qui me donne envie de voir la suite, ça marche, c'est un cliffhanger, ça marche, mais je me dis « Est-ce que c'est nécessaire ?» C'est un peu le syndrome Dirk Gently, pour ceux qui connaissent la série, qui voient de quoi je parle. Je vais pas spoiler, mais disons qu'à la fin de la saison 1, pareil, l'arc principal est terminé, mais gros suspense à la fin, et on nous invite vivement qui à continuer la série. Vraiment, et moi j'ai envie de savoir ce que deviennent les personnages. Oui, du coup, non, mais oui, voilà. Mais du coup, tu te dis, bon, ok, ils ont rajouté. Voilà. C'est exactement ce que tu dis, ils ont rajouté de la sauce. C'est ça, et bah c'est pareil dans Happy, et en fait, bah, pour Dirk Gently, moi j'ai vu la saison 2, c'était très chouette, mais est-ce qu'il fallait vraiment qu'elle soit là? Je ne sais pas. Et bien Happy, j'ai peur que ça fasse pareil, en mode, bah ouais, on va partir sur autre chose avec les personnages. Il y a des personnages, on sent que vous n'allez pas savoir comment les utiliser, parce que bah, c'est fini, mais il faut quand même les faire revenir. Enfin voilà, j'ai des gros doutes sur l'intérêt d'une saison 2, mais c'est Grant Morrison derrière, il a des idées barrées, et vu la fin de la saison, ça a l'air de partir dans un truc barré qui peut être intéressant, donc à voir. Je me pose la question, mais c'est tout. Enfin voilà, c'est dommage de se forcer à mettre à tirer sur la corde comme ça pour appâter le client et s'obliger à faire une saison 2, alors que la saison 1 marche très bien comme ça. Et il y a encore un autre une exemple fois, aussi. Trinum nous dit ou 13 Certain Reason Why. Voilà, pourquoi faire une saison 2 aussi, puisqu'il prévoit. Je pose tous la question. J'ai pas vu la série, mais ouais, ok. Voilà. Donc il raconte en gros l'histoire d'une fille qui Moi j'avais trouvé très intelligent la démarche de HBO avec True Detective, alors même si la deuxième saison est peut-être en dessous, etc. Non mais voilà, mais la deuxième saison n'a aucun rapport avec la première. Ça, j'avais trouvé ça très malin. Et tu n'as pas de cliffhanger à la fin de la une qui te dit de continuer. C'est différent, c'est une approche différente, moi que j'aime beaucoup. Mais j'aimais beaucoup cette idée, parce que du coup moi j'attendais vachement la saison 2 en me disant putain, mais en fait ça va être différent et ça va être trop cool parce que c'est la même série. C'est peut-être un mal de notre siècle. Si on regarde Stranger Things, au final à chaque fois c'est ça, on a une intrigue qui est vraiment gérée en une saison. Et puis les 5 dernières secondes, hop, c'est haha, en fait, c'est pas fini. C'est ça. Bah, c'est vieux comme le monde. Hein. On remonte il y a 10-15 ans, Desperate Housewives, la première saison, ça se finit la première, suspense, et puis enfin voilà. Je pense que c'est l'apanage des séries, on va dire. C'est vraiment en train d'évoluer pour moi, parce qu'il y a de plus en plus de séries qui ne jouent pas là-dessus, je trouve. Bah moi c'est pas l'impression que j'ai, mais j'avoue, moi c'est plutôt extrêmement garçon. Ouais, je trouve qu'il continue sur cette lancée là qui est logique. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Pour Détective, ça reste une super c'est quand on dit que c'est pas commun, c'est une exception, merci, je perds mes mots. Aussi marqué, oui, c'est clair, alors clairement. Mais après, le côté toujours vouloir en mettre une couche et terminer sur un cliffhanger, après moi c'est pas la série que je regarde, mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, je me trompe peut-être. Je pense. Genre typiquement la dernière série de Netflix qui est avec les deux gamins The End of the Fucking World, on est pas du tout, il y a pas du tout de cliffhanger à la fin quoi. Ah oui, non mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est une série, tu vois. Ouais, même le format est particulier, il y aura pas de saison 2 surtout. Oui, mais je veux dire, ils auraient très bien pu, parce qu'on sait pas si Happy aura une saison 2, c'est ça? Non, mais elle est faite pour pour qu'il y ait une saison 2, c'est ça, tu vois. On est d'accord. Ils auraient très bien pu se dire, bah tiens, on va faire tiens, j'ai envie d'adapter le comics à l'écran, j'ai pas envie d'en faire un film, on va en faire une série, une saison, point. Ouais. Ça aurait pu être ça. Et ils font un espèce de cliffhanger à la fin, qui est chiant. Ouais, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que ils te font un fil rouge tout le long, et c'est là où il y a des longueurs, c'est que tu as des scènes qui t'exposent le fil rouge en plein milieu de la série, mais dont on se fout un peu. Ah, c'est de ça que je pense que ça a rajouté. J'avais pas capté. Oui, par rapport au bouquin, tu veux dire. Je pense quasiment sûr que ça a rajouté. Parce que après, le problème, c'est que je l'ai lu il y a 6 ans. Ouais. Et donc, on en reparlera quand on aura vu la série aussi. Mais voilà, je pense que c'est rajouté aussi. Mais voilà, et c'est vraiment les scènes que j'ai trouvées le plus long. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout de ce que tu nous montres là. Reviens sur les aventures de Nick Sachs. Concentre-toi là-dessus et voilà. Et de temps en temps, ils partent sur autre chose. Et en fait, c'est juste pour amener à la fin de la saison avec cette fameuse scène et où tu dis d'accord, vous allez vous concentrer là-dessus pour la suite de la série. Très bien. En fait, c'est ce que font quasiment toutes les séries Marvel. En fait. Bien sûr, c'est pas nouveau. Non, mais toutes les séries Marvel, même beaucoup de séries d'une manière générale. Mais là, ça a du sens. C'est le principe même. Quoi. Je parlais de Dirk Gently aussi. Tu vois, c'est clair. Voilà. Même je suis d'accord que la fin de Dirk Gently, c'est vraiment genre. Ah bah il nous reste 10 minutes, tiens, on va dire voilà. Mais ceci dit, il faudrait voir les bouquins, mais c'est vrai que si... Est-ce que c'est très très très très différent. À part Dirk, j'ai eu le premier, à part Dirk, il n'y a quasiment aucun personnage commun. Ah oui d'accord, c'est à ce point-là, c'est juste inspiré quoi. Oui. Ça m'étonne tellement pas. Bref, on va pas parler. Et c'est vraiment à la hard boil, c'est-à-dire que Dirk il a son bureau, et c'est des gens qui viennent le voir. Ah oui d'accord, ok. Donc voilà, donc c'est mais malgré ce point négatif, foncez dessus. Oui, c'est un point négatif qui est quand même, comme on le dit, ultra commun. Et donc je pense que si t'aimes les séries, tu peux passer outre ce petit défaut quoi. C'est ça. Oui, absolument. Et puis aussi bien la saison 2 sera trop bien. Donc aussi bien il y en aura pas. Aussi bien il y en aura pas aussi. Mais peut-être, peut-être. Après, j'ai l'impression que ça marche pas mal. Donc je sais pas, mais cool. mais ouais. Et puis ça encore une fois, envie, en tout cas. Rien que pour l'interprétation du personnage principal, enfin c'est. C'est un bijou, enfin, c'est vraiment trop bien en fait. Je suis vraiment content qu'il ait eu que ce soit lui et qu'il ait eu un premier rôle aussi fort et marqué, on va dire quoi. À tel point que je me suis dit, alors ça c'est pour toute l'ambiance de la série, mais je tomberai un jour sur une peluche Happy, je me précipiterai dessus direct parce que, enfin voilà, pour montrer, l'exposer chez moi et montrer oui j'ai regardé cette série parce que franchement c'est super cool. Voilà. Cool. C'était donc le kiff du moment de moi-même. Et si vous êtes chaud et partant, je propose qu'on inaugure encore une nouvelle rubrique. Décidément, Wouh ce soir, on est tous, c'est la folie. C'est Armel, encore une fois, qui va c'est s'y moi. Coller. Avec. C'est moi. Comment ça s'appelle-t-il ? Retour vers le film. Retour. Retour vers le film. Merci, très chouette. Très cool. Je l'avais pas encore entendu. Et oui, on va parler de film, ça vous l'aviez compris. Et on va retourner sur un film. Alors, est-ce que vous aviez compris qu'en fait, c'est... Oui, c'est une review. Voilà, c'est tout en fait, c'est juste une review. Comment dire, la petite noisette. Astuce. Exactement, le petit truc en plus. Attends, oublie que j'ai dit astuce, finis ta phrase. La petite noisette, vas-y. La petite noisette sur le gâteau. D'accord, voilà, très bien. Oui, je sais pas. Hein, bon, c'est qu'on va essayer de parler de films un an après leur sortie, une fois que la hype sera retombée, qu'on aura revu. Le film en question. C'est intéressant, dis-je d'un air surpris alors que je savais absolument de quoi ça allait parler. N'est-ce pas ? Par contre, en vrai, je ne sais pas de quel film tu vas parler, que tu as vu, que tu as vu il y a un an. Alors qu'est-ce que ça pourrait être ? J'ai un peu triché. Ah. Parce que, exceptionnellement, je vais pas le faire. Les autres, j'en ai déjà... non, mais c'est vrai, j'ai déjà plusieurs prévus. C'est-à-dire que comme en plus, on n'a pas des dates fixes en termes de... Ça me choque pas que tu triches un peu. C'est pas pile poil. Non, mais surtout, ce soir, exceptionnellement, je vais vous parler de deux films, ce que je ne ferai pas au moins dans les trois prochains. D'accord. Oui, mais juste pour revenir, en fait, il y a environ 3 ans, j'ai lu une phrase de quelqu'un que j'ai trouvé très très intelligente. Comme je suis une grosse feignasse qui ne vérifie pas ses sources, je ne sais plus du tout qui était cette personne. Voilà, mais en gros, ça disait que on ne peut pas bien parler d'un film l'année de sa sortie. Ah oui. Et ça m'avait fait réfléchir. C'est vrai que bon, quelque part, on le voit qu'une seule fois, on a souvent pas le temps de le revoir immédiatement. C'est pris dans une hype. Souvent, il y a les feelings. C'est ça. Il y a du feelings. Il y a tout le monde en parle. Donc forcément, t'essayes soit de le défendre, soit de. Enfin voilà. Le ton monte et on se met à dire des choses qu'on regrette. Exactement. Ou exagérer. Si tu écoutes, j'annule tout. Oui. Voilà. Et donc l'idée, c'était de parler très rapidement. Hein, ça va être assez court. Deux films un an après leur sortie, qu'est-ce qu'il en reste au final, qu'est-ce qu'on peut en penser, tout ça. Et surtout de m'inviter à les revoir, c'est quelque chose que je ne faisais plus trop. Jusqu'à mes 20 ans, en gros, il faut savoir que je rematais énormément les films. C'était très très rare que... Donc tu t'invitais à regarder les films ? Je m'invitais à regarder les films. Donc tu mangeais deux fois plus que d'habitude. Exactement. C'était la blague. Ah, c'est marrant. Non, je regardais vraiment beaucoup les films plusieurs fois parce que c'était bien. C'était bien à parler. Ouais, ça parle bien ce soir. Merci Armel. Ok. Donc alors, est-ce que tu vas nous faire deviner le film ou est-ce que tu vas nous dire. Alors c'est quoi un film sorti il y a un an? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un gros animal poilu dedans? Oui. Non. Non, il y a pas de. Enfin, donc c'est pas Kong Skull Island alors. Parce qu'il est sorti en mars, je crois, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Tout à fait. Qu'est-ce que ça pourrait être Alors, je vais vous aider. Il y en a un qui est sorti fin mars et l'autre mi-mai. Oh là, ouais, bah non alors. Je sais pas. C'est deux films dont on a parlé pas mal. Ouais, bah d'accord. Donc, à l'opposé du prix. J'en ai forcément parlé dans les cinéma shop, du coup, je pense. Les deux. Qu'est-ce que ça pourrait être? Attends, si, les deux. La question, c'est par contre pas dans le même, je crois. Bah possible, ouais. Entre mars et mai, c'est forcément oui, pas c'est dans ça, le même. Oui, c'est ça, c'est le premier et le deuxième. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais plus. Lego Batman. Ah bah non. Il y en a un, c'était le premier de ton cinéma shop. Ouais. Le roi Arthur alors. Oui. Ah, Arthur, excellent. Le roi Arthur est sorti mi-mai, on va en parler. On va se pogner autour de la table. Ah oui, on va tous. Ah ouais. Oh, on va en foutre partout. Ouais. Ok. Alors et tout le monde va nous dire ah, ils ont mauvais goût et tout parce que personne n'a aimé le roi Arthur. À part 4 personnes qui sont tous rassemblées dans non, la même pièce ce soir. Aussi. On en a trouvé 2 autres c'est hier. Ouais. Formidable. Alors, d'accord. Donc... Non, globalement, en plus, on y reviendra après mais pour les goûts sur ce film-là. Mais il y a plein de gens qui crient au scandale, mais aussi beaucoup de gens qui crient au génie. Hein. Oui, j'ai eu beaucoup de retours. Mais ces gens sont donc très froids. On en reparlera. S'ils crient au génie. Cette blague était vraiment. Je viens de comprendre. D'accord, j'y étais pas du tout. Okay. Et l'autre film est une adaptation. Très bien. Et ou un remake d'ailleurs plutôt. L'héroïne. Ok, je l'ai, c'est bon. Ferait mieux de se concentrer sur le gros bonhomme vert plutôt que sur ce film-là. Oui. Ah oui, bah oui, je oui, l'ai oui, du oui, coup. Oui, oui. Ok, donc c'est Ghost in the Shell. C'est Ghost in the Shell. Ah. Exactement. On va parler de Ghost in the Shell. Ta grande histoire d'amour. Ouais. Ah bah oui. non, très rapidement, je vous promets de faire court sur cette idée de revoir le film. C'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à le faire. Revoyez les films. Je trouve que c'est relisez les choses. C'est vraiment quelque chose d'important. Je sais que c'est dur parce qu'il n'y a pas le temps, tout simplement. Parce qu'on c'est chiant. On vit dans une époque de merde. Mais je trouve que c'est vraiment très important. Dans une première vision, il y a souvent des tas de choses qui nous échappent. Il y a des choses qu'on croit avoir compris et qu'en fait non. Et il y a surtout des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas compris. Bref, voilà. Non, mais c'est très juste. Prenez le temps. Limite, voyez moins le film, mais voyez-les bien. Tous ceux qui font des critiques ciné sur Internet, c'est tous des connards. C'est exactement ce que j'ai dit. Absolument. Et donc, je vais vous parler de Ghost in the Shell et du roi Arthur. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ils sont à l'opposé de mon prisme de goût des films que j'ai vus l'année dernière. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je suis sorti de Ghost in the Shell et j'ai dit je crois avoir passé l'une des pires séances de ma vie. Je pense que j'ai passé l'une des pires séances de ma vie. Le film méritait-il ce jugement ? Non, bien sûr que non. Mais voilà, on y reviendra. Et le roi Arthur, j'ai surkiffé ma race. Et en le revoyant, j'ai vraiment surkiffé ma race. Moi-même, la quatrième et la cinquième fois, j'ai kiffé ma race aussi. Il n'y avait aucun problème. Mais voilà, les deux ont eu des accueils aussi très très très différents. Oui, bah oui. Qu'au final, les deux en fait sont malheureusement quasiment déjà oubliés. Ouais, même Ghost in the Shell. Même Ghost in the Shell. Ok, bon, ça me gêne moi. Je rapidement des tout petits. Moi, chiffres. Je dis ça, moi j'ai bien aimé. Tu as lui a donné la note de 10 sur 20. Ouais, on va oublier les notes, mais voilà, pour moi c'est un film moyen. Donc j'ai bien aimé, mais voilà. Mais je comprends. Je reviendrai très rapidement sur raison pourquoi moi j'ai passé une séance aussi merdique. C'est et aussi pourquoi moi maintenant je me dis bah non, j'aime toujours pas ce film, mais bon, ça va. Oui. Ouais. Ouais. Rapidement en chiffres, King Arthur, je crois que c'est The Legend of the Sword, c'est ça, a fait 148,7 millions de chiffres d'affaires. Alors je crois que ça prend la vente des. Tu peux répéter ce chiffre? 48 millions 100. 148,7 millions. Ce qui est pas beaucoup, hein, mais. Chiffre d'affaires. Ouais. Je crois que c'est. Alors je sais plus, il faudrait que je fasse le budget. Boulot, mais que c'est juste du. Non, le budget de 175 millions. Donc il est en déficit. Voilà. Et très surprenant, ça m'a énormément surpris. Ghost in the Shell a fait 169,8 millions. Donc on n'est quand même pas des masses au-dessus. Et surtout, même si King Arthur a fait. Ah, en recettes 169 en recettes, millions ouais. de recettes, ok. Et donc même si le roi Arthur avait fait en fait autant de recettes, il n'aurait toujours pas été rentabilisé. Parce que Ghost in the Shell n'a coûté que, avec des énormes guillemets, 85. 110 millions. Merde. 110 millions, d'accord. Assez surprenant, parce que quand on les regarde, ils sont quand même tous les deux assez forts en. Je dirais, moi, j'étais quasiment persuadé que Ghost in the Shell était beaucoup plus cher. Oui, oui. À oui. cause de beaucoup, beaucoup d'effets visuels. Oui. Le dernier Rampage, par exemple, avec Dwayne Johnson, a coûté plus de 150 millions. D'accord. Entre 150 et 180. Et il va sûrement en faire 300 ou 400 millions. Si je dis pas de bêtises, à vérifier. Mais voilà. Oui, il a dépassé les 300 millions là. C'est très bien. Est-ce que ce monde peut s'autodétruire maintenant ? Oui, ce serait bien. Ghost in the Shell ? Pardon ? C'est très vite trashé à sa sortie. Quelqu'un dit ça sur le chat, c'est ça ? Okay. trash, c'est-à-dire qu'il s'est fait... Il s'est fait descendre par les critiques peut-être. Ah bah trashé pour moi, oui. Trash talk. Oui, oui, en effet, trashé, je sais pas si... Moi, j'ai pas eu cette impression-là, mais... Bon, après, bref. Mais sans doute, oui, sans doute. Bah, moi, toutes les discussions que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'était pour le descendre, mais après... Ok. Bon, bah, ok. J'avoue, je regarde pas trop les critiques. Donc, Ghost in the Shell, très rapidement, comment est-ce que je peux faire un résumé rapide ? Dans le futur, une unité de police chargée de gérer la cybercriminalité. Nous sommes dans un monde où il est possible de télécharger, comment dire, dans certaines limites, sa conscience. Il y a des corps robotiques, etc., etc. Bref, nous sommes dans du cyberpunk absolu. Et nous allons suivre une étrange enquête à bord d'un cyberhacker qui prend possession de robots pour tuer des gens. C'était l'instant résumé. Et donc, l'héroïne, c'est le Major, joué dans le film par Scarlett Johansson, avec une superbe plastique. Et quand je dis plastique... Puisque elle est en plastique... C'était la blague. Voilà. qui est un cyborg, donc avec une conscience qui ne se souvient pas du tout de son passé. Et ça va être évidemment... Tout l'enjeu de ce film de, du scénario formidable. Voilà. C'est un remake donc du film sorti en 1994. Merci, je crois. Je sais plus. Film d'animation. Je sais plus si c'est 13 ou 14. C'était le film d'animation, tout à fait. Sorti début 90. Voilà. De Mamoru Oshii. C'est quasiment le même pitch, sauf que on s'en bat la race du passé de l'héroïne. Dans l'anime. Oui. Rien à carrer. Mais alors, d'une puissance. C'est ça que j'étais en train de me dire. Moi, j'ai pas vu le film, j'ai juste vu l'anime. J'étais là, putain, je me rappelle même pas de on ça. On s'en fout. Mais parce, qu'il... parce, que je crois, parce qu'en fait, elle le connaît, je crois, son passé. C'est pas du tout okay. important. Puis oui, qu'on en a rien à foutre. Le film d'animation dure 1h15. Le film de 2007 dure 1h45. On pourrait se dire, avec une demi-heure de plus. Le film doit être quand même sacrément plus chargé. En scène d'action, oui, en effet, sacrément plus chargé. Globalement, le remake suit quasiment la même trame, c'est juste qu'il rajoute beaucoup de scènes. Moi, personnellement, c'est un avis purement subjectif, que j'ai trouvé inutile et en plus qui desservait le film. Je vais parler sans spoiler si possible... Mais voilà, en gros, non, genre, j'en parlais un tout petit peu. En gros, à un moment donné, il y a une scène, elle rencontre un docteur qui fume beaucoup. Voilà, ça va permettre à ceux de repérer. J'ai oublié. Pour aller se projeter dans le corps d'un cadavre qu'ils ont trouvé. Pour aller, tu sais, genre, un peu de police classique. Ouais, ils ont trouvé, voilà, c'est leur manière d'enquêter, donc ils y vont. La scientifique dit, ah, quand même, c'est pas très très cool. Et elle fait un truc avec ses yeux. Et donc, on comprend que c'est un cyborg. Voilà, spoil terminé. Cette scène, donc, c'est une scène tirée du deuxième film, Ghost in the Shell 2, le deuxième film d'animation qui est sorti en 97, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est possible que je dise une grosse bêtise. Et cette scène représente exactement pour moi le problème du nouveau film, c'est que donc, dans Ghost in the Shell 2, cette scène, moi, m'a énormément touché, je la trouve très puissante. En fait, c'est un échange entre Batu, qui est joué par un acteur que je ne connais pas, dans le film, c'est un mec un peu costaud, les cheveux blancs. Ben Affleck. C'est Bruce Wayne, mais c'est le surnom que le Joker lui donne. Bah oui, merci, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Allez mourir. J'ai fait une vanne plus poussée, mais oui, c'était la même. Je vais pas mettre le jingle. Là. Voilà. Non. C'est mieux de le laisser comme ça. Et donc, entre cet homme et un autre agent de police, qu'on dirait un jeune, donc c'est le duo classique, parce que le Major n'est pas là à ce moment-là dans cette scène. Mm-hmm. Le duo classique, hein, du vieux briscard et du jeune qui s'essaye. Donc ils discutent avec cette... Là, je parle du film d'animation. Ils discutent avec cette scientifique. Ils ont un échange très poussé sur la parentalité et l'enfance. La scientifique a plein d'arguments pour l'enfance, alors que les autres se posent la question encore aujourd'hui, pourquoi faire des enfants d'une manière traditionnelle, etc. Et la scène finit, on découvre que c'est un cyborg. Et j'ai toujours trouvé que ça avait une puissance. C'est-à-dire qu'elle fait un truc, en gros, elle se décapsule les yeux et elle se branche un truc. Et j'ai toujours trouvé que cette scène avait une force incroyable de juste ce petit truc-là, sans rendre compte qu'en fait, elle est entièrement cybernétique et que donc, de toute façon, elle n'aura jamais d'enfant. De manière naturelle. De manière naturelle, j'avais trouvé ça fantastique. Dans le film, il y a exactement la même scène où elle se décapsule les yeux de la même manière et se branche un truc, sauf que c'est juste joli. Et ben voilà, pour moi c'est exactement le problème en fait de c'est clair. Ils vont réutiliser quantité de plans et vraiment le plan, l'image, comment dire, du premier film, en enlevant en fait le sens qu'il y avait dans le premier. Et ce qui me gêne surtout, parce que jusque là tu pourrais dire bon ok pourquoi pas, sans en rajouter. Et c'est vraiment ça, au final, pour moi, qui me reste de ce film-là. Je me dis, bon, bah écoutez, vous avez voulu faire un remake. Pourquoi est-ce que vous avez à ce point rien rajouté? Pourquoi est-ce que. Avec c'est pire que ça. Une demi-heure de plus. C'est même pas un remake, c'est une adaptation pour le coup, puisque c'est une adaptation de l'animé en live action. C'est exactement la même histoire. Oui, c'est pour ça que je te dis que c'est une adaptation. C'est pas un remake, tu peux te permettre de. De changer un élément, un truc. Robocop, par exemple. Tu prends Robocop, c'est un remake, et il s'axe pas sur les mêmes problématiques et tout ça. Ouais, tout à fait. Bon, ça peut être un peu le cas, vu que là, il s'accentue beaucoup sur le passé de. Mais cela dit, je suis d'accord avec toi. Le film est vide, et encore une fois, moi, ce que j'ai kiffé dans l'animé, c'était tout le propos philosophique sur l'intelligence artificielle que je trouvais poussé, hyper intelligent, qui te faisait te poser plein de questions toi-même sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Enfin, c'est mortel. Fou, sur la vie même, d'une manière générale, effectivement. En 1h15. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, on est d'accord. Et y a plein de trucs qui m'ont gêné dans l'animé, que je trouvais brouillon et tout ça. Enfin, voilà. Mais les dessins, l'animation est mortelle et tout. Et puis ce propos-là, enfin, rien que pour ça, il faut au moins qu'on s'y intéresse, quoi, à cet animé-là. Et effectivement, le film de 2017 est très très joli, pas tout le temps, il y a 2-3 plans un peu bizarres, bon, mais globalement j'ai pris mon pied visuellement. Voilà, mais effectivement l'évitation au-dessus d'une tombe, c'est ça à la fin. Ouais. Mais globalement oui, c'est vide de sens en fait, et oui, c'est clair, voilà. Clairement je m'en suis rendu compte, j'ai fait l'erreur en fait. Le problème c'est que Ghost in the Shell, je le rematte, comme il dure 1h15 en fait, je le rematte très souvent. Je dois être à ma 10e visionnage, et sachant que j'allais voir le film, en fait, je l'ai rematé la veille. Donc j'avais vraiment toutes les images en tête, et comme tu dis, c'est très joli, entre autres parce que ce sont souvent beaucoup de plans, en fait, tirés de l'animé original, mais genre dans la même, composition. Ouais. Et du coup, j'aurais eu, comment dire, je me souviendrais un petit peu moins de l'animé, forcément, je pense que je me serais pris au côté très visuel, parce que c'est vraiment le cas, le film est joli. Je pense que le mot est juste joli, d'ailleurs je le trouve pas particulièrement beau, je le trouve joli. Je pense que je me serais beaucoup plus laissé happer. Ça n'a pas été le cas, et je n'ai vu à chaque fois que des images tirées de l'original. Sans rajouter quelque chose. Et en plus de ça, c'est très peu de personnes au final, c'est 4 personnes si je me trompe pas, mais qui m'ont fait toute la même phrase après coup, qui m'a un petit peu terrifié, c'est « de toute façon, l'original, je le regarderai pas, donc dis-moi ce qui va être différent. » Et là, ça fait mal au cul. Mais bon, au final, voilà, le film a fait son petit fric. Il va, à mon avis, pas marquer les esprits. T'as les recettes de celui-là ou pas? Oui. 169, quasiment 170. Il a coûté 110 millions. Oui, voilà. Au final, il a pas beaucoup marché. Hein. Non. Il a pas si bien marché que ça. Non, c'est sûr. Bon. Voilà, le problème, c'est qu'a priori, ça les a pas refroidis pour faire d'autres choses, et que ils sont partis pour adapter Gunm. Mais bon, je vous en reparlerai du coup. Est-ce que je vais passer ma 3e pire séance de ma vie? C'était quoi la première? La première, c'est Ghost in the Shell. La deuxième, c'est Lucy. Ah oui, ok. Ouais. Très bien. Que je continuerai à descendre ce film, par contre là j'en ai rien à foutre. Très bien. C'est parce que j'ai toujours pas eu le courage de le revoir alors que j'ai revu Ghost in the Shell. Ah et, oui, parce que du coup tu as vraiment revu les films un an après. Pour pouvoir en reparler près, quoi. Oui, non, mais c'est bien. Très bien. Voilà, au final, ça, comme j'ai dit, c'est une coquille vide. Bon. C'est dommage quoi, vraiment en une demi-heure en fait, ils arrivent à rien rapporter de plus. Au final, et enlever des choses. Enlever des choses. Au final, on se retrouve en fait tout simplement avec un personnage à qui une organisation a enlevé le passé et elle va rechercher ses mémoires c'est et se venger. Oui. Et on est très loin de la réflexion en fait sur l'intelligence artificielle, où le peu qu'on a est au final un message vieux de 30 ans quasiment. Ouais. Tout à fait. C'est dommage parce qu'en restant très accessible, je pensais qu'ils auraient pu faire quand même mieux que ça. Voilà. C'est sûr. Bon. Allez, la branlette. Allez, la branlette, là. Là, je suis chaud, là. On va parler de quoi? T'as la musique un peu? T'as des trucs pour nous ambiancer? Non, mais si jamais... Oui, je change ça. Oh, formidable. Bon, non, bah, parce je vais commencer. Que... Donc, King Arthur, qui est un film de Guy Ritchie. Je vous invite à aller voir une vidéo un petit peu toute pérave d'un gros connard. Comment dire? Le Cinéma Shop numéro 2, voilà. Bon. Mmh. Oui. Et il vous en parlera. Je voulais juste parler... Oui. Oui, comment dire, d'une des choses qui a marqué en fait au moment où le film est sorti, c'est que donc adaptation du mythe arthurien, ce fameux entre parenthèses mythe arthurien, et donc énormément de personnes ont détesté le film parce qu'il n'était pas, il respecte pas le mythe, il n'était pas fidèle au mythe qui est unique. Il y a une histoire du roi Arthur qui voilà donc, une seule voilà. Et donc celle de Merlin l'Enchanteur de Disney. Exactement. Donc on va arrêter de se branler la nouille et de faire des écarts. C'est bon ça. Ça c'est bon. Oui. Très bien. Oui, non, en fait c'est vraiment quelque chose qui est revenu, donc je vais essayer d'en profiter parce que évidemment à ce moment-là j'ai été comment dire. C'est un petit peu sec, j'ai envisageable que j'ai insulté 3-4 personnes à ce moment-là, quand j'essayais d'expliquer, mais bon, je vais essayer de ne pas le faire, là, maintenant, j'essaie d'expliquer. Il n'y a pas de mythe officiel du roi Arthur, c'est une légende, en fait, c'est marrant. C'est quelque chose qu'on s'est construit. C'est une légende. C'est une légende, tout à fait, c'est même plusieurs légendes. C'est énormément de légendes. À la base, en fait, ce sont plusieurs légendes celtes et de tous les autres peuples qui habitaient au nord de l'Europe à ce moment-là. Et comme je suis historien, je les connais. Ah là là. Enfin bon, bref. En allant sur Wikipédia, j'ai compté pas loin de 7 histoires différentes avec ce mythe du roi, pas forcément nommé Arthur d'ailleurs, mais globalement avec une épée et tout et tout. Et aux divers éléments qui pouvaient se retrouver. Ensuite, il y a eu Chrétien de Troyes qui a récupéré tout ça et qui en a donné une version catholique, en fait, chrétienne. Mmh. Avec le Graal. Avec le Graal, il a inventé le Graal. Oui, c'est ça, le Graal n'existait pas au début. Il faut bien comprendre que c'est une réappropriation religieuse qui n'était pas avant, en fait. Et que c'est purement de l'écriture, hein. Il a inventé et tout, parce que c'était ce qu'il fallait, de toute façon, c'était de ce qu'on lui a demandé, de reprendre des récits, d'en faire quelque chose de construit, et il l'a plutôt très bien fait. Ça fait une adaptation qui, elle, a eu du succès, parce que sinon, on te coupait les couilles, donc fallait que... Oui, c'est vrai. Et ensuite, évidemment, en Angleterre, il y a eu plusieurs auteurs qui ont repris le mythe, qui ont sorti divers romans, il y a plusieurs cycles de romans qui existent là-dessus, et évidemment, ça a été repris de multiples fois au cinéma. On peut penser à Ivanhoé, Prince Vaillant, Lancelot du Lac, Star Wars. Oui, tout à fait, Star Wars. Ouais. Oui, Star Wars. Pourquoi Star Wars? Star Wars, c'est le monomythe de base, et puis bah, typiquement le sabre laser, tu vois. Enfin, il y a beaucoup d'influences arthuriennes. Ah, oui, enfin, okay. pour ceux qui ont vu l'épisode 7, je veux dire le sabre dans la neige, quoi. Juste, voilà, quoi. Mais oui. C'est bon, c'est très la musique. Ça c'est. Voilà, en fait, tout le monde peut se réapproprier le mythe et y chercher des choses personnelles. Mais un petit réalisateur a un jour sorti, à mon avis, c'est ça vraiment qui a fait que, a sorti un petit film appelé Excalibur, qui a réussi à reprendre énormément en fait de morceaux. Des mythes qu'on connaissait, de les a mixés en fait de façon très maline. On sortit un film qui encore aujourd'hui moi me sidère, mais c'est peut-être parce que je l'ai vu beaucoup étant petit et que ça me faisait rêver. Voilà, si vous n'avez pas vu Excalibur de John Boorman, allez-y, foncez. Je sais pas si tu comptes en parler, mais Beats, l'émission Beats sur c'est Arte, je crois, qui fait oui, ça. Oui, je voulais l'évoquer, mais vas-y. D'accord, a sorti une super émission qui résume tout ça sur. Qu'est-ce qui est canonique et est-ce qu'on peut toucher à quelque chose qui est censément canonique? Il y a ce mot-là, le mot canon, canonique, oui. Dedans. Je ne sais plus le titre exact, mais voilà. Beats canon ou canonique, vous devriez trouver. Voilà. Et l'émission est super intéressante, très bien faite, et vous prouve par A plus B qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se branler la nouille sur des histoires qui sont censément uniques, auxquelles il ne faut pas toucher. Et en particulier quand on parle du roi Arthur, où il n'y a rien de vraiment canonique, en fait. Exactement. Donc, voilà. C'est le gros avantage, c'est que c'est même une force en fait. Après, c'est intéressant parce que en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu fasses les deux à la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans Ghost in the Shell, toi, t'as pas du tout aimé comment ils se sont réappropriés le truc. Oui. Alors que dans Le Roi Arthur, tu t'en fous, tu trouves ça. Je sais pas si tu trouves ça bien ou pas, mais. Tout à fait. C'est pour ça que je précise que Ghost in the Shell, c'est vraiment un avis purement subjectif. Ah oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ce que je voulais surtout parler du fait que moi, j'avais réussi à me calmer, en fait, par rapport à ça, alors que j'étais dithyrambique qui est un peu bouché à ce moment-là. Mais au-delà de ça, je pense sincèrement. Enfin, on peut trouver des défauts. On peut trouver des défauts à Ghost in the Shell en tant que film, en tant que tel, voilà, et pas, bah tu, et pas voilà. En tant qu'adaptation. Merci. Mais ce qui est pareil pour Le Roi Arthur. Hein, mais on c'est est exactement d'accord. Là-dessus et, que je voulais. Et moi, ce que j'aime dans Le Roi Arthur, ça n'a rien à voir avec une quelconque idée d'adaptation. C'est vraiment le film en lui-même que j'aime beaucoup pour tout un tas de raisons que je pourrais évoquer et qui me sont propres. Mais en termes d'adaptation, j'en ai putain de rien à foutre que ça respecte. Enfin, je veux dire, Kaamelott, c'est trop bien. On va jamais dire à Alexandre Astier, ouais, tu fais de la merde avec l'univers et tout ça. Enfin, voilà, ah bah, il y a des tas de gens qui l'ont parce fait. Que, oui, non, mais voilà. Mais parce que la série est bonne et, enfin, c'est, enfin, voilà, et qu'elle a un accueil critique, qu'elle a un super accueil critique et voilà. Mais je, enfin, au bout d'un moment, faut qu'on arrête quoi. Bien sûr. Alors qu'au contraire, je trouve que c'est une force. On a justement ce mythe dont on peut presque tout faire, réussir à se le réapproprier, le réinventer. C'est-à-dire, si on fait bien les choses, dans deux siècles. Alors non, ce sera pas le cas parce qu'on sera tous morts. Mais imaginons qu'on arrive tous à aller sur une planète. Dans deux siècles, on pourra encore réinventer des histoires sur ce mythe. Je trouve ça fantastique. C'est quand même un mythe fabuleux de fraternité, de recherche d'un idéal. Enfin, c'est trahison, de dragon. Voilà, quoi. Puis il y a une épée magique. Et voilà, tout, une épée magique. Tu fermes ta gueule. Et une dame dans un lac. Ah. Voilà. Ouais, non. Ouais, je sais pas. Maintenant. mais voilà, à mon avis, moi je sais que j'ai beaucoup de personnes de ma génération qui ont donc vu Excalibur de John Boorman et qui considéraient que c'était vraiment the adaptation, alors que le mec prend des libertés de fou dans tous les sens, quoi, et c'est pas grave, le film est trop bien, moi j'ai adoré, et j'adore King Arthur, qui sont deux choses différentes. Ouais. Comme tu dis, en fait, il faut juger un film sur ses qualités en tant que film. Mmh. Même si j'ai adoré qu'on ait tous les quatre autour de la table, le scénario de Roi Arthur, pour moi, c'est un vide intersidéral. Je me suis éclaté sur le reste. Juste avant de revenir sur le scénario, je vois aussi, j'ai vu aussi plein de critiques en tant que telles qui critiquaient le film plus que l'adaptation. Et enfin voilà, je vais pas dire que le film n'a pas marché parce que c'est une mauvaise adaptation. Enfin, parce que les gens ont pensé que c'est une mauvaise adaptation. J'ai vu tout un tas de personnes critiquer le film sur des choses factuelles en tant que film, du genre les effets spéciaux sont à chier. Le montage est à chier, enfin voilà, des trucs personnels, on va dire, que les gens n'ont pas aimé, mais qui étaient en dehors du fait d'adapter. Rien. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est, je pense que c'est avant tout pour ça que le film n'a pas marché aussi, parce que les gens pensaient que c'était de la merde, purement et simplement, au-delà du fait que ce soit une adaptation. Oui, ce qui pose une question, c'est le rapport des gens à la fantasy en France, quoi. Enfin, dans le monde même d'ailleurs, parce que là, techniquement, ce sont des chiffres. Je trouve ça assez fou. Que Warcraft, est beaucoup beaucoup beaucoup mieux marché que Excalibur, alors que le roi Arthur, alors que ce sont, enfin moi je préfère large, j'ai pas détesté hein, Warcraft. Non moi non plus, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai passé un truc. Mais c'est hyper classique quoi. C'est hyper classique. Si on parle des effets visuels, oui. Bon, y en a certains quand même qui gênent. Et si on parle de montage, il y a quand même plusieurs batailles que j'ai trouvées assez illisibles. Voilà. Si on veut trouver des choses, par exemple, en lien, je trouve ça assez fou qu'il y ait autant un écart de réception en fait, du public entre ces deux œuvres-là. Et peut-être aussi parce que, justement, Warcraft, c'est classique et que les gens ont vu ce qu'ils voulaient voir et ils s'attendaient à voir de la fantasy à la Seigneur des Anneaux en un peu plus cheap, on va dire. Et bah, c'est ce qu'ils ont eu. Et le roi Arthur... Pop-rock. ouais, voilà. Et ouais, bah, le roi Arthur... Ah, j'ai envie de voir une histoire de chevalier et tout. Ouais, c'est un peu bizarre. Il a une coupe au carré et tout. Enfin, il est pas. Il fait un peu moderne dans le style. Bon, ça a pas l'air d'être super fifou. Et effectivement, le film prend des libertés monstres sur la fantasy en elle-même, en fait, et sur ses codes et tout ça. Et du coup, forcément que ça a pas plu. Du coup, il est tout à fait possible que je regrogne en septembre quand le prochain film Robin des Bois va sortir. Et j'attends de voir le retour du public. Ouais, va falloir voir comment c'est vendu aussi, comment la bande annonce arrive aujourd'hui. Ouais, le marketing qu'ils vont faire autour, comment les gens vont le réceptionner, combien ils vont gagner. C'est pas un coup de cœur. Ok. très bien. Donc voilà. Mais ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on... Parce qu'au final, on en parle depuis déjà un petit moment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux films? Et, enfin, en tout cas, moi, ce que je vais en retenir, il faut se souvenir de l'un comme une curiosité qui mérite le coup d'être vu. Alors que l'autre... Ça, c'est le roi Arthur. Oui, alors que l'autre, ouais. En fait, je vous conseillerais encore et toujours de revoir l'original, ne serait-ce parce qu'il dure 1h15. Et qu'au final, il apporte tellement plus de choses et d'originalité. Et vu qu'on parle du roi Arthur et des mythes arthuriens et tout ça, moi, je me permets de balancer juste deux trucs. Si les gens ont l'occasion, je crois que tu l'as vu aussi, Hermel. Il y a un super téléfilm, vieux film anglais, il me semble, avec Sam Neill, qui s'appelle juste Merlin. Ah ouais, ouais. C'est mortel, ouais, ça. Qui est grandiose. Ah ouais, c'est trop, trop bien. Vu, et qui, pour le coup, justement, se réapproprie totalement le mythe tel qu'on connaît au cinéma. Et c'est fabuleux, la manière dont il est adapté, excellent. Oui. Je sais que j'avais connaissance que de Merlin l'Enchanteur, donc, parce que j'ai vu ça quand j'étais gamin. Ouais. Et je suis tombé sur ce film-là, je fais putain, mais c'est ça pas, ressemble du, pas tout. Du tout. Voilà, c'est trop bizarre, mais j'ai trop kiffé. J'ai adoré ce truc-là. Il y avait de super idées visuelles. Des super l'idée trucs. De la montagne qui prend Excalibur dans son poing pour la garder. Il y a trop de choses. Il y a la manière dont la sorcière elle se déplace aussi, en accéléré. Enfin, moi, il y avait des trucs. J'étais soufflé quand j'étais gamin. Je fais oh putain, c'est trop bien. Et je l'ai beaucoup vu. C'est un de mes films cultes. Et c'est vraiment énorme. C'est vrai que ça a vieilli. C'est un peu cheap en termes d'effets spéciaux. C'est un téléfilm en plus, donc voilà. Mais ça va, ça s'en sort pas trop mal. Je suis tombé sur la fin. Il y a quoi? Il y a quelques mois de ça. Il est passé à la télé et en zappant, je suis tombé sur la fin. Et en vrai, alors ça a vieilli, mais les effets spéciaux que j'ai vus à ce moment-là, j'étais ah ouais, d'accord, et bah je pensais que ça aurait été bien pire que ça. Moi aussi, ça reste bon, voilà, faut pas le dire, quoi. C'est un film de son époque, mais c'est mortel. Merlin, Merlin et l'enchanteur. L'autre truc, du coup, c'est un bouquin de René Barjavel qui s'appelle L'Enchanteur, qui est juste extraordinaire. Alors là, pour le coup, pareil, ça revisite complètement le mythe de Merlin. Non, je confonds. En gros, le délire de l'enchanteur, c'est qu'il a passé énormément de temps à compiler des bouquins, à faire des études bibliothécaires, etc., sur quel est le personnage de Merlin, qui est Merlin, et il réinterprète Merlin, c'est-à-dire qu'il raconte le début de la vie de Merlin, et il fait toute l'histoire de Merlin. Et sauf qu'il se réapproprie totalement le mythe en compilant des choses et en refondant, et c'est franchement, c'est grandiose d'avoir poussé le personnage jusque-là. Déjà, le concept de base, dès les premières lignes, tu le comprends, Merlin est l'enfant du diable. C'est assez dément. Ah, stylé. J'ai pas vu du tout, mais me fait penser Ça fait... C'est le... Oui, dans Camelot, dans Camelot, c'est l'enfant d'un démon, par exemple. Ouais, enfin, vraiment, en effet, du diable d'un démon, mais ça fait partie de Chrétien 3. On est d'accord. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément des trucs qu'on a eu dans Merlin l'Enchanteur, qu'on n'a pas eu dans Le Roi Arthur, qu'on n'a pas eu dans machin. Et en fait, c'est des marqueurs qui, effectivement, ont été écrits, sont, entre guillemets, vrais, même si on peut pas dire quelque chose est vrai ou faux là-dessus. Mais c'est intéressant parce que, du coup, moi, typiquement, j'ai découvert ça avec L'Enchanteur de Barjavel. Ça marche. Ça me fait penser, je ne l'ai pas vu du tout, mais ce que tu me dis, réinventer l'histoire de Merlin tout en reprenant des codes et tout ça. Il y a une série aussi, oui, Merlin. Tout à fait. Et ben voilà, encore une preuve que quand même les gens ils font un peu. Qui a plutôt été été bien reçue. Alors que très pour le reçu, coup, ouais. Merlin, c'est un genou, je sais pas quoi. C'est peut-être pas les mêmes gens qui regardent aussi. Peut-être, ouais, c'est ça. Je sais pas, ça quand même. C'est ça. J'aime pas non plus me faire les gens et les mettre tous dans le même panier. Je vais pas dire que ceux qui critiquent, par exemple, le roi Arthur, ont aimé Warcraft. Peut-être qu'ils ont détesté Warcraft aussi derrière. Donc j'en ai aucune idée. Donc voilà. Mais peut-être que les gens qui ont adoré Warcraft sont même pas allés voir le roi Arthur et n'en pensent rien. C'est ça. Et pareil pour la série Merlin. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand même de se dire la série Merlin marche alors qu'elle revisite les codes. Moi, je pense que le roi Arthur, ça revisite totalement. C'est une question de forme plus que de fond, en vrai, je pense. Ah bah la forme, c'est ce qui fait le bijou. Et les bijoux, souvent, quand on les voit et qu'on n'est pas habitué à voir un bijou un peu nouveau, on dit que c'est moche. Exactement. Parce que pour le coup, la série, bien que un peu longuette sur certains épisodes, est quand même très maligne sur plein de trucs. Moi, j'ai pas accroché du tout, mais pourtant, j'adore comme toi ce que tu disais. Enfin voilà, moi, c'est un mythe qui fait partie de mon enfance. Enfin, je pense qu'on l'a dans l'ADN aussi de notre génération. Et j'adore, et je voulais vraiment regarder cette série. J'adore les séries anglaises, j'adore les films anglais. Et je sais pas, ça m'a saoulé, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment trop le monstre de la semaine. C'est vrai. Mais je me dis qu'il faudrait que je persévère, quoi, parce que il y a que des super échos. Je pense qu'à la fin, doit y avoir une certaine. Ça doit être plus. Oui. Bah, en fait, surtout qu'il condense tout, en fait. Il condense vraiment tout à la c'est fin. C'est intéressant ce que tu dis, Valentin. Ouais, non, pardon, mais ça doit être plus. Il doit, c'est à, voilà, à la il doit suivre une histoire. À la fin, eh putain, ça fait 3 heures de podcast. Putain, oh merde. Ah non, de Dieu. Bon, pardon, j'ai failli te tuer. C'est vrai. Donc voilà. Non, non, c'est, en fait, c'est comme... du coup, on saura jamais ce que j'ai voulu dire, moi non plus. La comparaison n'est pas forcément flatteuse, mais c'est comme un peu Smallville. C'est-à-dire qu'au début, ça se voulait être que l'enfance, et en fait, ils refont l'intégralité. C'est bah, là, c'est exactement ça. À la fin, cool. Il y a tout, en fait. Il y a plus de fil rouge, il y a plus de d'histoires suivies. En fait, très, très vite. C'est ça que je dis. Mais oui, c'est plutôt pourtant, ça ils, que je dis. Ils prennent des concours libertés. C'est ça que je dis. Merlin et Genot, en fait, arrivent. Arthur a son âge et son père, Uther Pendragon, est le roi à ce moment-là. Il y a Morgane, qui est sa sœur, qui est là. Et Guenièvre est une servante. Tout à fait. On recherche le crayon que j'ai balancé de manière très vigoureuse il y a un instant. Mais voilà. Mais très en effet. Bien. La première saison, c'est vraiment le monstre de la semaine et c'est pas toujours en plus un monstre lié au mythe. Donc parfois, tu te dis oui, bon, d'accord. D'accord. Parfois, c'est le chevalier noir, c'est cool quoi. Mais... Ah yes, excellent. Mais je crois que j'ai trop de séries à regarder avant de pouvoir regarder. J'ai oublié son nom, mais l'acteur qui joue Uther Pendragon, c'est l'acteur qui joue Giles dans Buffy contre les vampires. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà. Excellent! Excellent. Bah merci beaucoup pour. J'ai hâte à la prochaine rubrique de voir à quel film tu vas nous parler un an après. Faudrait que je regarde à peu près ce qui est sorti pour essayer de deviner duquel tu vas parler. T'as une idée déjà ou pas ? Il faut que je choisisse. D'accord. Et oui. Parfait. Oui, je sais, mais c'est juste que j'ai pas encore choisi lequel. Eh bien, vivement. Non, c'est vraiment intéressant comme angle d'attaque. C'est qui ment ? On va. C'est vraiment intéressant. Non, vivement. Vivement. C'était la blague. Ouais, allez, on va enchaîner. On va enchaîner et puis on va un petit peu accélérer sur cette fin d'émission avec mon deuxième. Le kiff du moment. Le deuxième kiff. Non, mon deuxième à moi kiff du moment. Et très bien. Ok, parfait. Alors. Je vais donc vous parler de ceci. Évidemment. Et oui, ça y est, il est arrivé après 4 ans d'attente. See Without Eyes. Superbe accent anglais, n'est-ce pas ? Le nouvel album des Glitch Mob, certainement mon groupe d'électro préféré. Je vais aller assez vite, ça va plus être une succession d'extraits qu'autre chose parce que je suis pas hyper calé en musique, je sais pas trop bien en parler. Bref, The Glitch Mob, je l'ai découvert pour ma part il y a à peu près, c'était en 2011. 2010, il y a 8 ans, avec The Apple Tree, donc de Chameleon 808, qui est un mec qui a fait un super montage avec tout un tas de films d'autour de 2010, entre 2005 et 2010, on va dire, et qui a mashupé les extraits pour en faire un espèce de clip sur la musique du Glitch Mob, et donc la musique que vous allez entendre maintenant, dans un instant. Si on se concentre. qui est le morceau donc Red Dress, qui est un remix j'aurais dû noter le nom mais j'ai complètement oublié, je suis désolé. Donc voilà, qui est un Blue remix Shirt. D'un mon Dieu. C'était la blague. Non, Red Dress n'est pas un morceau de Blue Shirt, c'est un morceau d'un autre groupe. Et donc The Glitch Mob a remixé ça pour en faire ce que vous venez d'entendre. Et donc Chameleon 808 a mixé, a mashupé des extraits de films par-dessus et l'a superbement bien fait pour un petit clip détonnant, n'est-ce pas ? Donc vous pouvez trouver, ça s'appelle The Apple Tree, Chameleon 808, donc K-H-A-M-E-L-E-O-N 808, n'est-ce pas ? On dirait un numéro de Minitel, là, ce que je viens de dire. Oui. Bref, The Glitch Mob, c'est un groupe formé en 2006 avec donc les membres, les 4 membres fondateurs sont Edith, Boretta, Oua et Craddy. Ce sont leurs noms de leur pseudo, Craddy. Oua. Ouais, Oua. Et donc Craddy qui quitte le groupe en 2009 pour divergences artistiques, n'est-ce pas ? Donc ne reste plus que Edith, Boretta et Oua depuis donc 8 ans, enfin 9 ans maintenant. Et donc En 2010, sort Drink the Sea, leur premier album. Voilà, donc ça c'est tout à fait dans le style de ce qu'ils faisaient jusqu'alors au travers de leur remix, mais avec, on va dire, plus d'épicness, plus de percus et surtout des sons originaux, puisque il n'y a absolument pas de remix de quoi que ce soit ici, c'est vraiment leur son à eux. Donc c'est des rythmes souvent assez lents, entre guillemets, qui ne sont pas forcément faits, je trouve, pour bouger de manière épileptique en boîte de nuit, et surtout d'où leur nom, il y a des glitches, donc des espèces de bugs distillés tout au long des morceaux, sans pour autant qu'on en perde le rythme. C'est vraiment, ça mène à plus de ruptures, plus d'intensité dans les morceaux, je trouve. Voilà, je trouve qu'ils manient ça vraiment à merveille, c'est pour ça que moi je les écoute. Et voilà, c'est vraiment mortel. C'est ma petite pépite dans mon cœur. De respiration, comment dire, inattendue. C'est ça, absolument. Mais qu'il faut plaisir à entendre. T'as un exemple ? Non, y a pas, t'as pas... On va en entendre. En fait, vous allez en entendre tout au long des extraits. Ils en abusent pas, c'est ça qui est cool aussi. Ils en abusent de moins en moins, je dirais. Dans leur premier remix, celui qu'on a entendu, Red Dress notamment, c'est vraiment que ça tout le temps. Ce qui est très bien, ce que j'adore. C'est un de mes morceaux préférés. Et c'est vrai qu'ils se sont dit. Exactement. Ils se sont dit on va peut-être se calmer un peu et on va en faire un peu moins. Voilà. Mais du coup voilà, ils ont réussi à trouver un espèce d'équilibre très très cool, et surtout ils font aussi des glitches, on va dire, dans des, pas forcément en termes de rythme, mais en termes de couches d'instru qui sont derrière, où la musique va continuer, et puis derrière on va entendre des petits sons un peu qui vont grésiller, on va dire, ou qui va glitcher, hein, c'est, de toute façon c'est le terme, sans rythme, sans faire de rupture. Pas glitcher, en fait, c'est pour ça dans la musique. Un glitch, c'est un bug, c'est un. Tu vois les images quand tu captes mal à la télé, là, à la TNT, les images qui bug, les pixels qui se mélangent. Ça, d'accord. C'est un glitch. Voilà, un glitch. Et sinon, en termes de son, tu vas l'entendre dans ce au début de ce jingle. C'était l'instant résumé. Voilà. Ça, c'est un glitch. Le fait de répéter trois fois, voilà, c'est comme un disque vinyle qui. C'est un disque vinyle qui. Scratch, quoi. Ouais, sauf que comme c'est pas de l'analogique et que c'est de l'informatique, du numérique, ouais. C'est un glitch. Voilà. Donc, ça, c'était en 2010 pour Drink the Sea, leur premier album, que j'aime beaucoup. Et donc, ensuite, en 2011, sort We Can Make the World Stop, leur EP. Voilà, donc là on est dans la continuité de l'album précédent, donc Drink the Sea, mais avec un single éponyme, donc We Can Make the World Stop, plus calibré pour les nightclubs, je trouve. C'est quelque chose que je trouvais assez différent de ce qu'ils faisaient d'habitude par rapport à ça, où je me suis dit, ok, maintenant qu'ils commencent à être connus, ils essaient un peu de créer des morceaux, on va dire, pour bouger un peu en boîte, et ça s'est beaucoup ressenti après, je trouve, avec leur deuxième album, donc 4 ans après Drink the Sea, donc 2014, Love, Death, Immortality. Et là, j'ai un peu triché parce que, effectivement, c'est peut-être le morceau qui est le moins susceptible de passer en boîte de nuit, mais il y en a plein d'autres qui le sont. Et donc là, par exemple, on avait un exemple de glitch. Ah, t'en as plein. T'en as, exactement. Enfin, je non, mais c'est comprendre. Ça, c'est le morceau qui en a le plus, on va dire, dans l'album. D'accord. Enfin, c'est le meilleur, moi je trouve que c'est le meilleur. Can't Kill Us, ça s'appelle, c'est une petite tuerie. Non, c'était pas très. Alors que, pas vraiment. Parce que Can't Kill Us. Oui. Cette blague était vraiment marrante. Rajouter Glitch aussi, c'est tout ce qui est jeux vidéo aussi. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a même parfois des développeurs qui en profitent, qui vont laisser le glitch et mettre une petite récompense. On pense pas. En fait, c'est un terme que je connaissais dans le visuel, mais pas dans l'audio. Mmh. C'est pour ça que je demandais. C'est dès que ça bug, en fait, concrètement. Ça a une autre signification qui existait avant le numérique. Tu vas sur Google Translate, tu trouves la traduction. Mais voilà, c'est un mot qui a après été spécifiquement mis pour le numérique. Bref, donc, Kant Killers qu'on vient d'écouter, qui fait partie de Love, Death, Immortality, donc leur deuxième album en 2014, et qui est là, en fait, j'ai eu l'impression qu'ils avaient vraiment trouvé une identité qui, moi, m'a pas dérangé, mais m'a surpris, en fait, où je trouvais que c'était vraiment différent de ce qu'ils faisaient avant. Dans les grandes lignes, on va dire, hein, mais je trouvais que l'atmosphère était très, très différente, et j'ai appris à aimer cet album, mais ça, enfin, ça n'a pas été immédiat. Je l'ai tout de suite apprécié, mais je l'ai pas adoré tout de suite. Et encore maintenant, il y a des morceaux que je suis pas fan, et notamment ces morceaux un peu plus calibrés nightclub, on va dire, qui bougent beaucoup plus, dont j'ai pas mis d'extrait là parce que... Dommage. Ouais, je viens de m'en rendre compte, en fait, j'ai écrit la chronique tout à l'heure, mais... On aurait chanté, dansé, wow. Bref, cet album-là est plus structuré en termes de sonorité et d'ambiance, ils incluent même des layers, enfin des couches de son analogiques... assez discrète, mais qui donne du corps, en fait, donc des espèces de micros qui grésillent, de ce genre de choses là et ça donne vraiment, il y avait une impression un peu de vide dans l'album précédent, avec juste les sons électroniques qui s'enchaînent et moins de pas tant de, enfin de corps, on va dire, ouais. Et ils ont rajouté ça derrière, je l'avais dit, hein, que je savais pas parler musique, dans le deuxième album, ils ont rajouté ça, et je trouve que ça donne vraiment de, ouais, une identité, et ça rend les morceaux vivants. Mais au moins on te comprend. Voilà, tout à fait, formidable. Il est aussi plus sombre, cet album-là, et les glitches se font plus discrets, alors pas dans Kant Killers, parce qu'il y en a énormément dedans. Mais je trouve que, voilà, ils ont réussi aussi à... C'est là où ils ont vraiment commencé à doser leur glitch d'une manière qui ne conviendra pas à tout le monde, que moi je trouve différente de ce qu'ils faisaient avant, mais qui n'est pas plus mal. Et donc, alors non, pas tout de suite, ensuite, en 2015, donc juste après, un an après... en fait, ils font toujours ça, ils sortent un album, un an après, ils sortent un EP, et trois ans après l'EP, ils sortent un nouvel album. Un EP, c'est Extended... je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est 3-4 morceaux... c'est pas un album complet, c'est juste 3-4 morceaux... D'accord. 3-4-5 morceaux qui sortent pas en album. Un supplément, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, si c'est ça, puis souvent, en fait, c'est plus dans l'esprit du dernier sorti plutôt que du prochain. Ils préparent une douce transition. Quoi. Et c'est exactement ça, et c'est exactement ce qu'ils ont fait aussi avec leur deuxième EP, donc Piece of the Indestructible, sorti en 2015. Voilà, Better Hide, Better Run, que j'adore tout particulièrement, qui est tout à fait puissant. EP, Extended Play. Extended Play, merci beaucoup Jackie pour cette traduction littérale. Je ne sais pas ce que j'ai voulu Magnifique. Dire. Magnifique. Voilà. Merci. Et donc, ici, nous avons des layers dans ce morceau-là en fond, qui sont dans la continuité de l'album précédent, donc Love, Death, Immortality, mais une ambiance qui... un peu à la suite, on va dire, notamment au niveau de la voix, qu'ils ont toujours utilisé des voix dans au moins une de leurs pistes de leurs albums précédents, mais je trouve que elle était pas on va dire elle était toujours très trafiquée, très ce que je trouve très bien d'ailleurs, mais très, voilà, très très numérisée, on va dire, et c'est petit peu moins le cas, je trouve, dans le dernier album, et surtout il y a beaucoup plus de morceaux avec de la voix que dans les albums précédents, et donc c'est leur nouvel album Sea Without Eyes, donc sorti il y a quelques jours, et donc là nous allons écouter l'extrait Take Me With You. Take me. Voilà, donc 8 ans après leur premier album, ils restent fidèles à eux-mêmes, hein, on va dire. Il y a toujours les mêmes sonorités qui reviennent un peu, mais avec des nouvelles et surtout une nouvelle façon de les travailler. C'est, les changements ouais, c'est marrant, ça a l'air super différent. Sont toujours discrets. C'est ironique ou... Non. Ok, non, non. Cool. Parce qu'en fait, j'arrive plus trop à m'en rendre compte, moi, à force de les écouter. Mais... juste en écoutant les extraits. Mais, c'est marrant parce que je trouve qu'il y, y a vraiment une continuité dans les sonorités. Et en même temps, ils arrivent vraiment à les retravailler pour faire quelque chose d'assez différent. Et là, alors, j'ai pas trouvé de terme. J'ai pas réussi à trouver le terme. Mais on avait un album plus sombre avec le deuxième. Et là, on a un album, je trouve, plus sournois, on va dire. Un peu plus en mode thriller. Voilà, où c'est pas de la mélancolie, c'est pas enfin voilà, il y a vraiment un côté un peu je te suis dans la nuit et je vais angoissant, quoi. Ouais, mais pas tellement, parce que enfin t'es pas angoissé quand t'écoutes la chanson, mais t'es il y a une espèce d'ambiance de film en fait qui est particulier, notamment avec ce morceau que j'adore qui s'appelle Keep on Bracing, qu'on va écouter maintenant et qui vous donnera une idée à peu près de ce que je veux dire peut-être. Ça pourrait faire une très bonne musique de série. Mais oui, un générique de série. Bah ouais, ça fait énormément penser à Massive Attack, et Massive Attack a déjà été utilisé en générique. C'est vrai qu'il y a un peu de petit côté Massive Attack. Ouais, ouais, non, c'est vrai, carrément. Tu m'aurais pas dit que c'était Glitch Mob, j'aurais dit oh, c'est peut-être le nouvel album de Massive Attack. Et bah voilà, et ce morceau-là, il est hyper différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, et c'est un de mes préférés de l'album avec Come Closer qu'on va écouter à la fin pour conclure ce kiff. Voilà, c'est vraiment mes deux morceaux préférés, et c'est pas sur ces morceaux-là. C'est un kiff du moment. Et c'est pas du tout sur Come Closer et Keep on Breathing qui sont mes morceaux préférés que l'album a été vendu. Il a plutôt été vendu sur Take Me With You et où je vais éviter parce que c'est plein de mots très simples, mais j'arriverai pas à les dire de manière correcte en anglais. One Again Abyss to Fly. Ouais, exactement. Donc voilà. Mais ils ont aussi beaucoup joué sur la reverb dans cet album là, avec des morceaux qui se perdent un peu dans le lointain comme ça. Enfin, c'est vraiment. Je crois que je le préfère. Ouais. Je pense que je le préfère à Love, Death, Immortality, pas sûr de le préférer au premier, mais au moins de niveau égal. En fait, il y a très peu de morceaux que je ne veux pas écouter dans cet album-là, contrairement à Love, Death, Immortality, où il y en a, on va dire, 4 que j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup sans m'enlacer, et puis les autres que je mets de côté, quoi. Là, c'est pas tout à fait ça. Il y en a plutôt 3 que je mets de côté, et le reste que j'écoute volontiers quand vous voulez. Et donc, si je résume bien tout ce que tu as dit, si je me plante pas, si j'ai bien suivi, ils n'ont sorti du coup que 3 albums, si on ne compte pas les EP, c'est ça ? C'est ça, ils n'ont sorti que 3 albums. Ouais, Drink the Sea en 2010, Love, Death, Immortality en 2014 et See Without Eyes en 2018, à chaque fois à 4 ans d'intervalle en fait. Donc ils prennent vraiment leur temps pour travailler leurs albums. Alors ils font les EP entre temps, mais à chaque fois l'EP il sort un an après l'album, et ils se laissent 3 ans après où ils font éventuellement un single, genre des remixes notamment. Ils ont remixé, ils ont fait un super remix de la BO de Tron, Re-Re-Z, qui s'appelle Re-Re-Z. Ok, bah, j'écoute ça. Elle est trop bien, elle est mortelle. Et puis, alors pareil, c'est le morceau hyper énergique qu'on entend dans la boîte de nuit, le morceau le plus célèbre de Tron Legacy en fait, des Daft Punk, et là ils ont fait un truc hyper lent mais qui marche, mais du tonnerre, enfin j'adore. Bref, donc voilà, de temps en temps ils sortent des petits remixes comme ça, des petits trucs, mais sinon ouais, ils mettent vraiment du temps, des années en fait, pour travailler leurs albums, et c'est plutôt cool pour ce groupe né donc en 2006, donc qui a maintenant 4 plus 8, ça fait 12 ans. Tout à fait. Absolument. Et bah voilà, ça c'était le Glitch Mob. J'espère que Je vais vous appréciez ce genre de son. Bah, je vous filerai l'album que j'ai évidemment acheté. Et c'est vrai, en plus, la pochette est magnifique. Merde, je voulais la ramener, j'ai oublié. Mais les gens la voient. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. La pochette est vraiment magnifique. Ils font vraiment un super taf graphique aussi. Même au niveau de leurs clips, les derniers, voilà, c'est pas forcément un truc que je kiffe à fond, mais il y a des idées graphiques derrière. Les clips du précédent album, Love, Death, Immortality, sont trop trop bien. Qui joue sur des espèces de taches d'encre, des trucs qui coulent, des trucs voilà qui. C'est plutôt des taches de sperme. Oui, oui, oui, absolument. Voilà, qu'est-ce merci. Que je suis drôle. Voilà, mais bref, j'espère que vous irez écouter ce groupe si vous aimez ce genre de musique. C'est vraiment de la folie pure. Et on va se quitter avec mon deuxième morceau préféré de l'album, comme Closer. Et voilà, c'était mon deuxième et dernier le kiff du moment. Formidable. Eh ben, nous arrivons presque au terme de cette émission. C'est vrai. Puisqu'il nous reste un le kiff du moment à aborder. Mais peut-être deux, si Vianney a eu l'inspiration. Oula, non. Ah oui, non. Bon bah juste un, alors. Au moins c'est clair. Alors Armel, quel est ton kiff du moment ? Alors, eh bien... Le kiff du moment. Eh bien, je dois dire que j'ai eu des semaines plutôt riches en mini coup de cœur, en tout cas en lecture et en visionnage qui m'ont fait plaisir. Mais il y a eu un gagnant. Le concours. Il classifie, il se les fait entre eux, tu vois, des bastons. Toutes les semaines, il met dans des petits papiers avec le nom des trucs, et puis à la fin, il tire ça. Ah, le kiff du moment sera celui-là. Et il envoie un nom à l'auteur truc, il dit t'as gagné, et puis il envoie des noms aux autres en disant vous avez perdu, bande de connards. Je l'ai vu faire ça, hein, ouais, il fait ça. Oui, précisément. Vraiment... Ce fut dur, mais j'ai été assez convaincu, et donc je vais vous parler. De Hunter x Hunter, l'animé. Non, mais sérieux ? Okay. Mais oui. Mais ah, c'est trop bien. Très rapidement, Hunter x Hunter, à la base, c'est un manga. Bah oui, vous, tu dis rien d'autre que des mangas ou quoi ? Que ça. Un excellent shonen, très très très malin, avec des personnages très bien écrits, des épreuves vraiment très intelligentes. C'est vraiment beaucoup de traits, en tout cas. Mais voilà, tout est trait dans Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est le manga trait. Globalement, avec Armel, on a toujours les mêmes goûts en manga. Donc je veux dire très oui. On a très toujours les mêmes goûts. Je veux dire que oui, est-ce qu'il dit. Je veux dire, c'est même pas trait, c'est excellent trait. Mais oui, mais de toute façon, c'est un peu comme ça qu'ils sont dessinés, les personnages de manga, avec des... traits. C'était la blague. Et moi, j'aime bien. Oui, pour une fois, c'est drôle. Pour l'histoire, très rapidement... Nous sommes dans un monde qui ressemble un petit peu au nôtre, mais avec des zones sauvages beaucoup plus dangereuses, où l'homme n'arrive pas à trouver sa place. Et donc il y a une espèce de groupe d'élite appelé les Hunters, qui part explorer ce genre de choses. Ils servent aussi à toutes sortes de missions, militaires, garde du corps, tout ce qu'on peut imaginer. En gros, ce sont des mercenaires de luxe. Et pour devenir Hunter, il faut passer un examen. Et, si on le reçoit, on reçoit le titre, on reçoit une paye continue et tout. Enfin, c'est un statut extrêmement privilégié, qui est extrêmement recherché. Et on va suivre Gon. Extrêmement privilégié, puisqu'il est extrêmement difficile à obtenir, de gagner tout à fait. Ce diplôme. On va suivre Gon, qui est un jeune garçon de 11 ans. Dont le père est Hunter, il ne l'a jamais connu, mais il sait qu'il est Hunter, et donc il veut absolument suivre cette race, et on va le suivre au début du manga quand il décide de passer l'examen Hunter. Il va se faire plein d'amis, il va rencontrer des méchants, ça va être la bagarre, et ça va être trop bien. C'était l'instant résumé. Sauf que oui, c'est trop bien à cause d'une intelligence d'écriture dans le personnage, dans les aventures, qui font que c'est passionnant. Et l'anime arrive à rendre ça... de façon magnifique. Il y a déjà eu une première adaptation assez vieille, je crois qu'elle est sortie en 98. Ouais, parce que je trouve ça, en vrai, je suis étonné de t'entendre parler de ça maintenant, parce que je sais que tu es très à jour sur tout ce qui est manga et tout ça machin. Et ce truc-là, j'en entends parler depuis longtemps. Alors le manga, je l'ai lu en effet il y a longtemps, et j'avais vu l'anime à l'époque que j'avais pas aimé. Je suis assez ton avis. Ouais. Et il y a quelques années, ils ont sorti un nouvel animé qui est sorti il y a 5 ans maintenant, peut-être 6, je sais plus, il faudrait que je vérifie. Je crois que c'est 2008. Non ? Ah ouais, non, 2013. Ah d'accord, parce que c'est carrément 10 ans, mais... Enfin voilà, en tout cas ils ont fait ça, et tu m'avais dit qu'à l'époque ouais, c'était très très bien, que c'était comme ça que toi t'avais découvert, donc on avait pu échanger. Niet. Non, j'avais c'était pas comme avant. Ça. Ok, toutes mes excuses. Et donc là... Mais j'avais redécouvert, c'est le principe, c'est ce que tu dis, de relire ouais. ou de revoir. En fait moi c'est vrai que les seules œuvres où je fais ça c'est les mangas, parce que je les lis et ensuite je les regarde. Ensuite tu les regardes. Et là il s'avère que j'étais en train de me faire une partie, comment dire, j'étais en train d'XP sur Final Fantasy XII, voilà, pour si vous voulez tout savoir. Et donc c'est une partie un petit peu chiant. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre... Oui. Oh yeah, oh yeah. Et je vais mettre un épisode en parallèle pendant que je bute mes monstres à la chaîne, parce que c'est chiant. Et bon bah je vais pas vous le cacher, hein, c'est-à-dire que j'ai regardé un épisode et demi, j'ai tout de suite arrêté Ted XP et j'ai enchaîné 8 épisodes et c'était fou. Très très bonne animation, surtout au niveau des couleurs, ils arrivent à gérer de ouf. Un truc sur les couleurs, ça tout de suite t'identifies les méchants, tout de suite tu comprends ce qui se passe, enfin pas que les méchants d'ailleurs, pardon, les sentiments, ce qui va se passer. Ça pète, en plus c'est beau, mais la nature est belle, il y a des belles couleurs. Ils profitent de... c'est une animation fluide, même par rapport à ce qui se faisait à l'époque, parce que... C'était des épisodes qui étaient censés sortir toutes les semaines, donc l'animation est souvent un petit peu bâclée. Là, c'est pas du, ouais, tout, c'est le cas. Pas du tout le cas. 5 images par seconde. Après, je pense que c'était leur, je pense que c'était leur volonté aussi, il me semble. Hein. Oui. Je sais pas si t'as étudié un peu le truc. Oui, ouais. C'était clairement la volonté de sortir une version. En fait, ils testaient des choses à ce moment-là. Voilà, ils se questionnaient sur le fait de ressortir une version de Dragon Ball aussi, sauf qu'ils ont testé en fait celle-ci, parce que la vieille était décriée par beaucoup. Et que l'arc Chimera Hunt arrivait à la fin aussi, à ce moment-là, quand ils l'ont commencé. Parce que c'est assez compliqué, l'histoire n'est toujours pas terminée, parce que l'auteur, comme beaucoup d'auteurs exceptionnels, en fait, a des problèmes personnels. Il est souvent sujet à des dépressions, et donc parfois il arrête d'écrire pendant 3 ans, ce qui est plus que compréhensible, hein, je ne veux pas le critiquer. Mais du coup, il y a moi des aussi, chances, moi, voilà. C'est un connard. Exactement. Pense qu'à sa gueule. Il y a des chances pour qu'on ait jamais la fin, mais au moins il a terminé l'arc qu'il était en train de faire, qui a duré quand même 10 ans. Ouais, donc, pour mettre une corde sur un bout de bois, il met 10 ans, c'est ça ? Pour son arc. C'était la blague. Bah moi là je suis moins... Voilà. Moins drôle. Moins et drôle. Donc du coup je croyais que c'était ça mon coup de cœur, mais en fait c'était pas ça. Oh là là, tu... C'était pas ça mon kiff. C'est vrai ? Le kiff du moment. Qu'est-ce qui se passe ? Plot twist ! Armel va nous faire ça sur 20 trucs, tu sais. En fait c'est pas ça non plus. En fait c'est pas ça, hein. Mon dieu. Non ? C'est quoi ? Et bah en fait derrière j'ai eu le deuxième tome de Jupiter's Legacy. Le kiff Ouh du moment. On va pas être copains alors. Précisément, j'ai relu le 1. Ouais, baston. J'ai lu le 1 et le 2 et j'ai vraiment kiffé. Ok, tu peux résumer Jupiter's Legacy ? Oui, c'est il revisite. C'est un comique pour une fois. C'est un comique exactement. De comme comique. Tu vois que je lis pas que des mangas. Hein ? Mon gars. C'est un comics de Mark Millar, un autre auteur que j'aime beaucoup, mais qui parfois fait des trucs bons. Voilà. Mais on s'en fout. Et donc là, le pitch, c'est et dans dessin années... de Frank Quitely, ouais, qui est un dessinateur est d'exception, bon, ouais. Qui est un des plus grands hommes que cette terre ait jamais connu. Voilà. Ouais, 2m13. Hein. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'était la blague. Bref, très rapidement, dans les années 30, un groupe, après la crise de 29, en gros, un groupe de personnes décide de suivre un rêve. C'est-à-dire que l'un d'eux voit une île en rêve, il décide d'y aller. Il la trouve, contre toute attente, et ils reviennent avec des super pouvoirs de malade. Genre, un peu tous à la mode Superman, quoi. Vraiment très costaud, la plupart savent voler, régénération cellulaire accélérée, pouvoirs mentaux, enfin, il y a des trucs assez, vraiment balèzes. Moi aussi, je sais voler. Hein. Oui. Et, et donc, 70 ans plus tard, parce que oui, du coup... 99. Ralentissement du vieillissement aussi. De quoi ? Du coup, 99 1999. Il a fait 1929 plus 70. Bravo, c'est bien. Mais donc, 80 ans. Oui, donc je sais pas comment compter. C'est 80 ans, parce que c'est en 2013. Enfin, 80... Ah, ouais, bref, précis. Arrivons en 2013. Voilà. En fait, Eh ben c'est la crise actuelle, quoi, telle qu'on la connaît aujourd'hui dans notre monde, quoi, réchauffement planétaire, c'est exactement la même chose. On est aux États-Unis, les super-héros en fait n'inspirent plus grand monde. Beaucoup de leurs enfants servent à vendre des produits, voilà, ont attaché leur nom à tel truc, font la fête, picolent beaucoup trop et tout ça. Et ça va amener à des choses. À des choses qu'on ne spoilera pas. Alors, donc t'as fini le 2 et tu t'as kiffé. Ah ouais, j'ai kiffé, ouais. Ok, cool. Alors, j'ai kiffé le tome 1. Moi aussi, j'ai trouvé ça génial et tout, machin. Pourquoi ? Relecture du mythe de super-héros. Des pages... une critique de la société sympa avec de vrais enjeux, des vraies prises de position et tout. Enfin, c'est vraiment agréable à lire. Puis des pages effectivement magnifiques avec des idées visuelles absolument mortelles. Des illustrations de pouvoir notamment qui sont d'une inventivité exceptionnelle et qui impactent la rétine mais comme jamais, enfin vraiment c'est une de mes plus belles lectures en termes de dessin. Ah ouais, et le scénar est cool, bref. Et le tome 2, alors on m'a dit c'est une merde sans nom, grosse déception, c'est à chier et tout machin. J'ai fait ok, bon bah je vais l'acheter parce que j'ai vraiment aimé le tome 1 et tout machin. Il se trouve que c'est pas du tout la merde qu'on m'avait vendue, mais c'est pas c'est à des milliers de crans en dessous du premier pour moi. Ça se résume simplement pour moi à une conclusion. En fait, c'est deux tomes équilibrés en termes de pages. C'est en gros moitié-moitié, tome 1 et tome 2. Voilà, c'est divisé en deux piles au milieu. Et en fait, le 2 est une longue conclusion qui dure la moitié donc, de l'histoire et qui ne pousse pas les enjeux plus loin, ne pousse pas la réflexion plus loin. Et voilà. Donc en gros, c'est très bien quand on a kiffé le premier pour et les personnages. Moi c'est comme ça que je l'ai pris, du coup c'est ok, on voit comment ils avancent et c'est intéressant de ce point de vue là, c'est cool, l'histoire a une fin, c'est une vraie fin et tout machin, très bien. Mais je suis d'accord, il y a plus du tout d'enjeux sociaux, voilà. Mais du coup si vous voulez lire ce truc là, lisez les deux en même temps. Et moi c'est ce que je fais, j'ai relu le tome 1 et j'ai enchaîné directement avec le 2 en fait. Tandis que les gens qui l'ont lu là maintenant et qui n'ont pas relu le tome 1 avaient l'attente et avaient cette idée de deux bouquins aussi, que y a le tome 1 puis le tome 2. Tandis que si tu prends l'œuvre complète, j'espère qu'ils feront ça un jour, qu'ils rééditeront en entier le truc. Tu vas parler du troisième. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça aussi, c'est un petit peu traître. C'est que nous, en France, on l'a eu en deux tomes. Mais les Américains, en fait, ils avaient parution en bimensuel. C'était un bimensuel, je crois. C'est-à-dire que tous les deux mois, ils avaient un chapitre. Ouais, voilà. Et forcément, ça change tout parce qu'en fait, ils ont pas eu tout ça en sentiment de coupure. Nous, on a eu quasiment 8 mois, je sais plus. Oh, oui, au moins, ouais. C'est un véritable. Pour moi, alors pour le coup, on parlait d'un fléau des séries qui est de Cliffhanger. Pour moi, c'est un véritable fléau de mode de consommation et de production de beaucoup d'œuvres narratives, de ne pas savoir comment les couper et comment les produire, en fait, en termes d'unité. On en a beaucoup parlé avec Armel pour les mangas, parce que les mangas, c'est un vrai problème, parce qu'il y a à ce côté, ça sort toutes les semaines et tout ça. Et pourquoi on ne fait pas des tomes qui clôt des arcs ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, oui, ça ferait des très gros tomes et des tomes petits, mais putain, ce serait tellement plus intelligent. Tu lis un tome, c'est ça l'histoire, c'est pas... Mais là, l'histoire elle est complète. Un tome, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'as pas d'arc. Enfin, l'arc, c'est l'histoire, en fait. Non, mais oui. Enfin, je prends l'exemple de One Piece qui n'est pas bon, parce qu'effectivement, c'est une histoire à rallonge. Mais ça peut être le cas, par exemple, je sais pas, d'un Dirk Gently ou de machin, où on aurait pu se dire, j'ai pas vu la saison 2, hein, mais tu pourrais dire, pourquoi on fait pas tout ensemble, et puis en fait, c'est une seule série. Ouais, enfin, c'est encore un autre exemple. Je vois ce que tu veux dire. Souvent, on peut trouver un exemple, mais les exemples sont pas bons, mais ce que je veux dire, et en fait on s'en fout d'exemple, ce que je veux dire c'est que souvent le produit fini n'est pas réfléchi en termes de lecture des lecteurs. Tout à fait. Voilà, c'est un point de vue éditorial et de thune en effet. C'est à débattre absolument. C'est-à-dire que Panini a la volonté de sortir, je crois, tous les 5 mois un Mark Millar en ce moment. Jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus, et donc clairement ils ont décidé de faire ça. Au lieu de sortir un seul volume. Mais je suis d'accord avec toi qu'il n'y a plus d'enjeux, en effet. Alors, pour l'avoir relu, les enjeux sociaux sont quand même moins forts que ce que moi je me souvenais, en fait. Moi, j'avais le souvenir d'une œuvre quand même assez politiquement posée. En le relisant, je me suis dit, en fait, c'est quand même plus soft. Et donc moi, ce qui m'a plu, surtout dans ce deuxième tome, je comprends parfaitement ce que tu veux dire, moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est sûrement l'une des plus grandes batailles mythiques, mythologiques, les plus ouf que j'ai vues, parce que Quietly, il a dessiné ça de façon magnifique. Ah oui, il y a ça aussi que j'ai pas aimé. Justement, il y a des trucs qui se passent, des personnages qui meurent, hein, voilà, on va pas dire. Oui, mais je vois très voilà. Bien. Ouais. Et en fait, j'ai pas compris. C'est-à-dire que. Non plus. Il est... On pas. Est d'accord. Je sais pas. On est là. J'ai pas compris. Il est là, la case suivante, et ben il meurt. Et on passe à autre chose. Quoi surtout... Mais en fait, plus ça. C'est pas possible. Non, celui-là, ce truc-là, je suis d'accord, je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Mais tout le reste. Ah oui, mais voilà, c'est ça. C'est les deux trucs qui m'ont. Ce truc-là, je ne comprends pas. Surtout qu'il. Il te prépare le truc. Ouais, bah, c'est ça. Il te demande, ça oh avant. Putain, ça va chier. Ça va... D'accord. Ah ouais, c'est... ouais, d'accord, on s'en fout. Ok, très bien. Mais c'est hyper perturbant. Puis bon, bref, on pourra pas. Ouais, c'est. En fait. Donc, moi, je lis beaucoup de mangas. Et donc, le combat dans le manga, j'en ai parlé la dernière fois, c'est vraiment quelque chose qui apporte la narration via le combat. C'est quelque chose. Les combats sont hyper beaux, hyper stylés. Et je trouve souvent que dans les comics à papier, les bagarres sont très. C'est figé. Des peintures, en fait. C'est extrêmement figé. Ouais. Alors, c'est le cas. Hein. Ça reste quand même des trucs. Mais là. C'est rythmé, il y a quelque chose. Quoi. Je m'y suis pris dedans, quoi. C'est cette bataille gigantesque dans cette ville. Le découpage des mortels, en fait. Quietly arrive à faire, il arrive à faire un découpage hyper simple, en mode c'est juste des rectangles. C'est pas déstructuré et éclaté comme dans la plupart des comics, en fait. Ça reste assez basique. Mais justement, il arrive à se servir de ça pour te raconter quelque chose et faire vivre, effectivement, ses personnages et ses actions. Enfin, je sais pas comment il fait. C'est ouf qu'il arrive à faire ça en fait dans un découpage aussi simpliste en apparence de te faire vivre autant d'actions. Enfin, ouais, vraiment découvrez des œuvres de Frank Quitely en termes de dessin. Oui. Ouais, il a fait All Star Superman, qu'on évoquait tout à l'heure avec Grant Morrison au scénario. Enfin, le dessin est fabuleux. Quoi. C'est particulier, hein, notamment au niveau des visages. Ils ont toujours des petits yeux, des petits. Enfin, c'est assez bizarre. Ouais. Mais les détails, les postures, les. Enfin, c'est assez ouf. Quoi, là, ce qu'il fait. Là, du coup, le coloriste qu'il a pris. Oui, en plus. Sont vraiment très très bien. En plus, ouais. Mais c'est vraiment. On peut presque dire que même s'il y a tous les thèmes que Mark Millar aime à aborder habituellement et qu'on reconnaît vraiment sa patte, c'est une œuvre qui est forte. Avant tout, grâce à quoi. Ouais. Mais bon, vous l'aurez deviné. Non, sérieux. C'est pas mon vrai kiff du moment. Putain, cette émission interminable. Le kiff du moment. Mais promis, cette fois, c'est mon vrai kiff du moment. C'est juste que je m'y attendais pas, parce que je l'ai commencé hier soir. D'accord. Je m'y attendais vraiment pas. C'est Nier Automata. Très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nier Automata. C'est un jeu vidéo d'un jeu PlayStation. C'est vrai ? Tout à fait. De quoi ? PlayStation ? PlayStation. Ah, moi, je joue sur PC, mais... Oui, c'est pareil. Moi, je suis plus fort que toi. Il y a environ un an et demi, je ne sais plus le mois exact. C'est un RPG japonais. Ouais, d'accord, ça ne m'étonne pas. En fait, avec le nom, j'ai eu un petit indice. Plus loin, Automata. Ah ouais, ça aurait pu être anglais aussi. C'est le deuxième volume, lié dans cet univers, même si, ou peut-être le troisième, c'est juste que je connais que Nier. Je crois que c'est le deuxième. Ouais. Mais en tout cas, on peut parfaitement jouer aux deux indépendamment, de la même manière qu'un Final Fantasy. Je crois même que c'est la volonté de l'auteur. Et bah, c'est génial. Ça va être très dur d'en parler, c'est pour ça que j'en parlais très très rapidement, parce qu'il ne faut absolument pas spoiler, il ne faut rien spoiler dessus. Je savais en fait, on dit toujours en ce moment que oui, on fait rien que de l'ardite, tout ça, on n'invente rien. Ah bah si, on invente ça, clairement. Moi je savais presque rien, j'avais vu quelques visuels, une nana en robe gothique avec un grand katana. Je savais qu'il y avait une histoire de robot, enfin qu'en gros, qu'a priori c'était un cyborg, c'était tout ce que je savais, et voilà, et on commence. Et on est dans une phase de gameplay, on peut pas s'attendre à ça en fait. C'est... À moins d'avoir vu le truc, cette face polée, tu peux pas t'attendre à ça. Tu me donnes envie là. Après, sans spoiler quoi que ce soit, mais je l'ai pas fait. Hein. Mais le concept de base du gameplay, et je vais rien spoiler, c'est que c'est un jeu que tu dois recommencer. C'est ça. Mais c'est pas un rogue. C'est pas du New Game Plus. C'est pas du New Game Plus, c'est pas un rogue, c'est pas... Voilà, c'est-à-dire que tu vas recommencer le jeu et ce sera différent. Oui. Voilà. Et ça, c'est le principe du gameplay. Mais ce sera différent, non pas que mécaniquement, mais aussi thématiquement. Enfin, c'est ça, historiquement. Oh la vache, putain, ça me fait penser à ton jeu que tu chroniquais à la dernière émission, là. Radiant Historia. Ça doit être encore totalement différent, mais oui, je pense que totalement différent. Mais c'est hyper intriguant là. Donc là, j'ai joué. Ça, a priori, c'est un peu de la bombe de balle. J'ai joué deux fois une heure, en gros, parce que je suis mort et qu'il n'y a pas de sauvegarde avant une heure. Autre chose, les sauvegardes, a priori, gros concept. J'en dirai pas plus, mais ils ont fait un truc, un vrai truc. Ça me fait penser à Majora's Mask pour le coup. La première fois que tu jouais, tu pouvais pas sauvegarder avant une heure du fait du scénario. C'est en fait. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, bon, voilà, donc je suis mort, mais il se passe un truc. Et donc, j'ai recommencé. Et je saurais pas dire... J'ai joué à plein de jeux dans cette heure-là. À plein de gameplay différents. Plein de trucs différents, dans des trucs différents. Et je savais pas. Ça donne trop envie. Et c'est beau, mais c'est beau. Et la musique... Il va sortir sur Switch ou pas? Mais il y a des rumeurs. Alors, je connais pas la puissance des machines, je dirais que c'est pas impossible. Après, de toute façon, Pierre Downgraden, pas... le seul souci, c'est ce que Square Enix voudra le porter. Quoi. C'est plutôt ça. Square Enix a toujours été excessivement partenaire de Nintendo. Donc, voilà, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas si jamais. Faut qu'ils aient envie de ressortir une version pour Switch. En tout cas, là, voilà, j'y joue sur PC. Mais Square Enix a dit il n'y a pas longtemps qu'ils voulaient renforcer les partenariats. Et mon avis, cette annonce-là, elle a que deux options possibles. Soit ils vont taper un Final Fantasy, donc soit le 15, soit le 7. Soit ils vont taper Nier Automata parce que. Ah oui, à ce point-là. Il a un grand succès au-delà du parlons chiffres parce que c'est comme ça qu'on marche au monde. Voilà. Et il a marché aux États-Unis. D'accord. Et il marche en France. Et après, même sans parler de chiffres, d'un point de vue succès critique, le succès critique est ouf. Ouais, d'accord. Déjà, rien que le concept là, sans spoiler, vous me l'avez vendu, j'ai trop envie d'y jouer en fait. Mais enfin, c'est un JRPG les JRPG qui ont d'excellentes notes unanimement, c'est rare. Enfin. Ou alors c'est toujours les mêmes quoi. C'est Final Fantasy. Ou au contraire, ils sont défoncés parce que c'est pourri, c'est moins bien qu'avant. Mais des jeux un peu comme ça originaux parce qu'au final Nier c'est une licence qui est pas forte, c'est rare. Ah non, c'est clair, comme tu dis, c'était mieux avant. Ceci était un message de papy vieux con. J'étais triste de pas l'entendre beaucoup. C'est vrai, tu l'as placé. Voilà, désolé d'avoir plus ou moins joué avec vos nerfs, mais je trouvais ça joli parce que c'est vraiment trois choses en fait, trois coups de cœur dans des domaines différents. Et ça me faisait chier de les classer en fait. J'ai triché pour pouvoir parler des trois. Parce que mais c'est bien, non, mais parfait, parfait. Non, c'était agréable et j'ai hâte, j'ai envie vraiment de jouer au jeu dont tu viens de nous parler. Bah, en fait, moi je t'inviterais. Donc, comme je dis, c'est vraiment tout récent. Là pour l'instant, je viens juste de finir l'intro. Et donc, autant si ça se trouve, ça va être de la grosse merde derrière. Il y a assez peu de chance. Non, moi ce qui me faisait plus peur, c'est. Et a priori, il n'y a pas de crainte à avoir, hein, mais c'était mon inquiétude, c'est comme tu recommences, est-ce qu'il n'y a pas un côté où c'est un JRPG, ça va être long? Est-ce que ça va pas être à un moment donné un peu lassant, sachant qu'il faut quand même que tu recommences plein de fois pour finir? A priori, un run, même si c'est pas. Oui, oui. Une partie, c'est à peu près 7-8 heures. Ouais. Voilà, tu vois, donc c'est pas très très long au final. Ça dépend si t'as beaucoup d'histoire ou pas, quoi. Mais ça, je sais pas. Je ne sais pas en fait. Si tu as l'occasion, je t'invite à tester le prologue en fait. Ouais, ça m'a dit en bien. En fait, qui rien que ça vaut le coup et qui est presque une mini histoire. D'accord. Faudrait le sortir sur Switch pour ça. Exactement. Je pourrais jouer sur PC, mais moi, le PC pour moi, c'est le travail. Je peux pas jouer sur PC, c'est pas possible. Je comprends. C'est psychologique. Ça serait hyper bien que ça sorte globalement. Mais merci beaucoup pour ces trois kiffs du moment. C'est formidable. Il y a une petite réaction par rapport à Nier Automata. Je suis désolée pour ton pseudo, mais je veux pas pouvoir le prononcer correctement, je pense. Lee Yatsu PLS. Le truc avec Nier, c'est que le créateur Yoko Taro est un fou furieux de perfectionnisme. Nier, c'est mon bébé d'amour, et il met un point d'orgue à ce que tout soit parfait. L'OST, la culotte de la 2B. De 2B, pardon. C'est le nom de l'héroïne. D'accord. Sa culotte est parfaite. Donc. Bah, je ne l'ai pas encore vue. Non, mais ok. Ouais, l'OST, tu disais, ok, qui est alors, cool. Alors, oui, on voit un peu de ses jambes, mais je trouve pas que ça soit du tout. Enfin, on pourrait s'attendre. C'est pas exagéré. Non, c'est vrai. Et il n'y a pas de nichon surabusé. Enfin, pas où j'en suis. Okay. Ça marche. Bon, et ben. C'est pas Xenoblade Chronicles. Tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. Deux. Oulala. Tout le monde. Tout le monde a l'air de surkiffer ce jeu. Il va falloir que je m'y intéresse. Hein. Parfait. Merci à tous. Merci. Est-ce qu'on n'approcherait pas de la fin de l'émission doucement et, là et merci à tous de nous écouter. Oui, merci à tous pour le chat, pour vos retours et compagnie. C'est formidable. Oui. Vous êtes formidable, vous vous sentez bon. Et je rappelle aussi, je l'ai déjà fait un peu sur les réseaux sociaux, mais je le redis, n'hésitez surtout pas à nous contacter par quelque biais que ce soit, notre email, notre page Facebook. Sur le chat pendant les émissions, enfin, éventuellement des pigeons voyageurs. Mon Twitter à moi, puisque les mondes de l'inattendu n'a pas encore de compte Twitter, mais fait pour voilà, Valentin. Fait pour Valentin. N'hésitez pas à nous faire les retours aussi agressifs et virulents soient-ils, parce que vous trouvez que c'est de la merde, comme tout aussi. Alors agressif, mais respectueux. Non, on s'en fout. Vous pouvez nous insulter, on aime ça. Nous. Enfin, moi j'aime ça. Vous êtes des connards, s'il vous plaît. J'sais voilà. Pas. Oui, juste d'accord. Un petit peu de politesse. Cordialement enculé. Voilà. Du coup. Bah, n'hésitez surtout pas à faire des retours parce que c'est comme ça qu'on fera évoluer le podcast et c'est comme ça qu'on fera des choses qu'on sait que les gens ils aiment bien. Absolument, voilà. Bravo. Et ben voilà, merci à tous. Nous allons donc conclure ce podcast tout en fait. Nous revenons bientôt. On va essayer de revenir sur un rythme d'une fois toutes les 3 semaines. Nous allons nous concerter entre nous pour vous annoncer plus tard la date sur les réseaux sociaux. Et parce que, bon, hashtag teasing, il y aura peut-être une chose un peu différente pour la prochaine émission. Voilà, on peut, enfin, sans dire, il y aura peut-être une personne en plus autour de la table. Voilà. Mais on est en, voilà, en réflexion, en pourparler. Tout cette ça, personne donc, ne le sait pas encore. Elle ne le sait même pas, donc voilà. Si elle le sait, mais elle ne sait pas la date. Bref, on s'en fout. On va pas s'étaler. Allez. Merci à tous pour votre sympathie, gentillesse et de nous avoir écoutés. Nous étions en direct des mondes de l'inattendu et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Bonne nuit. À bientôt dans un nouveau monde de l'inattendu.